Bonsoir à tous, podcast numéro 51, on est le 13 novembre et on est ensemble pour un podcast pendant à peu près 2 heures ou 3, on va voir en fonction de notre forme, voire 4, dit Dimitri. Et ben justement, je suis Grégoire, je suis l'hôte de ce podcast et j'accueille autour de cette table ou table virtuelle en l'occurrence Dimitri que vous avez déjà entendu. Salut Dim, ça va? Ouais, salut, bah écoute, ça va très bien, là on est un mois pile poil de la sortie de Star Wars 8, donc ça va nickel. Oh putain, il enchaîne direct, vous avez senti, ça va être un gros podcast. Ah ouais. Là, il n'y aura aucune pitié ce soir. Aucune pitié sur le podcast 51. Face à Dim, j'ai envie de dire sur le ring, parce que on n'est pas tous aussi fans que toi. Il y a Julien. Julien, salut, ça va? Ça va très bien, ça va très bien. Bon, t'es prêt à en découdre un petit peu avec Dim pour Ouais, un peu fatigué, mais ça va aller. Oh, écoute, on te sent quand même un petit peu prêt à répondre à ça. Surtout qu'on n'est pas tout seul. Hein. Il y a encore avec nous un invité exceptionnel cette semaine. C'est Yao. Salut Yao. Salut, le squatter de base, je suis là. Le squatter qui est là, qui va nous faire plaisir, j'imagine, avec pas mal de petits quiz et questions. On ne saura pas répondre, hein, voilà, toujours. Donc voilà, on est parti ensemble. On lui a retoqué des débats encore. On lui a encore enlevé des débats, il va encore faire des trailers, des trucs. Ah, c'est bon, on devait parler du club d'eau. Non, c'est bon. C'est Julien qui retoque, hein, on le sait. C'est le seul boulot. C'est ça. Voilà, je suis le mec qui le videur. Ouais, bah moi, je coupe après au montage. J'ai l'air sympa, mais j'enlève tout au montage après. Voilà, on est parti ensemble. Déjà qu'on a enlevé Elohim du montage, vu certains problèmes comme Kevin Spacey. On est obligé de le retourner avec Yao, hein, mais malheureusement. Bon ben voilà, il y a au moins Elohim qui est déjà visé dans ce podcast, ça commence bien, on est qu'au début, ça fait 2 minutes qu'on enregistre, tout va bien. Et on va se lancer, bah, comme d'habitude, on va parler ensemble de divertissement et de jeux vidéo hein, pendant un peu plus de 2 heures. Et on va se lancer tout de suite dans ce podcast 51. Partie divertissement, on va commencer avec une chose qu'on n'a jamais trop faite et on ne sait pas trop si on va la garder au montage. Je ne sais pas trop comment je vais me débrouiller avec ça, mais on s'est dit qu'on n'avait pas envie de faire un retour sur un film qu'on avait vu ensemble, ni sur un album qu'on avait écouté ensemble. On n'avait pas envie de faire un débat d'actualité bien qui est de quoi avec toutes les affaires qu'il y a en ce moment à Hollywood. Ou Star Wars, mais on va quand même en parler, je crois. On va quand même en parler. Non, on va plutôt raconter nos expériences culturelles qu'on a vécues de chacun de notre côté un petit peu cette fois-ci. Alors pour Julien et moi ensemble, parce qu'on va parler d'abord du Pitchfork Festival et ensuite on passera la parole à Dim qui va nous raconter un petit peu sa Comic-Con Paris 2017. Du coup, on va commencer peut-être par le Pitchfork Festival, on va commencer par la musique, ce qui est rare dans ce podcast. Mais pour une fois, la partie divertissement commence en musique et Julien, j'ai envie de te dire, démerde-toi avec ça. Comment on peut raconter un festival comme le Pitchfork Festival? Déjà, qu'est-ce que c'est le Pitchfork Festival? C'est quoi un peu le style de musique qu'on y trouve? Pourquoi t'avais envie d'y aller, toi, cette année? Voilà, trop bonne question. Alors, foiré comme une balance de la patate chaude. Non, le Pitchfork Festival, donc, c'est le festival qui est basé sur le site Pitchfork, hein, qui est un site quand même emblématique de la musique indépendante. Alors, ça va quand même, c'est pas que de la musique indépendante, hein, mais ça va quand même du rap au rock. En fait, il y a quand même tous les styles sur Pitchfork si tu vas sur le site. Donc, chaque année, ils font un festival sur 3 jours. Qui mélange folk, rock, électro. Il y a aussi pas mal de hip-hop quand même, de plus en plus chaque année. Et c'est sur 3 jours, je le disais, à la Grande Halle de la Villette. La particularité, c'est que c'est un festival couvert, puisque la plupart des festivals, généralement, sont en plein air. C'est vrai. Et c'est généralement ce qui est assez appréciable, c'est que, à la fois, c'est les groupes qui, généralement, sont bien connotés Pitchfork, ou qui sont bien appréciés par Pitchfork. Et surtout, moi, ce que j'aime bien, c'est l'organisation du festival. Alors, on va dire que c'est un peu, parfois, un festival un peu bobo, parisien. Si peu. Mais alors, il y a quand même pas mal de gens qui viennent, notamment de l'étranger. C'est un festival qui est aussi, à l'international, quand même assez connu, même si je crois qu'ils ont d'autres dates dans d'autres pays. Ouais. Les Sud Paris est quand même assez réputé et il y a beaucoup d'étrangers qui viennent. Et moi, ce que j'aime bien, c'est l'organisation. C'est-à-dire, souvent, dans les festivals, tu peux pas forcément voir tous les groupes. Là, c'est un festival où tu peux voir tous les groupes parce qu'ils se succèdent les uns aux autres à 5 minutes d'intervalle. C'est-à-dire, en fait, c'est la Grande Halle de la Villette, pour ceux qui connaissent pas, c'est une sorte de grande arche, une sorte de dôme assez haut. C'est ça. Et d'un bout à l'autre de la salle, tu as en fait deux scènes. Et les groupes se succèdent l'un après. Ce qui est bien, c'est qu'ils font la balance d'un côté pendant que le groupe est en train de passer de l'autre. Donc finalement, en tant que spectateur, on s'ennuie jamais vraiment. Ouais. Et puis, on regarde effectivement un groupe pendant les 45 minutes. Ouais, 45 minutes, une heure généralement. Une heure, et puis on a juste le temps d'aller chercher un verre, et encore à peine, au bar qui est au centre, entre les deux scènes. Ta bière à 8 euros, là. Voilà, tu peux demander ça à combien. Tu fais comme Julien et tu payes 8 euros ta bière. C'est moins cher. C'est rien pour Julien, de toute façon. C'est rien, c'est peanuts. C'est rien pour les gens qui sont là, qui sont tous CSP+. Moi, j'étais habillé habillé en billet, tu vois. J'en avais rien à foutre. Je prenais des trucs sur moi, en fait. Ah, ce qu'il faut dire, c'est que Grégoire a acheté des petits souvenirs. Ah, moi, je suis un gros pigeon du marketing. Je n'ai pas écouté les groupes. J'ai principalement acheté des choses. Ouais, parce qu'une des particularités, c'est que tu as des jeunes créateurs, soit de mode, soit d'objets divers, qui viennent un peu exposer leurs œuvres que tu peux acheter. Il y a aussi des food trucks. Il y a aussi. Est-ce que c'était bon, les food trucks ou pas? Ça va, on va dire. Moi, j'ai un burger. C'était pas hyper cher par rapport au prix de la bière. Mais il y avait quand même. Non, c'était un burger normal, on va dire. Non, c'était qu'au niveau des objets et des groupes, le caractère très hipster. Et c'est vrai qu'on s'était déjà vu pas mal de fois là-bas avec Julien, les autres années, puis avec d'autres amis, bien sûr. Et on s'est dit, tiens, est-ce que cette année on y va, etc. J'ai un peu fait le forcing pour Julien. Je lui ai dit un petit peu, viens, il y a quand même des bons sons. J'ai pas dû à forcer longtemps parce qu'il y avait déjà une belle tête d'affiche, notamment le jeudi soir, on s'est retrouvés tous les deux. Moi, j'ai fait que le jeudi soir pour des raisons de parents. De famille, de truc de type, voilà. De type enfant. De type enfant. Oui, donc moi, j'avais choisi le jeudi parce que c'était vraiment les concerts qui m'intéressaient le plus, notamment Kevin Morby, dont j'ai pas mal parlé ici. Donc j'ai vu quoi là-bas? J'ai vu Moses Somni. C'est le premier. Généralement, ça commence vers 17h30, ce qui n'est pas vraiment pratique pour les gens qui bossent, ce qui est assez tôt. Donc j'ai pas vu le premier groupe. Donc c'était 18h30. Donc déjà, ça fait quand même assez tôt quand tu dois te faire notamment quand tu fais les 3 jours, t'es bien crevé. En fait, Moses Somni, c'est quelqu'un qui a été un peu intronisé sur la scène par David Sitek de TV on the Radio, qui fait une soul folk assez proche parfois de Jeff Buckley. C'est plutôt réussi, plutôt efficace sur scène. Moi, j'étais assez surpris et je connaissais pas du tout avant de le voir sur scène. J'avais écouté l'album avant pour un peu me renseigner et c'est plutôt, alors il a une voix très très haut perché, très très angélique. La différence un peu avec Jeff Buckley, c'est que c'est un petit peu plus soul, un petit peu plus black music. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très très bien. Alors après, c'est assez court, il a joué une demi-heure. Il n'y avait pas grand monde dans la salle, donc c'est vrai que l'ambiance est assez moyenne. C'était encore assez calme le jeudi. C'est toujours un peu le problème. Le jeudi, il y a moins de monde, et en même temps, quand tu arrives à 17h30, 18h, il n'y a personne, ou alors il y a des gens dehors, on ne sait pas ce qu'ils font. Qui sont ces gens qui sont dehors? On a vu des gens qui sont restés dehors toute la soirée, qui n'ont pas du tout été voir les concerts, donc on n'a pas trop compris le concept de payer 50€ la place, quoi, quasiment. Alors après, j'ai envie de dire que la claque pour moi de la soirée, c'était Chassol. Clairement, je pense que là, on peut le dire. Pour ceux qui ne connaissent pas Christophe Chassol, c'est un musicien qui va plutôt être, je sais pas de qui le rapprocher, c'est assez dur, il est assez iconoclaste, un peu comme peuvent l'être finalement, je sais pas, même Ian Tiersen à l'époque qui était assez iconoclaste dans ce qu'il faisait, ou un Sébastien Tellier. Plus bizarre presque, encore plus fou. C'est finalement des influences à la fois du jazz, du classique, il y a pas mal d'influences d'Eric Satie, puisque lui là il était au piano et il avait un batteur qui était ma foi plutôt impressionnant. Oh mon dieu, oui. Oh là, une sorte de. De brut. Alors en fait là il jouait Big Son, donc qui est son album inspiré de son voyage aux Antilles, puisque en fait il est de là-bas. Et en fait il est allé aux Antilles. Et il a en fait enregistré plein de sons différents et notamment il a interviewé des gens. Frankie Vincent, comment? Non, il a pas du tout fait du Frankie Vincent. Ça ressemble pas tellement. En fait, il interviewe des gens, il prend les extraits sonores, il est malaxe, il fait des boucles de sons, il rajoute des choses par-dessus, et après il joue dessus directement. Il improvise un peu du piano directement et ça ressemble à du jazz et on entend des phrases en boucle. On entend des phrases en boucle. Se transformer en rythme. Certains, je pense, pourraient trouver ça un peu inécoutable. Certains passages, notamment quand il rejoue des phrases que les gens sont en train de dire. Il les rejoue au piano en fait. Donc comme il les accompagne, il les souligne. Par contre, c'est un parti pris qui nous a mis une claque. C'est scotchant parce que sur scène en fait, donc il y avait lui au piano et le batteur et il y avait un écran où il diffusait en fait donc les images que lui il a filmées directement aux Antilles et notamment il y a un carnaval pendant qu'il est là-bas et donc le batteur rejouait toutes les parties percues du carnaval, donc il avait une espèce de rythme assez hallucinant. Assez soutenu. Et non, c'était juste dingue. C'est vraiment un spectacle. Enfin voilà, moi je l'ai écouté aussi l'album après Big Son, c'est moins impressionnant sur l'album. Là en plus, il jouait des morceaux de son dernier. Des morceaux de son album Ultra Score 2. Et moi j'ai trouvé. C'est vraiment une expérience. C'est une expérience et je pense qu'on peut dire que c'est le truc le plus étrange qu'on puisse voir même actuellement sur scène parce que tous les autres. Ce qu'on se disait, les autres c'est tous basse, guitare, batterie, voix. Lui il arrive et c'est complètement différent. Il joue avec un écran, il joue avec le public. C'est assez fou. Puis il a ce côté où il va pas chercher le public, c'est-à-dire tu rentres dans le truc où tu rentres pas. Tu comprends pas trop au début. Il met ses petites il met ses sons. T'as un mec qui parle, qui explique des trucs autour de la langue des Antilles, autour des dialectes. Après t'as un mec qui fait une espèce de rap un peu a cappella. Après t'as ce carnaval, tu vois, il filme plein de gens. C'est assez bien filmé aussi. Il y a un côté à la fois film de vacances et en même temps un peu côté un peu expérimental. Non, c'était vraiment impressionnant. Non, mais Chassol et bon, Kevin Morby s'en est clairement aussi bien tiré, mais Chassol a un peu cassé le jeu un peu après tout le monde parce que il a mis le truc très haut. On peut quand même parler du point chiant. Moi, j'ai trouvé, il y a eu le point chaud. Alors déjà, on n'a pas vu Ron. Non, on n'a pas vu Ron. On était en train de manger une burger. On entendait vaguement Ron. Ouais, ça avait l'air pas mal, mais c'était bon, assez électro. Il y avait This is the Kit aussi, qui était plutôt réussi. Donc un peu très très folk, très classique, un peu rustique, mais vraiment une belle proximité. On sent que c'est un groupe qui tourne beaucoup, qui a l'habitude, elle a fait beaucoup de premières parties, notamment de gens assez installés. Et on sent qu'elle maîtrise le truc, c'est son quatrième ou cinquième album. Ce qui est assez intéressant, c'est que dans son album, ça paraît être un truc assez intimiste, alors que là, ils étaient genre neuf sur scène, avec des cuivres, très, très cool, etc. Ouais, ouais. Enfin, c'était assez sympa. Il y avait trois choristes, ça fonctionnait très bien. Il y avait quoi ? Bah, t'as parlé de Kevin Morby, moi j'ai trouvé ça très bien, un peu court. Voilà, lui aussi, il a ce côté très simple, très direct, qui fonctionne très bien. On va dire les déceptions. Alors, on a vu Ride. Voilà. Donc, je sais qu'il y a pas mal de fans de Ride. C'est un groupe, alors Ride, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un groupe des années 90, très shoegazing. Ouais. Donc qui joue, voilà, moi je trouve, est-ce qu'il y a encore besoin d'écouter Ride dans les années 2000? Ils ont sorti un album là en 2017. Ils ont apporté la réponse, elle est négative, possiblement. Parce non, que après là, c'était très très bien exécuté, maintenant j'ai plus tellement envie d'entendre ça en fait. Ouais, c'était assez chiant et ça correspondait pas à l'esprit du festival non plus. Non. Pas très bien. Donc, et il y avait donc la tête d'affiche, c'était The National. Voilà, bon bah donc, là. On a fait quoi, 3-4 morceaux et ça nous a un peu saoulé, à peu près comme sur album. Ouais. Moi The National, c'est pas un groupe. Bon, j'aimais bien à l'époque Alligator, Boxer, c'était pas des albums inintéressants, mais c'est quand même un peu chiant. C'est un peu chiant, honnêtement, et c'est pareil en live. Hein. Ils nous ont fait un peu chier, ils nous ont un peu endormi, donc c'est vrai qu'au bout de 3-4 morceaux, on est parti, mais quand même avec. Moi j'ai trouvé que c'était un très bon premier jour, et notamment Chassol qui a mis la barre tellement haut, et This is the Kid qui était une très bonne surprise, Kevin Morby qui a délivré ce qu'on voulait. Que des artistes que on vous recommande d'aller voir. T'as fait le vendredi ? J'ai fait le vendredi en plus. J'ai pas fait le samedi, mais j'ai fait le vendredi. Le vendredi, je voulais y aller notamment pour Cigarettes After Sex que t'avais conseillé, qui était très très tôt. Donc j'y suis pas allé parce que c'était à 18h. C'était Cigarettes Before Sex. Là. Ouais, j'étais pas trop prêt pour à 18h pour aller en festival. Non, je voulais aussi pas rater Sylvanesso qui passait vers 19h15, qui était un groupe que j'avais déjà été voir en live il y a 3-4 ans au moment de la sortie de leur premier album et qu'un ami m'avait conseillé sur lequel j'avais déjà beaucoup apprécié en live et là effectivement ils ont confirmé. Donc qu'est-ce que c'est un duo, un duo avec un mec qui est à l'électro, on va dire, on pourrait presque appeler ça un DJ, mais non, il est au piano et il fait de l'électro avec cet instrument. Et puis à côté de ça, t'as la chanteuse qui a une sorte de personnalité un peu comme la chanteuse d'Erita Mitsuko, un peu qui Catherine Ringer, voilà, un peu débordante, un peu exubérante, non pas du tout. Mais voilà, et du coup, elle a une voix assez cristalline et en même temps très puissante. Et elle envoie du lourd. Et lui, à côté, derrière, il part dans l'électro comme ça. Il était 19h et ils ont envoyé tout le monde danser comme en rêve party à 3h du matin. Peut-être programmé un peu tôt. C'est parfois les problèmes C'était programmé à une horaire un peu étrange, mais ils ont quand même réussi à vachement ambiancer la salle. Et il y avait du monde le vendredi. Donc les gens sont repartis en disant ok, il faut vraiment les surveiller de très très près, eux. Et je vous confirme, parce que Sylvanesso en album, c'est très bien aussi. Après ça, moi j'ai moins suivi, on va parler d'Andy Schauf, qui était un peu une déception, pareil, c'était potentiel chiant à fond. Isaac Delusion, que je peux mentionner rapidement, un groupe français qui a fait un très très bon show, qui ont été très carrés et qui ont quand même envoyé, alors là pareil, c'est de la soul avec un petit peu de pop, électropop dans certains aspects, et honnêtement ils étaient très carrés, et en plus ils étaient très sympas, on les a vus après au bar, ils sont venus faire des dédicaces et ils étaient très très cool, donc c'est toujours intéressant de suivre ce genre de choses. Isaac Delusion, allez voir un petit peu sur Spotify, vous pourrez entendre quelques morceaux pour vous faire un peu d'une idée de ce que c'est. Non, après, les deux autres trucs vraiment intéressants à mentionner, c'était Kamasi Washington. Ah oui, ça, tu m'en as parlé par SMS. Voilà, là, ça tabassait, là, c'était violent. Donc, c'est du jazz, c'est du jazz avec notamment des cuivres, puisque il joue de la trompette, je crois, ou du saxophone, je ne sais plus. Je crois que c'est celui au saxo, Kamasi Washington. Après, c'est du pur jazz. Donc, là, pareil, c'est on accroche ou on n'accroche pas, mais par contre, ça envoyait lourd, ça tabassait fort, et les cuivres résonnaient dans toute la salle. Donc, ils ont. C'est ça qui est appréciable dans ce deuxième jour aussi, c'est qu'on avait eu de l'électro auparavant, on avait eu un peu du rock, pop, électro, et on avait ensuite du jazz, et ils ont quand même réussi à bien reprendre le flambeau de cette salle qui s'était déjà bien enflammée. Et moi, je me suis en allé après le dernier artiste pour moi. J'ai même pas vu Jungle, parce que je pouvais ils plus. Ils étaient tard, non, ils étaient vers minuit et quart. Ils étaient vers minuit et quart, j'étais déjà crevé de la fin et de ma journée. Et du coup, je suis resté juste pour Polo & Pan, en fait. Ouais, donc français. Qui était en live, voilà, le duo français d'électro un petit peu pop, on va dire, qui ressemble un peu à du R, si je devais dire un peu comme ça, du R du début, sur leur album en tout cas. J'aime bien 2-3 morceaux, La Canopée notamment. La Canopée qui est un très, très beau morceau, et là, ça, en live, c'est pas du tout pareil. En live, c'est vraiment. Il y a des chanteuses, etc., mais elles s'en vont vite et ça devient un peu DJ set après. Ouais, ouais. Et donc, ça tabasse aussi, ça envoie. Là, le but, c'était clairement de retourner encore une fois la Grande Halle de la Villette. Et on sentait qu'on était vendredi soir. Ça a très, très bien marché. C'était très, très fort. Bah, ils font monter un peu la programmation. Fait que généralement, le vendredi aussi, ils envoient quand même un peu d'électro. Et le samedi, c'est généralement... ça dure jusqu'à 5 heures le samedi. Ouais, c'est ça. Donc là, moi, j'y suis pas allé. Mais Polo et Pan, très cool. Bonne expérience aussi en live. C'est pour les jeunes, le samedi, tu vois. Après, bon. Donc voilà, si vous connaissez aucun de ces artistes, allez les voir un petit peu. On vous fera peut-être un petit récap sur le site upcast.fr. Et puis, je vais laisser la parole à Dim en essayant de... Ouais, belle transition, parce que vous parliez de tous les artistes de ce festival. Et je me posais une question, ils passent encore à la... Enfin, ils ont des clips qui passent à la télé ou ils ont des chaînes Parce que là, je suis vraiment un néophyte et je connais zéro artiste. Ils ont tous des clips sur YouTube, ça, c'est sûr. Enfin, genre, est-ce que ça passe en télé ou c'est vraiment que du réseau, genre YouTube Ça passera pas à la télé. Je regarde un peu Kevin Morby, peut-être. Ouais, après, je sais plus trop moi ce qui passe à la télé. Enfin, tu vois, les chaînes de clips, j'ai l'impression que c'est tous des trucs caribéen musique. Ouais, j'ai l'impression à vous entendre parler, c'est des trucs ultra pointus en fait. Pas tellement encore. Ça va. Enfin, je connaissais rien non plus. Quoi. Le seul truc que je connaissais, j'ai regardé l'affiche par curiosité, c'était Run the Jewels. Ouais. Je crois que vous l'avez pas vu, c'était samedi. Samedi ouais. Run the Jewels qui était le samedi. Qui était un peu la grosse petite tête d'affiche. En fait, c'est toujours des trucs qui deviennent plus ou moins, pas mainstream, mais presque mainstream dans 3-4 ans, quoi, on va dire. En gros, c'est souvent comme ça que ça se passe. Et on voit les affiches d'il y a 3-4 ans. On les a vues sur les verres qu'ils nous donnaient au bar, parce qu'il y a les affiches des années passées. Ouais, c'est vrai. Et on reconnaissait beaucoup de noms en se disant, putain, la vache, il y a eu ces gros artistes-là qui sont passés, quoi. Tu vois, enfin, c'est toujours un peu des trucs comme ça. Après, ça reste quand même, Pitchfork, ça reste quand même un festival un peu. Un peu pointu. Un peu pointu, indé. Après, ça dépend où tu te situes dans la musique. C'est sûr que c'est pas hyper. Non plus, C'est vrai que Chassol c'est quand même assez exigeant par exemple musicalement parlant. Ouais, mais Chassol il a tu vois, il y a quand même des trucs qui sont assez accessibles sur le Trascore là. C'est des artistes qui vendent, des ventes quand même. Les artistes ne vendent plus, mais après bon. C'est des artistes qui rapportent en concert, qui ont des publics. Non, mais par exemple, tu prends The National, c'est un groupe qui est quand même installé. Ride, c'est un vieux groupe des années 90. Même Run the Jewels, c'est quand même assez connu. Jungle, c'est quand même un groupe aussi qui a été. Qui passe pas mal en radio. Sylvanesso, je sais qu'ils. Voilà, ça fait déjà 4-5 ans qu'ils font de la musique, du coup, et ça marche plutôt bien. Tu vois, Cigarette After Sex, on en a quand même pas mal parlé. Cigarette After Sex, ça a eu un petit succès. Il y a eu quand même plusieurs dizaines de millions de vues sur un de leurs tubes. Non, mais après, moi, j'arrive pas à qualifier la programmation dans le sens où ça dépend d'où tu viens dans le monde de la musique, tu vois. Si c'est sûr que si tu regardes que des trucs, je sais pas, si t'écoutes Énergie, tu l'entendras pas, je dis n'importe quoi, mais par exemple. Mais maintenant, la musique. Mais sur Nova, ça arrive, Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui écoutent Nova, tu vois, mais c'est. Après, le truc, c'est que tu peux aller sur le site Pitchfork, tu regardes un peu ce que. C'est un site anglophone, mais tu peux aller voir un peu ce qu'ils mettent en avant, et finalement, t'as cette programmation-là, c'est un peu. Mais ce que je veux dire, tu vas pas à ce festival par hasard, en fait. Enfin, faut déjà que tu connaisses. Oui, je pense que c'est quand même un peu des fans de musique, quoi. Hein, à part s'il y a. Tu vois, une fois, il y a eu Björk. Ouais. Ah non, elle avait annulé d'ailleurs. Il y avait Godspeed You Black Emperor. Ouais, mais il y a eu Some York par exemple, peut-être que là ça avait attiré. Some York, Some York de Radiohead, donc peut-être ça a attiré des gens un peu différents. Sauf toi. C'était fait chier, mais c'était. Voilà, moi, c'est pas la question. Non, mais c'est par curiosité, parce que vraiment, c'est. Non, mais je saurais pas forcément le quantifier. Après, c'est aussi des artistes dont on a parlé, tu vois, Kevin Morby, moi j'en ai parlé ici. Très bon artiste d'ailleurs. Chassol, ça aurait pu être un artiste dont on parle. Non, voilà. J'avais classé l'album de Chassol, par exemple, dans les meilleurs albums de l'année dernière, quand on a fait notre bilan de podcast. Et là, on l'a revu en live, et voilà, je maintiens du coup mon classement encore plus qu'avant. Et voilà, bon, bref, du coup, maintenant, comment faire? J'ai envie de faire un truc sans transition pour pouvoir couper tout ce qu'on vient de dire, si c'était un peu chiant. La transition qu'on peut trouver, c'est que j'étais au même endroit que vous, mais pas même, à la même période. C'est pas faux. Bien vu, Dim. Voilà. Parce que si la dernière fois j'étais avec vous, on va dire en live pour le podcast, notre 50e et magnifique numéro, c'était pas que pour ça non plus, hein, c'était aussi pour me balader à la Comic-Con Paris. Et c'est la première fois que j'y allais, j'ai pas été déçu, hein, le salon proposait pas mal de bonnes choses, plein de stands de goodies, hein, bon après dont la moitié quand même de goodies c'était que du Funko Pop, petit plaisir coupable des gens de Game Cult. Hein. Il y avait aussi du cosplay bien stylé, il y avait aussi des gros éditeurs qui étaient présents comme Panini, Glénat ou Hachette. Il y avait aussi des stands pour les fans, le fan club français de Star Wars, Planète Star Wars. À savoir toi. Dont le principal membre est toi-même. T'étais déguisé en quoi? Il y avait du monde, hein. Il y avait aussi la 501ème, hein, donc avec leur costume hyper classe. Et toi, Dim, t'étais déguisé en quoi? Comment? T'étais déguisé en quoi, du coup? En Porg. Oh, en vieux branleur trentenaire qui allait se balader. Et il y avait aussi un gros stand Netflix dédié à Stranger Things avec les décors de la série qui étaient recréés. Hein. On pouvait récupérer des goodies. L'idée de choper des trucs gratos, moi forcément, hein, ça me plaît bien. Mais le gros bémol, c'est sur la façon de les choper. Il fallait faire du vélo afin de déclencher un mécanisme qui diffusait la saison 2 en boucle. J'allais sortir en plus pour putain, il faut faire du sport, les mecs. Non. Bah, c'était pour gagner la casquette du personnage de Dustin. Et en fait, elle était bien stylée, cette casquette. Mais le moment où je voulais le faire, quand il y avait un peu moins de monde, j'entendais des explosions de malades. Ça sentait vraiment le moment où voilà, c'était la fin de la saison et je voulais pas pédaler devant la fin de la saison et me faire vraiment spoiler méchamment, donc j'ai laissé tomber. Et niveau invité, il y avait aussi du bon, hein, comme Brian Michael Bendis, un des nouveaux anciens plus gros scénaristes de chez Marvel. Je dis ancien parce qu'il vient juste de quitter Marvel pour DC Comics, hein, news qui a beaucoup fait parler. C'est lui qui a entre autres créé par exemple le personnage de Jessica Jones. Il a écrit aussi pour Daredevil aussi par exemple. Il y avait Don Rosa, l'auteur de La Jeunesse de Picsou, qui a eu une tonne de monde pour ses dédicaces. Il y avait aussi Tim Sale, l'auteur de certains comics Batman, dont le cultissime Long Halloween. Il fallait être juste méga réactif, hein, pour les dédicaces. C'est juste un peu la folie au niveau des files d'attente. J'ai un pote qui était avec moi, il a couru le samedi matin à l'ouverture pour pouvoir se faire dédicacer son exemplaire de La Jeunesse de Picsou par Don Rosa, et il a quand même attendu plus d'une heure alors qu'il était dans les premiers. Ah, question, Dim, ils font payer ou pas des dédicaces? Alors, je crois, si je dis pas de bêtises, c'est juste tout ce qui est acteur qui faisait payer les dédicaces. Les auteurs, non. C'est abusé, ça, quand même. Je trouve que ça allait, en gros, on va dire, en moyenne, c'était 40-50 euros la dédicace et la photo. Putain. Ouais, ouais. Encore un dessin, je peux comprendre, mais une photo. Non, mais alors, même, attends, on envoie nos dédicaces d'Upcast à qui veut bien. Moi, je trouve ça hallucinant. C'est quoi. Hyper bon. Cher. Après, c'est dans la culture après, Ricane, après, hein, je pense que si tu demandes un sketch à un auteur de comics, ouais, c'était payant, par contre. Hein. Ah, mais juste une dédicace, si tu venais avec ton volume, ta BD pour te la faire dédicacer, là, c'était gratuit. Ah, c'est gratuit. Non, mais pour moi, une dédicace, ouais, c'est un dessin automatiquement. Maintenant, c'est juste une signature, en fait. Là. Ouais, enfin, voilà. Tu payes 50 euros pour une signature ou... Non, moi j'ai pas. Non, j'ai non pas mais tu c'est-à-dire que les gens qui veulent avoir une signature, il faut qu'ils payent 50 euros. Bah pour un acteur, ouais, généralement c'était ça, les ça acteurs abusé, qui devaient payer. Ça, ça, putain, ces mais... acteurs. Et en train de le pire, c'est qu'il y avait du monde. Hein. Il y avait vraiment énormément de monde pour les dédicaces des acteurs. Salut les pigeons. Franchement, ça me choque, quoi, tu vois. Et que l'acteur, il accepte, quoi. Bah, c'est l'acteur qui demande, même. C'est l'acteur qui demande. C'est Corinne Nemec de Parker Lewis, tu vois, en fin de carrière. Et ouais, chez nous, ça nous choque vachement, mais aux États-Unis, c'est la norme. C'est vrai que c'est pas trop du fanservice, ça, quand même. Hein. Attends, la seule dédicace que j'ai fait un jour, c'était Asher Giger. Il était venu chez Album, je crois. Pas mal, putain. Il était venu, je crois. Bah non, j'ai pas payé à l'époque. Ah, bon, il te faisait une pauvre signature. En plus, moi, il m'a même pas calculé parce qu'il y avait une meuf pas mal qui était derrière moi. Ça fait chier. Et en fait, il est resté Kéblo dessus. Et il m'a signé, genre, tu vois, ensemble, regardez, quoi. T'as mis dégage. Là, j'avais fait genre une heure et demie de queue, tu vois, il y avait beaucoup de monde. J'avais mon petit bouquin de Giger et tout, j'étais tout content. Dégage, loser. Il était là, putain. Bon, après, il l'a joué. Il l'a payé plus tard, il s'est tué à cheval. Voilà. Il y a une justice. Je pense qu'il y a une justice. Mais bon, après, comme je disais, ouais, c'est vraiment une tradition américaine de faire payer les autographes. Ah ouais, attends, c'est bon. Donc, sinon, j'ai pu aussi faire plusieurs conférences. Alors, j'ai surtout retenu les deux consacrées à Joe Johnston. Alors, une sur sa carrière en tant que réalisateur de films comme Jumanji, Rocketeer et Captain America. Et la momie, non ? Et une autre sur son travail en tant que designer sur la trilogie originale de Star Wars. C'est notamment à lui qu'on doit le design du Faucon Millennium, par exemple. D'ailleurs, il a lâché une exclue, je pense que ça va vous faire sourire, c'est qu'il va terminer sa carrière en réalisant un dernier film et qui sera un nouveau Narnia, et ensuite il prendra sa retraite. Donc grosse exclue. Hein. Mais il y a encore des Narnia, ça existe encore Narnia ? Ouais, faut croire, je savais pas non plus, mais en tout cas son prochain film, ça sera un nouveau Narnia. Et j'ai pu aussi assister à deux conférences avec l'excellent acteur Finn Jones, hein, qui joue Iron Fist. Alors, même si je suis pas un grand fan du bonhomme, ça m'a quand même bien fait marrer de le voir sur scène. Je pense que les gars de chez Marvel Netflix, hein, ils l'ont pas choisi par hasard. Il est vraiment comme dans la série, hein, que ce soit dans ses fringues. Limite, il habille un peu en clodo, il avait un vieux sac à dos tout pourri. Je savais même pas ce qu'il y avait dedans, en fait. Ou alors son attitude en général, ses mimiques et tout. Enfin, j'avais vraiment l'impression d'être devant la série. Et j'ai malheureusement pas pu voir les acteurs de Stranger Things, hein, n'étant plus là le dimanche. En même temps, ils sont mineurs, non ? Ils n'ont pas le droit de sortir, non ? Ah, ils étaient là quand même. Hein. Ah, ils étaient là, hein, le dimanche. Ouais, il y avait les trois acteurs. Au boulot, là, les feignasses. Ouais, là, ils sont en pleine promo. Et donc, bref, j'ai trouvé que c'était un bon salon, hein, pour les fans de comics, de ciné, de séries, avec beaucoup de choses à faire et à voir et qui marchent vraiment bien, mais ça marche même, peut-être même de trop, parce que autant le vendredi, c'était très abordable, mais alors le samedi, c'était complètement noir de monde. Je pense qu'il faudrait presque que les organisateurs pensent à une salle plus conséquente l'année suivante, histoire qu'on puisse un peu mieux respirer, hein, parce que franchement, pour se déplacer d'un point A à un point B, limite, il fallait une demi-heure, tellement que c'était blindé de monde. Ouais, mais ils sont encore jeunes, là, de toute façon. C'est leur, je crois que c'est leur deuxième ou troisième année qu'ils sont indépendants par rapport à Japan Expo. Ouais, c'est ça, c'était la troisième année. C'était la troisième année, mais je pense que c'est la première année que j'y allais, mais là, ça a vraiment pris une sacrée ampleur. C'était noir de monde, mais un truc de fou furieux. Ouais, je pense que l'année prochaine, ils vont agrandir, de toute façon, ils n'ont pas le choix. Ouais, bah bien sûr. Par exemple, le samedi midi, c'était tellement blindé qu'on n'a même pas pu manger. Il aurait fallu, je pense, attendre une bonne heure pour un hot dog. Enfin, voilà, c'est quand même un peu long pour un hot dog. Donc, en tout cas, ouais, ça m'a bien convaincu et je pense vraiment y retourner l'année prochaine. Bon, bah écoute, hein, merci pour ce Comic-Con. Tu nous donnes presque envie, si seulement je connaissais les noms que tu avais cités. Ça, c'est un peu le problème. C'est un peu comme le Pitchfork Festival. Ouais, je suis un peu là, genre, cet acteur, c'est qui ce mec. Ah, mais moi, je suis surpris parce que tu sais, quand tu vois parfois des affiches de festivals, enfin, pas de festival, mais de Comic-Con, enfin, je sais pas si c'est des Comic-Con, mais c'est souvent. Ouais, de convention, t'as souvent, genre, le mec qui était dans la cantina de Mos Eisley vers la droite à 5 minutes 5 du retour du Jedi, tu vois. Toi, c'est un peu des mecs comme ça. Là, les gens que t'as cités, c'est quand même des gens plus importants dans la création des films, tu vois. Après, je dis pas que c'est pas intéressant de voir un mec qui était, il peut te raconter des trucs. T'as toujours les deux en fait. T'as toujours le mec oublié et t'as toujours. Ouais, après, il y a un podcast comme ça, je crois que c'est Camus Robotics, qu'on parle souvent, c'est I Was There. Où t'as justement, ils interviewent des gens qui sont vraiment des, tu vois, genre un technicien ou quelqu'un qui a un rôle assez mineur pour parler du film en question. Mais là, tu les gens que t'as cités, c'est quand même des gens quand même assez intéressants à entendre. Après, je dis pas que les autres sont pas intéressants, mais souvent, j'ai un peu cette impression-là où genre le mec qui doublait. C'est un peu le cliché des conventions, ça. Ouais, c'est un peu le cliché des conventions. Ouais, mais là, c'est un truc plus important quand même. Voilà, ouais, je pense qu'au niveau pop culture, c'est un des plus gros festivals. Ouais. Je compte pas Japan Expo parce que c'est vraiment la plus axée pop culture américaine. C'est peut-être le plus gros, effectivement. Donc la prochaine étape, c'est d'aller aux États-Unis, c'est ça ? Enregistrer un podcast en direct avec les deux acolytes. Ça va commencer à coûter cher tes idées, Yao, hein. T'es gentil. Non, mais... Là, on rigole beaucoup là-dessus, mais là, ce serait peut-être temps de lancer un Tipeee ou... Regardez-moi le aussi, là. Putain, c'est pas le dernier à sauter sur l'occasion. Bon, Odile, merci pour ce retour sur la Comic-Con, mais je vais te laisser encore un peu la parole, parce que je vais te laisser enchaîner un petit peu avec le point geek, justement. On parle de Comic-Con, on pense à geek. Et le point geek, les geeks au pouvoir, c'est un peu toi qui vas t'en charger, bien sûr. Tu vas nous parler de quelques trucs, je crois que t'avais... envie d'aborder, hein, bien sûr. Ouais, oui, bah bien sûr, un petit point Star Wars, j'entends déjà les ricanements. Regarde-les, Yao, il est déjà mort de rire. Quand je préparais ma news, j'entendais déjà les soufflements, tu vois, qui venaient de Paris, quoi. Comme ça, là, putain, il fait chier avec son Star Wars. Bon, en tout cas, voilà, j'ai commencé avec Star Wars et je l'apprends vraiment à personne, mais Disney a lâché une annonce assez énorme concernant le futur de la saga. Une nouvelle trilogie supervisée dans son ensemble par Rian Johnson, le réalisateur de The Last Jedi, qui s'occupera aussi de mettre en scène le premier film de cette nouvelle trilogie. Oh, ils ont annoncé aussi une série live, une série télé. Alors, des nouveaux films, rien de bien nouveau. Hein. Ils ont dit dès le départ un film par an. Mais on ne savait pas très bien ce qu'il allait y avoir après le 9, des épisodes 10, 11, 12 ou alors des spin-offs. Après, on n'en sait pas beaucoup plus, sauf le fait que ça ne sera pas une trilogie centrée sur les Skywalker. Et là, les fans, dont moi, s'emballent sur du Old Republic, hein, ce qui pourrait vraiment bien changer pour le coup. On verra aussi le résultat du travail de Johnson dans un mois, mais pour le coup, c'est pas mal rassurant que Disney lui confie les rênes de trois nouveaux films. Alors après, j'ai un peu plus peur concernant la série télé live. Faudrait vraiment que ça soit vraiment bien fait. Hein. Ça me ferait chier de voir du Star Wars cheap. Ça serait comme voir du Doctor Who avec d'énormes moyens. Ça le ferait vraiment pas, quoi. Et alors, c'est quelle chaîne on sait qui produit ça, la série télé ou Je vais y venir. D'accord, alors, sur, sur ce point, on peut se rassurer, hein, parce que bah voilà, ça sera sûrement un gros budget, vu que ça sera, à mon avis, la série pour lancer les abonnements du nouveau service de VOD Disney pour concurrencer Netflix. Ah ouais. Je pense qu'ils vont vraiment mettre le paquet pour faire venir les abonnements. Hein. Donc, toujours concernant la série télé, on ne sait vraiment pas non plus de quoi ça va parler. Mais ils piocheront peut-être dans la série qui n'a jamais vu le jour, qui s'appelait Star Wars Underworld. Alors, c'était une série développée après la Revanche des Sith par Lucasfilm. Et il y avait énormément de scénarios d'écrits, je crois plus de 80, il me semble. Et ils ont déjà pioché pas mal de choses dans cette série-là. Par exemple, le personnage vu dans Rogue One, Clone Wars ou Rebels, Saw Gerrera, bah, il vient de cette série. Ils ont déjà commencé aussi le recyclage voilà, par rapport à ça. Donc, voilà, on va voir s'ils vont continuer. Et pour conclure, je vous demanderai bien quel style de trilogie ou de série vous voulez, mais je pense que vous en avez un peu rien à foutre. Non, pas du tout en plus, parce que non, en fait, moi, la question que je me posais, c'est finalement le fait de sortir des Skywalker, ça va pas. Est-ce que ça va pas finalement en donner plus de liberté par rapport à l'univers, par rapport à ce qu'on attend, tu vois, c'était le débat qu'on avait eu à l'époque de la sortie du 7. C'est-à-dire pour moi, c'était un peu finalement des copier-coller des premiers épisodes, et c'était du fan service. Et là, le fait de sortir de cet arc narratif. Peut-être que ça va aussi leur permettre de vraiment bah, faire quelque chose de plus libre et de plus, peut-être plus intéressant qu'une espèce de copier-coller de Star Wars, tu vois. Alors là, je vais en fait, je vais citer l'ancien univers étendu qu'on appelle maintenant Legend. Donc c'est tout ce qui est plus canonique, c'était ce qu'il y avait avant Disney. Et là, ils avaient traité toute une partie Old Republic. Et bon, j'ai pas lu énormément de comics Old Republic, mais le peu que j'ai pu voir, c'était quand même un visuel qui changeait pas mal. Ou même qu'on revenait vraiment plus de 1000 ans avant l'épisode 4, par exemple. Ils avaient des sabres laser qui étaient branchés sur une espèce de batterie avec un fil. Enfin, il y avait plein de petits détails comme ça qui faisaient que c'était un peu plus archaïque que le monde de Star Wars qu'on connaît maintenant. Et donc voilà, je me dis s'ils peuvent s'appuyer là-dessus. Et je sais qu'ils piochent aussi pas mal dans l'ancien univers étendu. Par exemple, dans Rebels, ils ont ressorti le personnage de l'amiral Thrawn qui vient des comics. Donc je me dis, bon, à mon avis, ils vont piocher là-dedans. Et ça peut être sympa, quoi. Ouais, mais le truc, ça serait et peut-être. Ça fait non, mais... rien. Non, mais tu vois, peut-être que le truc, ça serait peut-être de partir, de faire un peu de table rase et de faire quelque chose d'un peu. Tu vois, même pas d'aller piocher dans les livres. Parce que là, finalement, ce que tu cites, c'est. Ouais, il y a l'univers étendu, mais c'est un peu la partie un peu cachée. Moi, j'aimerais bien qu'ils fassent un truc un peu, tu sais, comme dans le truc de J.J. Abrams, là où tu sais pas tellement, finalement, jusqu'à la limite, à la fin du film, si tu te situes vraiment dans le même univers ou pas, là, tu sais. Comment on appelle ça là? Cloverfield. Ouais, Cloverfield. Tu vois, limite, ça serait marrant de voir un film où tu sais pas vraiment que t'es dans un Star Wars jusqu'à ce qu'il y ait quelques éléments éventuellement qui te fassent comprendre que oui, t'es dans la dynastie Skywalker ou que oui, t'es dans les mêmes enjeux. Après, en la fait, licence est tellement forte que. Là, je pense que tu vois, tu rêves ouais. Parce que ah, c'est tellement. Moi, j'aimerais bien. Il y a des codes qui seraient codifiés. Je sais bien qu'ils feront jamais un risque pareil. Bien sûr qu'ils vont nous mettre du sabre laser direct, mais ce qui serait intéressant, bah, c'est de s'en éloigner même pas sans mal. Même sans sabre laser, je pense qu'on verra certains aliens et tout. On va tout de suite comprendre que ça serait du Star Wars. Donc, à mon avis, non. Ça va changer un petit peu au niveau voilà, des enjeux, ça sera plus la même époque. Moi, c'est ça que j'aimerais. Non, mais tu vois, moi, c'est ça que j'aimerais bien, c'est qu'ils sortent en fait des arcs narratifs père-fils, du rapport au héros, peut-être qui renouvelle les thématiques, pas forcément l'univers, parce que tu as quand même envie que ça reste que dans l'univers de Star Wars, donc ça c'est logique aussi, mais peut-être qu'ils renouvellent un peu les thématiques et qu'ils fassent pas un, voilà, pas un truc à détruire, pas ouais. Peut-être qu'il y a d'autres choses à explorer en termes les Ewoks, ouais. Non, mais peut-être qu'il y a d'autres choses à explorer que les mêmes relations qu'il y a dans l'épisode 7 par rapport à l'épisode 4, tu vois. Ah ouais, c'est sûr. Alors après, comme je disais, je sais qu'ils piochent pas mal dans tout ce qu'ils ont jamais utilisé ou qui existait déjà en légende. Alors voilà, je pense que il y a tellement, on va dire, un univers déjà construit à partir de l'Ancienne République. Si c'est vraiment l'Ancienne République, ça sera forcément différent. Mais je pense qu'il y a des gros personnages comme Rivan, par exemple, qui sera présent, à mon avis. Peut-être pas utilisé de la même façon, mais il sera sûrement là, quoi. Bon. Merci pour ce gros point Star Wars. S'il est terminé. Je suis un peu étonné que vous. Ouais, si, c'est terminé. Mais je suis un peu étonné que vous n'avez pas parlé du fait qu'il y allait avoir un surplus ou des trucs comme ça. Bah écoute, on s'est dit. Je crois que ça devient un fait établi maintenant. Ouais, hein, y en a trop. Voilà, point. Enfin, je sais pas s'il y en a trop. Mais en tout cas, un par an, voilà, on en est un petit peu. Non, c'est la norme maintenant. Et puis on se doute qu'ils vont pas arrêter là, tu vois. Voilà, ils l'ont dit, comme tu me l'as rappelé. On en avait discuté un petit peu en off. Après, en a parlé en off. Hein, tu sais bien que je suis pas d'accord avec toi. Voilà, mais... moi je sais qu'ils l'avaient annoncé, mais c'est pas pour ça que je suis d'accord avec ça. Et je trouve pas que ça soit une bonne idée. Pour moi, on se dirige vers un symptôme Assassin's Creed où un jeu par an c'était trop et tout le monde a eu ras-le-bol et ça va vite être pareil avec Star Wars. à mon avis, mais après je me trompe certainement, et comme tu me le disais très justement sur internet, Dim, il y a bien une raison pour laquelle ils le font et pour lesquelles ça bat des records à chaque fois qu'il y a un nouveau film Star Wars, c'est que les gens le veulent. Moi je suis une minorité en fait dans cette impression d'en avoir trop, donc ils ont raison de le faire si ça marche. Ouais, c'est ça, je pense que les gens continuent à apprécier, et c'est vrai que depuis le début de Upcast, limite à chaque fois qu'il y a un film de super-héros, on se dit ouais, celui-là il va se planter, ou clair. Ça va bientôt être la fin des super-héros, et à chaque fois les films ils engrangent de plus en plus de monnaie quoi. Ouais, mais après je dis pas que c'est la... y a toujours que la qualité est toujours là, mais bon, public leur demande toujours quoi. Greg disait ils ont raison de le faire, je sais pas s'ils ont raison, en fait c'est toujours le marketing débat. Marketingment parlant. Non mais c'est toujours le débat, est-ce que tu réponds à la demande ou est-ce que tu te poses dans une position plus artistique, et tu vois finalement Lucas il était plus dans une position artistique, je parle pas de la qualité des films, mais de se dire là j'ai envie de faire une suite à mes films, il aurait pu le faire avant, tu vois, et là tu sens que ça répond à une demande. Il voulait le faire avant, mais il disait que la technologie n'était pas encore au point. Il a peut-être dû attendre 10 ans encore. Ouais, c'est quand il a vu Jurassic Park qu'il s'est dit ouais c'est bon là je peux me lancer. Non mais là voilà, c'est à un moment donné tu fais des films pour les spectateurs. Ce qui est pour moi pas la définition de ce que tu dois faire dans l'art. Pense qu'ils sont pas bêtes, hein, ils sont pas suicidaires. Je pense qu'un jour ou l'autre, ils vont quand même mettre un peu le holà et faire une petite pause, quoi. Parce que c'est clair qu'un jour ou l'autre, forcément, oui, il y aura quand même une lassitude des gens, quoi. Ça, ouais. Et pour certains, ça arrive plus vite que d'autres. Donc voilà. je te propose qu'on enchaîne assez rapidement, peut-être avec le cas Flashpoint, puisque alors moi, je sais pas de quoi tu vas parler du tout. Ouais. Alors n'hésitez pas à m'interrompre si vous trouvez ça un peu compliqué. Alors une news pour revenir aussi C'est une news pour revenir sur une des sorties des 15 prochains jours. Je vais parler de Justice League et en quoi ce film est important pour l'univers du DCU. Car Warner attend les résultats de ce film pour lancer la production du film centré sur le Flash qui s'appelle Flashpoint. Alors je vous pose la question, est-ce que vous savez ce que c'est que le run nommé Flashpoint dans l'univers DC? Non. Bon, je réponds tout de suite à la question. Alors donc Flashpoint, c'est un event qui fut bien pratique pour rebooter l'univers DC. En gros, pour résumer grossièrement, c'est l'histoire de Barry Allen, donc le Flash, qui dépasse ses limites de vitesse pour retourner dans le passé pour sauver sa mère, mais il casse toutes les timelines et dimensions parallèles, sachant que, si je dis pas de conneries, il y a 52 terres différentes chez DC. Voilà, c'est un reboot. Ça a provoqué un reboot dans l'univers DC. Donc, par exemple, si le film Justice League se casse la gueule, ça peut être une bonne occasion de faire un recast. Par exemple, dans les comics, au moment de Flashpoint, Batman est différent, c'est Thomas Wayne qui est l'homme chauve-souris suite au meurtre de son fils Bruce. Ou encore, ça a permis à Batgirl de retrouver à l'usage de ses jambes, elle qui était devenue handicapée. C'était bien pratique pour relancer une série du même nom. Alors après, si le Justice League marche bien, ils peuvent très bien aussi faire le même film, un Flashpoint, mais juste faire quelques petites modifications de l'univers sans trop de changements. Comme par exemple, c'était le cas avec la série télé Flash de la CW, qui a eu aussi le droit à son Flashpoint. Donc voilà, je pense que c'est ce genre de news qui doit bien faire péter les plombs, faire péter les plombs. Ah, c'est juste une facilité scénaristique complètement hallucinante. C'est bien, les mecs, ils ont en gros, ils ont déjà une assurance si jamais ils se plantent. C'est ça, quoi. Ils attendent de voir les résultats. Si ça se plante bien, hop, un petit Flashpoint qui reboot tout. Et si ça marche bien, un petit Flashpoint qui reboot pas grand-chose. Voilà, c'est pas mal. Écoute, merci pour cette précision sur Flashpoint que tu nous fais découvrir à nous qui connaissons pas bien ces univers-là. Donc c'est toujours intéressant de savoir qu'il y a ce genre de solution qui est prête dans les studios. Je pense qu'on peut rester un peu dans la thématique avec les projets pourris. Non, je suis vraiment dégueulasse. Je suis vraiment dégueulasse. Non, c'est faux. Non, franchement, c'est intéressant. Non, mais on va enchaîner avec les projets pourris. Je vais passer la parole à Yao qui va nous parler de quelques projets pourris, de deux projets pourris au moins. Après, c'est subjectif. Hein, bien sûr, comme toujours. Il faut assumer ces projets pourris. On te fait confiance. Vas-y. Ouais, donc vous vous souvenez tous de Neuilly sa mère, je suppose. Bien sûr. Film. Bien sûr qu'on s'en souvient. Qui date de 2009, grande comédie qui a quand même rapporté 2,5 millions. Qui a ramené dans les salles 2,5 millions de spectateurs. Putain, c'est énorme. Donc c'est quand même énorme. Et donc ils ont décidé, 9 ans après, de réaliser une suite. Ouais. Donc avec le même casting, le même réalisateur. Mais alors attends, il y avait le gamin, il était tout petit dans le. Ouais, du coup il a grandi. Et donc ils vont le garder quand même, c'est ouais, plus. Tout le même casting. Il y avait quelqu'un de connu dans le premier. Il y avait Valérie Le Mercier. Je sais pas si Benoît Podalydès, il est dans le deuxième, mais je sais pas s'il était dans le premier. Il y avait, tu sais qu'il y a Elie Semoun dans le deuxième, je ne sais pas s'il était déjà dans le premier. En tout cas, il y avait il était dans tous les films à cette époque. Ouais, et donc voilà, donc une suite est prévue. Il était soit dans des films comme ça, soit chez Arthur. Et pas non plus. Donc une suite est prévue pour l'été 2018, 8 août exactement. Ah, là, c'est pas mal, on est pressé de voir le trailer. Et notamment dedans, il y aura un caméo de ouf, il y aura l'apparition de Arnaud Montebourg qui va jouer son propre rôle. Un prof de science. Putain. Je crois que là, t'as parfaitement tapé dans les projets pourris. Ah ouais, mais là, t'as suscité la curiosité quand même. Arnaud Montebourg dans un film. Ah ouais, mais là, c'est pourri. Là. Je ne sais pas trop quoi en penser. En fait, je me dis peut-être qu'ils ont un peu raté le coche, ou je sais pas, parce qu'avant, il y a eu beaucoup de films, on va dire, pas communautaires, enfin, si, communautaires un peu, sur la banlieue. Sur la banlieue, tout ça. Donc, je me dis pourquoi ils ont mis autant de temps. Le pitch du premier, c'était quoi? C'était un gamin de banlieue qui arrivait dans Neuilly. Ouais, chez Neuilly, avec donc... Neuilly, ouais, avec, bah, du coup, avec son. Comique des situations. Et tout ça. C'était très. Et qui, je crois. Enfin, non, je m'en souviens même plus du film, j'allais dire. Mais je m'en souviens. Et c'est Valérie Le Mercier qui joue un peu la bourgeoise de Neuilly. Ouais, bah, comme d'hab. Moi, ce qui me plaît le plus, je crois qu'on peut conclure là-dessus, c'est peut-être le titre de cette suite. Tu peux nous le révéler. Ah oui, c'est Neuilly, sa mère. Voilà. Merci les créatifs. Ensuite, un autre projet que tu as classé dans pourri. Ah, j'enchaîne. Ouais, vas-y, je te laisse la parole un petit peu. C'est le quatrième film live des héros de Goscinny et Uderzo, donc... Astérix, voilà. Et qui va c'est même le cinquième, si je dis pas de bêtises. Cinquième en live? Ouais. C'est possible, il y en a eu un aux Jeux Olympiques, je crois que tout le monde l'oublie un peu celui-là. Et il y en a eu un autre avec Edouard Baird dans le rôle, je sais plus, chez les Bretons. Il y en a eu trois hors Chabat, en fait. Il y a le premier, deuxième Chabat et deux encore. Ouais, deux, ouais. Ah d'accord, donc c'est le cinquième, waouh, autant pour moi. Jeux Olympiques de Finistre mémoire, là. D'accord, et donc ça se passera en Chine. Astérix. Donc c'est en Chine. Il y en a pas d'album d'Astérix. Non, c'est un inédit. Ouais, c'est un inédit. Alors moi, ce qu'on en parlait en off, mais j'ai vu qu'il y avait des rumeurs qui disaient que Chabat pourrait retourner à la réalisation sur cet épisode-là. Bon, en tout cas, le film il vise une sortie pour 2020 et donc le réalisateur et casting n'est pas encore connu. Ça le ferait peut-être passer des projets pourris aux projets un peu risqués. On ne sait pas si Chabat il va revenir. Ah, Clovis Cornillac. Est-ce que Depardieu va revenir? Donc voilà, tu seras mort en 2020. Et le choix de la Chine n'est pas une destination. Anodine, vu que forcément... gros marché. C'est un gros marché. Ouais. Ouais, gros marché, ils sont pas fous. Ils sont pas fous. Restons dans les projets. Et juste pour terminer, sachant que le dernier, c'était au service de Sa Majesté. Je ne l'ai pas vu, d'ailleurs. C'est... Putain, j'en ai même pas entendu parler. Il a quand même rapporté, pareil, 3,87 millions d'entrées. Bah, ça marche toujours bien. Hein. Putain, ça marche bien. Je savais pas combien ça avait coûté, parce que c'est quand même... Attends, le film s'appelle Astérix et Obélix au service de Sa Majesté? Ouais, le dernier, ouais. Okay, et c'était avec Edouard Baird, il me c'est celui-là avec Edouard Baird. Ok. Ouais, putain, ouais. J'en ai même pas entendu parler de celui-là. Restons dans les projets pourris. Je disais, je vais faire parler Julien pour le coup. Okay. Allez, c'est ton tour. Hein, je tire un peu au hasard. Julien, de quoi tu nous parles? Moi, c'est une série, puisque le projet pourri de la quinzaine, c'est évidemment l'énième tentative de relancer 24. Ouais. Hein, voilà. Après l'annulation au bout d'une seule saison de Legacy, qui était déjà un projet pourri, on va le dire quand même. Hein. C'était déjà pas loin, ça sentait parce le pourri. C'est l'idée de relancer 24 sans Kiefer Sutherland, sans Jack Bauer, donc c'est déjà un peu. C'est déjà un peu une mauvaise idée, les gars, en fait. Une mauvaise idée de base. Voilà, mais en fait, Fox et les producteurs, ils sont pas de cet avis. Hein. Parce qu'en fait, ils planchent sur un nouveau reboot. Donc la petite originalité pour le reboot, c'est qu'on parle cette fois d'une procureure. Donc d'un personnage féminin et d'une série qui serait anthologique avec une nouvelle histoire et un nouveau casting à chaque saison. Au cas où ça soit pourri, au moins tu peux te dire peut-être que le nouveau casting. Tu vois, ils l'avaient fait avec un black, ça a pas marché. Alors ils ont cherché ce qu'il y avait d'original d'autre. Ils ont fait une nana, les gars. Voilà, oh putain, j'ai une super idée. Fallait prendre un chinois. Il y a déjà eu des chinois. C'est pour la re-reboot, ça. Il y a déjà eu des chinois dans 24, c'était la saison avec son père, là. Ah merde. Ouais, je crois que c'est saison 6. Donc l'histoire en fait serait centrée sur une procureure qui découvre une conspiration juridique et se lance dans une course contre la montre pour sauver un condamné à mort dont l'exécution est imminente et qu'elle avait poursuivi en justice alors que celui-ci pourrait en fait être innocent. Mais du coup ça sera de l'action ou c'est là-bas? Du coup c'est une procureure. Alors, on sait pas trop parce que ça va pas botter du cul, tu vois. Ouais, elle est plus juridique. Elle dira pas elle dira pas des trucs comme ça et le truc c'est que voilà, peut-être que ça va porter la série vers un truc plus juridique. Peut-être, ce qui pourrait être pas mal aussi. Hein. Ce qui pourrait être finalement une solution un peu de repli plutôt que de trouver un nouveau Jack Bauer, ce qui n'est pas vraiment intéressant. Mais est-ce que des gens vraiment attendent 24? Non, mais c'est le truc, est-ce que 24, c'est pas finalement une série de son époque? C'est un peu comme le groupe qu'on avait vu. C'est un peu comme Ride. C'est un peu comme Ride. Dis, bon, est-ce que t'as envie de ça en 2017, sachant que c'est vraiment une série post 11 septembre? Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis voilà, je pense que Kiefer Sutherland, il a vraiment marqué. Mais il après, est passé à autre chose. Il est passé à autre chose. Déjà, ils avaient un peu tiré sur la corde sur les dernières saisons, quand ils étaient revenus avec une autre saison. C'était déjà pas génial. mal. Ah, le concept sent un peu mauvais, ouais. Mais je pense que c'est trop récent encore pour faire des reboots. Par exemple, X-Files, ils ont mieux joué leur coup, où il y avait vraiment une attente et une certaine nostalgie. Là, quoi. Ah, en plus, c'est pas un reboot, X-Files, c'est une suite. C'est une suite, ouais. X-Files. Ouais, ouais, c'est une suite, quoi. Mais même, enfin voilà, le 24 Legacy ou des choses comme ça, c'était trop tôt, quoi. Non, et puis je pense que là où tu vois, au niveau les codes de la série, ils sont tellement maintenant entrés dans la culture des séries, dans la culture pop, que finalement, t'as l'impression que c'est de la parodie. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Voilà, bah, je vais pas en dire plus que je vois que. Ah non, mais moi j'hallucine sur le temps déjà passé. Je commence à faire les gros yeux parce que putain, on a encore un programme tellement chargé. Je vais couper. Non, court. Je vais couper dans le vif. Dim, je te laisse quand même la parole sur ton projet pourri à toi. Je sens qu'on va sauter tous les projets risqués, les gars. Voilà, j'annonce. Hein. Ouais, bah, je vais rester dans l'univers des séries avec la série Blair Witch. Alors, il est déjà étonnant qu'un des films les plus rentables de l'histoire du ciné n'a pas été plus été exploité que ça. Pour mémoire, il n'y a eu que 3 films, dont un très récent. Mais là, on est bien parti pour avoir une série sur la franchise. C'est un des réalisateurs, Eduardo Sanchez, qui l'a annoncé dans un podcast américain. Il n'a pas donné plus de détails que ça, même si on parle de série anthologique à la American Horror Story sur le thème de Blair Witch. Mais on ne sait pas si ça va être en mode found footage, par exemple. Je l'ai mis dans les projets pourris parce que, à part quelques exceptions comme le premier Rec ou Cloverfield, je suis vraiment hermétique à ce genre et j'avais trouvé le premier Blair Witch bien chiant. En plus, je me trompe peut-être, mais je me demande bien ce que ça peut, enfin qui ça peut encore intéresser en 2017 Blair Witch. Le found footage horrifique, c'est toujours long et ça fait beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Bah, alors en série, ouais, c'est en série, j'ai franchement des doutes. Et je vais continuer avec Le Seigneur des Anneaux en série. Ouais. Alors là, une bonne news bien pourrie de la part de Amazon Studios et Warner Bros. C'est leur Game of Thrones, c'est ça ? Ah, ça sent mauvais. Voilà, ouais. Et donc, ils vont adapter Le Seigneur des Anneaux en série télé. Je pense qu'on a tous encore bien en tête et pour longtemps les films de Peter Jackson. Hein. Donc, les revoir en version Aldi à la télé, ça fait un petit peu chier, quoi. Et je préférerais personnellement qu'on laisse en paix l'adaptation. Qu'on a déjà eu, mais bon, voilà, c'est comme ça. Alors, bon, de toute façon, dans le casting, on sait qu'il y aura Orlando Bloom, mais voilà quoi, à tout casser. Non ? Ouais, peut-être. Bah, je sais pas, lui, il en manque aussi de projets, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas, là, on vient juste d'apprendre que ça se passera avant le premier film, La Communauté de l'Anneau, sans plus de détails, donc bon, à voir, à suivre, mais bon, ça sent pas très bon tout et ça. Et Peter Jackson, il est lié au projet ou pas du tout ? Non, non, pas du tout, non. Ouais, attends, il a plus rien à foutre de ce truc. Je pense qu'il était tellement écœuré par le Hobbit et un peu la production chaotique, il prend un peu le large, quoi. Okay. Comme je vous disais, pardon, mon micro, je l'ai coupé. Comme je vous disais, on va sauter un peu les projets risqués. On va passer directement à l'opposé des projets pourris, à savoir les projets qui hype. Pour pouvoir... On fait pas les projets risqués. Non, non, non, non, c'est bon. Ouais. Je vais pas tout couper au montage, les gars. Hein, ça suffit. Oh, on coupe direct dans le gras et on va direct au projet qui hype. Et on va direct au projet qui hype pour parler un peu de bons projets. Et je vais continuer avec. Je vais redonner la parole à Yao. J'ai piqué un projet de Dim, en plus. C'est Jean-Claude Van Johnson, donc la nouvelle série, enfin la série tout court de Van Damme. Ça, c'est projet qui hype. Bah ouais, parce que c'est auto... Okay. Bah ouais, ouais. Ouais, mais prévenez-moi. Hein. Non, mais je t'ai dit, on coupe les projets risqués. C'est Vandamme qui incarne. Mais Vandamme, c'est projet qui hype. C'est projet qui hype, mais c'est Yao, c'est son choix, il le défend. Hein. On attend ça avec impatience. Il incarne une version tronquée du même, à mi-chemin entre James Bond et OSS 117, dont vous m'avez vanté toutes les qualités tout à l'heure. Ah, donc, évidemment. Voilà. Ah, ça peut être un bon acteur, donc, en plus. Hein. JCVD va interpréter un ancien agent secret reconverti en star mondial du film d'action pour camoufler sa véritable identité. Donc la série, elle joue à fond d'autodérision et il a l'air vraiment de s'éclater dedans. On a déjà pu le voir avec... Il y a déjà un trailer, ouais. Film. Ouais, il y a un trailer, ça. En fait, il y avait un pilote. Ouais, il y avait eu un pilote, il était sorti il y a super longtemps, style l'année dernière. Ouais, mais là, c'est ça. Bon, c'est certifié. En plus, c'est produit par Ridley Scott. Ouais. Et donc, ça arrive le 15 décembre sur la plateforme Amazon, en fait, Prime Video. Oh, bah c'est bientôt ça, en plus. Donc, ouais, d'accord, ok. Hypé, moi, j'ai un peu de mal avec le supposé second degré de Van Damme. Je trouve que c'est un peu une recette un peu facile maintenant. Bah disons que le mec est second degré, ouais, un peu. On sait pas trop s'il le fait exprès ou pas, quoi. Je pense qu'il y a les deux, hein. Il y a les deux, mais. C'est un mec dont on s'est beaucoup foutu de la gueule et finalement il revient par ce biais-là, je trouve que c'est un petit peu facile. Ça reste moins fatigant que, ouais, on va faire un film sur les années 80 et on va mettre en caméo David Hasselhoff, quoi. Mais... c'est pas faux non plus. C'est pas faux non plus. Dans les autres projets qu'il y a, et puis il y a aussi Julien qui nous en avait sélectionné un. Donc je squeeze mon projet risqué. Oui, Julien. Il y tient. Ah là là là, il y tient, il insiste. Hein. Ok. Ah, il est vexé, il est vexé. Regardez, il est vexé. Ah, ah putain. Oui. Il va le casser, tu vas voir. Je lui en ferai un conseil. Hein. Ouais, je suis content de pas être avec vous, hein, la sale ambiance. Quoi. Ouais, c'est ça, clair. Ouais, deux salles, deux ambiances. En fait, je suis pas sûr qu'on ait déjà parlé du futur film de Tarantino qui est consacré à Charles Manson. Pas encore. Il me semblait qu'on en avait parlé. C'est la première fois qu'on en parle. Voilà. Bah déjà, ça me hype pas mal que Tarantino fasse un film sur Charles Manson. S'il arrive produit par Harvey Weinstein. Ouais, c'est ça. Je vais en parler, j'y viens. J'y viens. S'il arrive à le faire, attends, avant que les accusations tombent. Hein, parce ouais. qu'à mon avis, il est mouillé dedans. À mon avis, il est dedans, lui. Tarantino ? Ouais. Ah, parce qu'il savait, ah, c'est ça. Il savait tout, à mon avis. On ça en a parlé la dernière fois dans les clashs des phrases, il s'en est excusé de fort belle manière. Après Gentleman. Donc, apparemment, côté casting, si on en croit les rumeurs de discussion, on pourrait avoir du Samuel L. Jackson. Dans classique, hein, de base. Alors, du Brad Pitt. Pas mal. Il, ouais, revient, alors, il a fait quelques films avec aussi Tarantino. Donc, il n'y a pas Ryan Gosling, ça va. Pas mal. Du Margot Robbie. Pas mal. Donc, le Loup de Wall Street, Suicide Squad et un film dont on va peut-être parler, ouais, ouais, tout, parler à fait. Tout à l'heure. Tout à fait. Qui incarnerait Sharon Tate. Très très bien. Ça. Donc voilà, Sharon Tate qui était l'épouse de Roman Polanski. On reste dans les scandales un peu. Ouais, que c'est fait un scandale, peu. Hein. Scandale sexuel. Et voilà, qui a été assassinée alors qu'elle était enceinte notamment. Et il pourrait y avoir aussi du Leonardo DiCaprio qui reviendrait dans un Quentin Tarantino après Django Unchained. Django Unchained, ouais. Voilà, où il était plutôt excellent d'ailleurs, je trouvais. Ouais, ouais, je l'ai revu la dernière fois, j'ai revu des bouts, je peux le passer sur une chaîne, je crois, TMC. Une chaîne que tu découvres à cette occasion, en général. Tout à fait. Du coup, j'irai le rôle titre, je suppose, c'est ça. Je sais pas vraiment encore la question du casting, puisque le casting est vraiment serait finalisé pour 2018. On parle d'un budget équivalent à celui de Django, soit 100 millions de dollars. Et alors, l'affaire Weinstein, forcément, ça pourrait retarder les choses, hein, puisque les deux frères étaient les producteurs historiques de Quentin Tarantino. Mais apparemment, en fait, il a déjà envoyé le scénario à de nombreux autres studios. Ouais. Je crois qu'il y a une quinzaine de studios dans le lot. Et, voilà. Mais c'est vrai qu'historiquement, on a toujours été avec Miramax, avec les Weinstein Company. Déjà, si ces acteurs-là sont engagés dans le film, t'as envie de dire que ça devrait pas trop poser de problème à produire. En plus, 100 millions pour un truc avec des gros acteurs comme ça, c'est pas tant que ça. Il est au stade de l'écriture du scénario, c'est ça ? Il a déjà fini. Le casting serait 2018, je sais pas du tout où il en est. Je crois que le scénario est déjà écrit puisqu'il l'envoie déjà au studio. Et DiCaprio et Brad Pitt pourraient produire une partie, hein, parce qu'ils produisent déjà des films, ces deux-là. Donc, après, je pense qu'il aura pas trop de mal à trouver un studio. Hein, ah, puis ça peut être sympa de voir tous les deux, c'est la première fois, non ? Brad Pitt et DiCaprio. Ah, ça, c'est une bonne question. Est-ce que c'est la première fois ? Je pense, ouais. Le film avec de Scorsese, le remake d'un film asiatique. Là, mais il était pas Brad Pitt. Il n'y a pas Brad Pitt. Pas Brad Pitt, ah zut, ouais, zut, non, pardon. Mais par contre, bien vu, Jim, il y a DiCaprio. dans le truc avec Titanic, là. On est déjà à la bourre. Il faut pas trop qu'on se foute de sa gueule parce qu'on est à la bourre. Hein. Je vais quand même te laisser ton conseil, Yao. J'ai décidé d'être magnanime, mais Flash. Flash, parce que tu as mis conseil Flash, Mister Flap. Ah oui, parce que c'est une web-série en fait, qui dure 4 minutes, en plus c'est pas loin de 11 épisodes. Sur 11 épisodes de 4 minutes chacun ? Ouais. D'accord. Et là, on en est au 9e épisode, c'est tous les mercredis, donc il en reste 2. Ouais. Donc ça passe sur Studio 4, c'est la plateforme vidéo des projets innovants, souvent animés jeunes adultes de France Télévisions. Je sais pas si vous connaissez un peu. Non, je connais pas. En fait, ça se trouve sur YouTube, tu tapes Mr. Flap et vous tombez sur la série. Et c'est quoi, c'est animé ou c'est une série ? C'est une série animée, en fait, c'est deux réalisateurs des Gobelins qui dirigent, et en fait, c'est produit par donc France 4 et Bobby Prod, ouais. Ceux qui ont fait réaliser les Cassos, en fait. D'accord. Voilà, donc c'est le pitch, c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Philippe avec une tête de cul qui tombe amoureux. Donc voilà, j'ai tout dit dans le pitch, en fait, il a une tête d'anus. Regardez-moi le. Mais je vous conseille de taper Mr. Flap sur YouTube, vous allez triper en fait, et c'est une histoire d'amour, hein. Bah tout ce qu'il y a de plus classique, et voilà, il est tout timide et il n'ose pas avec sa tête d'anus déclarer sa flamme à sa future conquête qui s'appelle Anaïs, voilà, c'est une coiffeuse. Une histoire de... Et sur les conseils d'un clochard, il décide de lui offrir une fleur et tout part de là en fait. Wow. Et donc je vous conseille vraiment, c'est super... Mais ça, il doit avoir mauvaise haleine. Bah, ils en jouent dedans, donc je te conseille d'aller la voir, et c'est sûr que ça dure 4 minutes. Quelle finesse, Dim. Et c'est très simpliste en fait, et avec des aplats, et moi j'adore ce genre de style en fait. Ah, c'est dessiné en ouais, c'est dessiné, ouais. Oui, c'est pas un mec qui a vraiment une tête d'anus. Moi, une tête d'anus, c'est bon, hein, ça en fait, c'est un vieux projet qui date de 2012. Tu nous as eu à anus, hein, je te rassure. Non, mais en fait, c'est vrai que le générique, c'est. Bon, bref, je vous conseille d'y aller. Mr. Flap, on ira voir ça sur YouTube, je mettrai un petit lien sur webcast.fr. Et on continue un peu dans le conseil finalement avec la rubrique Spotlight sur nos Spotify que tu avais inauguré, Julien, il y a de ça quelques épisodes. Et du coup, cette rubrique, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, on va parler musique. C'est Julien qui va nous expliquer pourquoi il écoute un album en ce moment. Alors déjà, de qui on va parler, Julien ? Alors, on va parler de Baxter Dury. Et d'ailleurs, je pense qu'on devrait peut-être mettre un petit insert sonore. Avec plaisir. I don't think he realised how successful I am. I'm like a shipping tycoon, full of promise and calm. I'm a salamander, short riff lover boy, causing grief with the bleeding eyes. I'm the turgid, fucked up little goat pissing on your fucking hill. And you can't shit me out, cause you can't catch me, cause you're so fat. So fuck ya, I'm Miami. Alors ça, c'était Baxter Dury. Non, je dis ça parce qu'on l'avait fait pour les albums dont on avait parlé la dernière fois, les trois albums, et c'est plutôt apprécié quand tu parles d'un disque et que tu peux entendre tout de suite. C'est vrai que c'est mieux pour caser un peu le style de, de l'artiste. Caser un peu le style. Donc Baxter Dury, c'est un chanteur britannique de 45 ans. Alors évidemment, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de la musique, c'est le fils de Ian Dury, qui est une légende du punk avec son groupe les Blockheads, et qui est inventeur de la célèbre maxime Sex, Drug and Rock'n'Roll. Ah parce que ouais, j'ai entendu récemment. Voilà, c'est un de ses. Je suis pas largué. C'était un de ses morceaux. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, le jeune Baxter Dury est en couverture d'un des albums de Ian Dury and Blockheads. C'est New Boots and Panties, donc on le voit qui pose fièrement, un peu intimidé d'ailleurs. Il avait 5 ans, un truc comme ça. Il avait 5-6 ans, j'ai regardé la pochette encore aujourd'hui. Donc plutôt sympa. Donc Baxter Dury, c'est un style très anglais, hein, d'abord un peu psychédélique sur le premier album, puis de plus en plus pop à partir de Happy Soup. Donc il y a un côté Happy Soup, ouais. Ouais, très bon album. Un côté cocker anglais, un peu droopy, mais avec beaucoup d'humour, de distance et d'autodérision. Ça, c'est sûr. Ça, c'est pour le présenter. Ça, c'est sûr. Alors là, l'album, justement, est sa place dans la discographie de Baxter Dury. Ouais, donc c'est son cinquième album qui s'appelle Prince of Tears, donc le prince des larmes. Donc le premier, je pense, qui fait appel autant de cordes. Je pense pas qu'il y avait des cordes. Il y avait peut-être des arrangements un peu cordes, mais là, il y a vraiment un orchestre qui lui donne d'ailleurs un côté assez Gainsbourg, notamment sur le morceau titre Prince of Tears. Donc c'est un disque, on va dire, dans la lignée assez pop, assez claire de Happy Soup et de It's a Pleasure, qui était le précédent album qui avait bien marché en France. Ouais, qui avait très très bien marché. Ouais. Donc il a une voix de plus en plus rauque sur cet album, hein, souvent parlée, assez déclamée, il chante pas tout le temps, et avec en contrepoint une voix féminine pour le coup très aérienne, très éthérée, celle de Madeleine Hart sur la plupart des titres. Il y a un titre où elle chante pas, je crois. Donc c'est un disque de rupture amoureuse, mais sans pathos, assez court, assez ramassé comme la plupart des Baxter Dury, généralement c'est 30-35 minutes, en 10 titres, souvent vraiment efficace et assez direct, comme sur les deux précédents. On est assez loin des structures alambiquées des premiers albums, notamment de Len Parrott, Memorial Lift, ou de Floor Show, qui était peut-être un peu plus rock, mais notamment le premier était très psychédélique, beaucoup plus alambiqué. Ouais. Je l'ai réécouté aujourd'hui, d'ailleurs, ça m'a fait penser un peu à du Conan Mocassin, pré-Conan Mocassin. C'est vrai. Ce côté très psyché, voilà. Donc ça, c'est pour la présentation de l'album. Où est-ce que t'en es, personnellement, avec Baxter Dury? En fait, voilà, moi j'aime Baxter Dury depuis le premier disque, j'en parlais, Len Parrott, Memorial Lift, et j'ai également assez apprécié le virage pop depuis Happy Soup. En fait, voilà, j'avais écouté le précédent It's Pleasure, que j'ai trouvé très très bon aussi. Pour l'instant, je trouve que sur les 4 albums plus celui-là, il est dans un niveau de qualité assez élevé. Et il s'est ouvert un peu, parce qu'il faut savoir que les deux premiers albums n'ont pas du tout marché. Ouais. Et voilà, je trouve que c'était aussi légitime qu'il revienne peut-être vers quelque chose de plus pop. Et je trouve qu'il a vraiment trouvé son style avec Happy Soup, même si j'adore les premiers. Alors, qu'est-ce qui fait que tu as envie d'écouter cet album? Pourquoi il faut l'écouter? Déjà, j'ai envie de dire que c'est un disque assez facile à écouter. En fait, je pense pas que ça soit un disque complexe, même si c'est un disque pour le coup qui grandit au fil des écoutes, c'est-à-dire que tu t'en lasses pas au bout de 2 écoutes. Mm-hmm. Et moi, je trouve qu'il y a chez lui un talent pour faire des grandes chansons avec une certaine économie de moyens. C'est-à-dire finalement, il n'y a pas beaucoup de choses dans ces morceaux. Il y a souvent une ligne de basse assez reconnaissable, quelques arpèges comme ça, un peu de guitare, sa voix et le chœur féminin. Et généralement, il arrive à faire des choses avec très peu de moyens. D'ailleurs, un peu comme Leonard Cohen, je trouve. Moi, j'en ai parlé d'ailleurs, je crois, sur Facebook, je disais que belle comparaison, faisait beaucoup penser, notamment le morceau Miami, faisait beaucoup penser à du Leonard Cohen. Voilà, je trouve que c'est souvent assez simple, assez direct, mais il n'y en a jamais trop ou il n'y en a jamais pas assez. Tu vois, il va jamais du mauvais côté, en fait, du précipice, si tu veux. Il reste toujours dans un équilibre assez parfait. Et voilà, ça a beau être un disque de rupture amoureuse, la mélancolie, elle est toujours assez classe, assez distancée. On n'est jamais dans le pathos. Et finalement, parce qu'il a une élégance alors très anglaise, un second degré, une apparente modestie. Je parlais de Leonard Cohen, pour le coup, qui n'était pas anglais, mais il y a ce côté finalement un peu une intelligence un peu assez modeste, ce qui est toujours assez agréable, contrairement à d'autres chanteurs, voilà, qui ne sont pas forcément... Après, ça peut être un style aussi, mais tu prends un Bob Dylan, il va plutôt t'écraser par sa façon dont il va faire ses morceaux que un Leonard Cohen ou que justement Baxter Dury. Et en fait, ça l'éloigne de la pleurnicherie, même si c'est un album de rupture. C'est pas du tout un album mélancolique, c'est un album où il se moque vraiment beaucoup de lui et de sa situation. Voilà pourquoi il faut écouter l'album. Bon, et alors du coup, c'est quoi les trois titres qu'il faudrait retenir de cet album? Alors moi, je dirais l'ouverture et la clôture avant tout. Donc d'abord, l'ouverture, c'est Miami. Donc là, excellent pour le coup, morceau. C'est le morceau le plus Leonard Cohenien du lot. Il me rappelle un peu les albums à l'époque de Amir Mann ou de The Future. Là, voilà, il y a sa voix très très rauque. Mais je pense qu'il a jamais eu une voix aussi rauque, aussi un peu fumeur de, à l'époque, on disait fumeur de gitane. Il y a le contrepoint féminin aussi qui fonctionne très bien. Il y a une basse assez présente avec des guitares, quelques petits effets de guitare assez tranchants. Et la clôture avec Prince of Tears, j'en parlais tout à l'heure, c'est un morceau très Melody Nelson. Alors beaucoup ont dit, ouais, il fait du Gainsbourg parce qu'il est en France. Mais bon, faut savoir que Melody Nelson, c'est un album que Gainsbourg était allé enregistrer à Londres avec des musiciens anglais. Donc finalement, il y a une boucle un peu comme ça qui se fait. Et en même temps, je dirais aussi, pour le coup, un autre morceau qui part un peu plus anecdotique, c'est Letterbomb, qui est un morceau très direct, très simple, et qui me rappelle un peu les premiers Métronomie, un peu ce que Métronomie a perdu sur ses nouveaux disques, et un peu aussi ce que faisait Blur au tout début de sa carrière, des morceaux un peu bêtes et méchants, où il va dire Letterbomb pendant 1 minute 40. Et finalement, c'est très efficace. Voilà, j'aime bien ce côté, je parlais de l'économie de moyens, mais c'est un morceau qui fonctionne très très bien parce qu'il trouve tout de suite le son qu'il faut, la distance qu'il faut et les mots qu'il faut en fait. Bah écoute, merci pour ce conseil. Je trouve ça un excellent disque. Hein, Baxter Dury, donc à écouter. L'album, ça peut être, rappelle-nous le titre de l'album. Prince of Tears. Prince of Tears. Voilà. Donc voilà, on aurait mis un morceau. Allez écouter ça sur Spotify et je le remettrai également sur upcast.fr. Je mettrai l'album intégralement. Donc si vous écoutez ça, allez voir upcast.fr. Vous pourrez écouter l'album directement sur notre site. Je vous propose qu'on passe à la rubrique de l'heure des trailers. L'heure des trailers, on en a beaucoup des trailers. Hein, donc j'hésite certains. Moins, attention. Pas beaucoup, moi, j'ai commencé par en soumettre un qui était The Disaster Artist, un trailer avec les Franco, avec James Franco et son frère. Attention, ouais, quand on dit les Franco, c'est pas fait pas référence à la guerre d'Espagne. Non, hein, oula, pas d'ennemis. qu'est-ce que vous en avez pensé de ce trailer? Est-ce que ça vous a donné envie de le voir? Comme on en parlait en off, moi je vois très mal débarquer en France. Ah, c'est sûr. Parce que si j'ai bien compris, le pitch c'est l'adaptation du livre de The Disaster Artist, My Life Inside the Room, qui revient sur la création du film The Room, réalisé par Tommy Wiseau en 2003. C'est ça. Je crois qu'il est un peu inconnu pour nous. Enfin, c'est un film qui est culte, mais qui est culte parce qu'il est très très nul en fait. C'est un des plus mauvais films jamais réalisés. Et ça revient sur la création de ce film en fait. Donc c'est très centré. mais regarde des films qui sont... Par exemple, tu prends Ed Wood. Il y a plein de gens qui ne connaissaient pas Ed Wood. Burton en a fait un film. Tu prends par exemple Man on the Moon. Ouais. Là, c'était aussi... peu de gens connaissaient ce comique en Europe, américain. Ouais, mais j'ai envie de dire, c'est Jim Carrey. James Franco, il a quand même. Puis c'est pas tout. Il y a aussi Seth Rogen, il y a Zac Efron, il y a Alison Brie, il y a Sharon Stone. Justement, tous les films avec Seth Rogen, James Franco et tout, ils sortent jamais trop en France. Donc, je pense pas qu'il y ait une exception. Il y a Gigi Abrams, il y a Kristen Bell, il y a Zach Braff, il y a Adam Scott, il y a Bryan Cranston, tout ça au générique quand même. Il y a du monde au générique. C'est des caméos. C'est des caméos, mais. T'as vu d'avant d'avoir. C'est particulier. Moi, je trouvais que c'était intéressant. Moi, j'ai bien aimé. Moi aussi, ça m'a donné pas mal envie de le voir. On est assez d'accord là-dessus. Mais bon, effectivement, comme tu l'as dit, Yao, ça sortira pas trop en France. Je pense que ça sortira quand même peut-être en VOD. Mais... Par contre, ce qui va sortir en France, ça c'est sûr, c'est le film que Julien nous avait sélectionné par la suite. Et là, Julien, j'ai envie de te mettre un gros point d'interrogation dans la gueule. parce que qu'est-ce que c'est que cette sélection du film de Santa et compagnie? Parce que c'est le nouveau film d'Alain Chabat. Mais ouais, mais est-ce que c'est une bonne raison? Je ne sais pas. Alors, bon, franchement, je l'ai regardé. Donc, c'est un film un peu, tu sais, qui parodie un peu Noël, qui parodie un peu le bon esprit de Noël, puisque c'est donc Chabat joue le Père Noël. Et donc, je crois que les lutins tombent un peu en syncope, je ne sais pas trop pourquoi. Ouais. Et il va aller chercher des. Donc, Audrey Tautou, qui doit être la mère Noël, j'imagine, dans le film, qui joue un peu mal la comédie. Audrey Tautou. Qui joue Audrey Tautou, qui joue en mal. Ouais, bah, c'est ça. Bah, donc, ça fait une sorte de truc un peu méta des acteurs. Amélie Poulain, tout ça, vous n'avez pas aimé? Si, mais elle jouait dans un autre registre. Là, elle essaie de faire quelqu'un qui est drôle et ça fonctionne pas tellement. Elle est pas très drôle. Et donc, ça elle l'envoie. Certains acteurs. Elle l'envoie un peu dans notre monde à nous, le monde des humains ou enfin de je sais pas si Père Noël on peut considérer comme un humain. Mais donc pour aller acheter, donc c'est un peu le principe, tu sais, des visiteurs. Voilà, c'est ça. C'est des gens qui viennent d'une époque qui ne connaissent de leur époque, qui arrivent dans une époque qui ne connaissent pas. Et donc ça fait des quiproquos. Ou de Neuilly sa mère aussi pour citer des bons films. C'est marrant parce que vous citez que des comédies françaises alors que je trouvais que ça faisait vraiment comédie américaine. Ah oui, justement. Toutes celles qui parodient un peu Noël. Bah ouais. Voilà. Je sais pas, vous êtes sceptique par rapport à Chabat. Moi, en fait ce que j'ai envie de dire, c'est que voilà, on n'est pas trop la cible de ce genre de film. Bah si, Chabat, ça a l'air de fonctionner quand même. Enfin, je trouve qu'il y a quelques blagues assez drôles, quoi, du style celui du yaourt à la fraise ou des choses comme ça, c'est encore marrant, quoi. Ouais, non, c'est la blague pour l'expliquer, c'est que vraiment il y a des rennes et il demande il dit quoi comment tu dis un truc en renne, il y a un gamin qui lui demande ça et il dit une espèce de son et il lui dit ah non là t'as dit tu veux un yaourt à la fraise. En fait, c'est pas très drôle. C'est pas très drôle. Raconter une blague, c'est le meilleur moyen de la tuer, quoi. Non mais en fait, de toute façon, ça va te refaire ton noix en fait. Parce que le mec, il a dit yaourt à la fraise, tu vois. Non, quand je l'ai vu, c'est la seule blague qui m'a fait marrer. Et le jeu de Audrey Tautou m'a fait marrer aussi. Ouais, ça c'est indirectement. Bon. Enfin bref, ça va être un gros carton. Bon, bref, ça va être un gros carton. Annonce et voilà. Ouais, je la mettrai sur le site podcast.fr. Yao nous avait aussi sélectionné une grande comédie française. C'est Big Up à Stan, non ? Voilà. Non, mais là c'est pire. Là t'es tombé dans le projet pourri pas loin direct. Pas du tout. Alors vas-y, donc c'est la deuxième étoile. La première étoile réalisée par Lucien Jean-Baptiste. Excellent film d'ailleurs, très drôle, j'ai trouvé. La première étoile. Voilà, donc en gros, c'est une famille antillaise qui débarque. Koski et... Enfin, déjà, quiproquo. Quiproquo. Bah, attends, c'était assez inédit dans le cinéma français. C'est Rocket, quoi. Un peu, voilà, Rafta Rocket français. Donc, du coup, la suite, ça me hype, personnellement. Et alors, est-ce que ça a l'air bigger, stronger un peu. Tu vois, nuller, genre, nuller. Ça a l'air bigger, stronger, nuller. Tout de suite. Tout de suite. Non, en fait, c'est pareil, c'est le même casting. Et en plus, dedans, il y a son prénom de... Je crois que c'est Mehdi Saoud qui a joué dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Et il est marrant. Et dans les Kaira aussi. En imitation, il est marrant. Enfin bref, moi j'essaie. Donc la deuxième étoile, ça t'es assez pressé. En tout cas, l'acteur principal, ce qui m'a un peu bloqué pour regarder la bonne annonce, c'est que c'est plus un acteur de doublage, j'ai l'impression. Ouais, Jean-Baptiste, ça fait plein de trucs. Il double plein d'acteurs américains comme. Ouais. Comme Kevin James ou des acteurs black comiques. Ouais, des acteurs noirs. Ah, c'est le côté communautaire. Putain, Medim, t'as les références de partout, toi. C'est grave. C'est vrai qu'il avait doublé un personnage de Dead or Alive. Ouais, Dead or Alive aussi. C'est qui, Zach ? Je sais plus, j'ai pas le nom en tête. Ah, c'était une fille, je crois. Ça, enfin, bref, c'est prévu pour le 15 décembre, je faisais pas de bêtises. 13 décembre. Très bon c'est choix. C'est un film de Noël avec Santa. Allez voir la bande annonce sur casse.fr. Ouais, c'est très bien. La deuxième étoile, moi j'ai choisi ensuite Aitonia. Ouais, bien, bon choix. Pour changer de rythme un petit peu. Ah, j'ai bien aimé la bonne annonce, donc on en parlait tout à l'heure de Margot Robbie. Exactement. C'est Margot Robbie qui veut avoir son Oscar. C'est un peu ça quand même. Ah, je sais pas, parce que le film a l'air assez décalé, je sais pas trop où le situer. Donc c'est une histoire vraie hein, sur Tonya Harding. Hein, voilà, ouais. Vous en souvenez hein, de cette ice skateuse, comme on dit, une patineuse artistique. Voilà, ça, je sais plus. Non, mais je sais. Non, mais c'est parce que j'ai le résumé sous les yeux en anglais. Ah, d'accord. Voilà. C'est pour ça. Donc, tu travailles en anglais, quoi. Ouais, je travaille en anglais. Bah non, mais cette bonne annonce, on l'a pas trop encore en France. C'est sordide en fait. Et voilà, effectivement, elle avait payé quelqu'un pour aller casser les jambes de son adversaire. Nancy Kerrigan. Et voilà, c'est un peu son histoire à elle. Après, elle a fait une sextape aussi. Et voilà, et donc c'est l'histoire. Ça sera dans le film. Oups là, excusez-moi pour ça. Il y avait un petit test de son sur YouTube en même temps, justement. Et donc, Aitonia. Elle est à tout pour la sextape dans le film. Ouais. On sait pourquoi tu as choisi. Non, mais je savais pas cette histoire. Non, je sais pas, on le voit pas dans la bande-annonce. Non, ça s'arrête avant, je crois. Et puis c'est la Red Band trailer. C'est vraiment. Non, mais parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il joue d'ailleurs ça sur le trailer, c'est que c'est un personnage qui a été à la fois adoré. Et après, qui a été détesté en fait. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant, c'est une espèce d'histoire à l'américaine où t'as quelqu'un qui est porté au nu et après, voilà, qui fait ce truc complètement hallucinant. Alors, on sait pas trop si c'était elle qui avait commandité, si c'est son entourage, son père. Enfin, il y a toute une histoire un peu sordide. Et la bande-annonce a un côté un peu très rentre-dedans, très direct, très rapide en fait. Moi, j'ai bien aimé le montage de la bande-annonce est assez vendeur. Et puis, c'est vrai que Margot Robbie, on a envie de la voir dans ce genre de rôle un peu plus sérieux aussi, hein, pour voir un petit peu les talents d'actrice. Le truc qui m'a saoulé, c'est comme d'hab, c'est le meilleur film de blablabla, meilleure performance, blablabla. Bah, oui, et puis toujours basé sur une histoire vraie. Ouais, mais c'est clairement un film à Oscar. Yao, de ton côté, t'as aussi choisi un film potentiellement à Oscar, quand même, j'ai envie de dire, avec Phantom Thread. Pitié et Daniel Day-Lewis, donc voilà, j'ai tout dit. Quoi. Mais je sais pas si c'est un film à Oscar parce que. Là, il sort pour. Je crois qu'il sort. Bah, Daniel Day-Lewis, déjà, t'as un potentiel Oscar qui est élevé. Hein. Fin de l'année ou début janvier. Il sort en limited release aux États-Unis pour Noël. Donc, pile-poil pour les Oscars. Pour les Oscars. Et ça sent le grand retour de Daniel Day-Lewis. Il sort en 14 février. Dernier rôle. Son dernier, il a dit. Ouais, il arrête le cinéma après. Ah, c'est que. Ouais. Joachim, quoi. Et surtout, c'était un projet très très secret. On savait pas quand on sait pas trop quand est-ce qu'il l'a tourné. Donc c'est Paul Thomas Anderson. Voilà. Voilà. Donc forcément, moi, ça me hype aussi. Je l'aurais mis dans les projets. Pareil. Mais après, j'ai juste pris ça. Mais après, la bande-annonce en elle-même, elle est un peu chiante. Non, elle est magnifique. Elle est belle, mais elle est un peu chiante. Un peu chiante. C'est sur ça que tu vas te baser pour voir le film, quoi. Je suis un peu d'accord. La bande-annonce, c'est pas très efficace. J'ai un peu peur de l'effet The Master là, qui était un très bon film, mais qui était très chiant quand même. Hein, donc au film de Paul Thomas Anderson aussi. À voir, mais en tout cas c'est vrai que pour le dernier catalogue Oscar, tu vois, quand tu vois dernier rôle de Daniel Day-Lewis en plus, forcément on a un peu envie de le voir. Daniel Day-Lewis quoi. Voilà. Moi ensuite j'avais mis une bande annonce d'une série, Counterpart. Je crois que t'avais plutôt accroché toi, Yahoo, justement. Justement, je sais pas trop bande annonce de série. Et qu'est-ce que t'as aimé là? La violence. La violence. J'ai aimé les meurtres. Non mais l'acteur il est bon, c'est J.K. Non. Le sang qui coule, les têtes des crânes écrasés. Non mais j'aime bien, c'est J.K. Simmons, non? Ouais, c'est J.K. Simmons, ouais, j'aime bien, acteur oscarisé aussi. Il est pas mal. J'avais surtout connu dans Rose. Et ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire, dans Rose, il est monstrueux en chef néo-nazi. Ouais. Et franchement, ouais, c'est clair que lui, n'importe quel de ses projets, mais en tout cas, je les suis. Et là, cette série, voilà, donc c'est dans un monde un peu parallèle, on a l'impression, en gros, le pitch, c'est qu'il va se rencontrer lui-même. Ouais. Apparemment, ils ont accès à notre monde. Ouais, c'est retour à le futur, ils sont pas cassés. Je sais pas si c'est du voyage dans le temps, j'ai plus l'impression que c'est un petit peu comme Fringe. Avec des mondes parallèles qui peuvent se rencontrer ou pas, à voir, parce que moi je l'ai pris, c'est vrai, spécifiquement pour J.K. Simmons, pas spécialement pour le reste, donc je mettrai la bande-annonce encore une fois sur upcast.fr, allez vous faire un petit avis sur Counterpart. Et enfin, dernière sélection, c'est Yahoo encore, avec The Post-Pentagon Papers. Le titre Papers. Français, c'est Pentagon Papers, allez savoir pourquoi. Ça, c'est le titre français, ouais. D'accord, ok. Voilà. Okay, bon, et The Post en VO. Donc là, c'est un film de Spielberg. C'est surtout ça, en fait, le mec, c'est son deuxième film dans l'année quand même, enfin, parce que Ready Player One, c'est... Ah, oui, tu vois, il a quand même enchaîné, j'ai l'impression qu'il enchaîne toujours. Oh, il en fait beaucoup, Spielberg. Ouais, mais quand même, vu son âge, et je trouve qu'il est toujours productif, tu vois. Et je crois qu'en France, les deux films sortent avec 3 semaines d'intervalle, en tout cas, comme ça, quoi. Enfin, bref, j'ai choisi celui-là parce qu'au niveau du casting, c'est du lourd entre Tom Hanks et Meryl Streep. Basé sur une histoire vraie. Un film un peu Oscar, potentiellement un peu chiant, mais je trouve que Spielberg, il s'en sort toujours pas mal dans les histoires vraies. Et j'aime bien son alternance entre guillemets des gros budgets et des films de ça lui va bien, en fait. En général, ça marche bien pour lui quand il fait ça, donc par Amistad ou juste comme ça. J'ai juste pris ce trailer-là par rapport à sa productivité, en fait. Munich, Le Pont des Espions, tout, à chaque fois qu'il tourne un truc un peu... Jack Tom Hanks, en plus. Ouais, Tom Hanks, c'est un peu son acteur, son acteur fétiche. Non mais bon, voilà, j'ai trouvé que c'était des bons choix de l'heure des trailers, cette fois-ci, beaucoup de films intéressants en tout cas. Surtout la deuxième étoile. Surtout la deuxième étoile et Santa et compagnie. moi de mon côté, je vous ai préparé une petite news secrète avant qu'on termine vite fait cette partie divertissement. La news qui va parler d'un flop cette fois-ci. Je voulais parler un petit peu du premier film produit par The Weinstein Company et sorti en salle aux États-Unis après l'affaire Harvey Weinstein. Ça va être notre façon d'en parler. Et ma news secrète va être non pas de deviner un classement cette fois-ci, puisqu'en général c'est ce qu'on fait dans les news secrètes, mais ça va être de deviner combien il a rapporté ce film. Donc tu dis que c'est le premier film sorti après l'affaire Weinstein. C'est le premier film après l'affaire Weinstein qui a été produit par The Weinstein Company. Mais qui n'a rien à voir dans le sujet, on est d'accord. Qui n'a rien à voir, si ce n'est l'exposition médiatique. Ouais. Donc devinez combien il a rapporté. Le long métrage en question, je vous donne quand même son titre, c'est Amityville The Awakening. Alors, j'ai envie de vous donner une fourchette presque. Enfin, vous allez me dire avec plus le budget, ou moins de... Un budget, etc. Ou un... Je vous donne pas de budget, je ne l'ai pas, de toute façon. Donc voilà, mais vous pouvez me citer un chiffre et puis je vous dirai si vous êtes loin. Il a rapporté de l'argent. Moi je dirais 12 millions de dollars. Ok, c'est moins. Moi j'aurais dit 1 million, mais bon. Ouais, ok, d'accord. Dim, t'as un petit chiffre? 5 millions. Ouais, il va falloir taper moins quand même, les mecs. Il va falloir taper moins. 500 000. Il va falloir taper moins. Non, 100 000. En même temps, Weinstein ou pas, Amityville, ils ont jamais fait de confiance. C'est ça. Il y en a eu beaucoup des Amityville en plus, donc voilà. Et que des merdes. Mais c'est vrai que, par exemple, le premier Amityville en 1979, il avait quand même rapporté 86 millions de dollars. Il était génial, Amityville. Ouais, il y a eu Amityville en 2005 qui a rapporté 108 millions de dollars. Ouais. Donc là, voilà, en vous basant là-dessus, peut-être que vous allez pouvoir deviner. Non, je déconne, vous n'allez pas pouvoir deviner. 80 000 dollars. C'est moins. 10 000 dollars, pas 10 000 quand même. 50 000. C'est moins. Oh là là, putain. 10 000 C'est moins. C'est moins de 10 000 C'est moins de 10 000 dollars. Bon, allez, je vous le dis. $28 Il a rapporté. C'est plus, mais pas beaucoup. Il a rapporté $742 Non, tu déconnes, sans déconner. Donc 638 euros. Sérieux ? Eh ouais, c'est ce qu'il a rapporté. Hein, sur parce combien que, de semaines en fait, il est sorti que pendant quelques jours. Ah, mais il est sorti dans une salle. Quelques salles, justement. Voilà. Il ne sortait en salle que pendant une seule journée, le 28 octobre. Après, ils ont décidé de le retirer. Ouais, il est sorti dans quelques salles. À l'affaire Weinstein ou pas du tout ? Et en fait, non, c'est aussi lié au tournage même du film qui avait été d'une complexité hallucinante et qui avait commencé à coûter tellement d'argent, etc., qui a été repoussé de plusieurs années. Et du coup, au bout d'un moment, ils ont commencé à dire bon, on va pas le sortir. Finalement, ils ont dit on va le sortir directement sur Internet. Et en même temps, on le sort le même jour au cinéma dans quelques salles. Donc, ils savaient en fait, ils savaient très bien que le film allait échouer. En plus, on a appris que Harvey Weinstein, il avait harcelé sexuellement la maison. C'est la maison en question. C'était baladé dans la maison à poil, là, apparemment. Donc, c'est quand même, ça porte malheur. Il y a les fantômes d'Amityville qui ont porté plainte à ce qui s'est passé. Du coup, au niveau casting et réalisateur, c'est son. Oh, bah écoute, je peux pas t'en dire beaucoup plus. Hein, je mettrai le lien vers IMDb sur ce film Amityville The Awakening. Pour les projets de ces réalisateurs, je suppose. Je sais pas s'ils vont faire une suite ou un univers étendu. Quoi. Sur le coup, $742, c'est quand même pas une grosse somme. C'est chaud quand même. Donc voilà, ça c'était pour la petite news secrète avant de conclure la partie divertissement, comme d'habitude, avec les 15 prochains jours au ciné. Oui. Non, mais vas-y, j'allais dire mercredi, il y a le film. Voilà. Mercredi, le 15 novembre. Hein, donc là, forcément, il y a Justice League. Hein, t'en parlais. J.K. Simons dedans. Qui fait le commissaire Gordon. Ouais. Bon, alors, je vais pas trop revenir dessus parce qu'on en a déjà parlé. Le seul truc qui me saoule un petit peu, c'est en voyant la bande-annonce parce que j'ai revu Batman versus Superman version longue, qui est quand même bourré de défauts, mais je trouve qu'il y a quand même sa qualité, c'est qu'il a son identité propre, c'est-à-dire il est quand même assez sombre, assez sérieux, et là, c'est le festival de la blague dans la bande-annonce, avec un univers plus coloré et des effets spéciaux un peu dégueulasses, et je retrouve vraiment pas, on va dire, le même univers que dans Batman vs Superman. Et, bon, voilà, ça me saoule un petit peu, j'irai quand même le voir, mais j'en ai pas grand-chose. Il ira quand même le voir le premier jour, à la première séance. Bah oui. Ça, même, c'est le 15 novembre. T'avais aussi choisi Happy Birthday. On en avait déjà parlé dans une heure de trailer de ce truc-là. C'est la nana qui se réveille toute la même journée. Un peu le. Comment ça s'appelle le jour de la marmotte. Elle se fait tuer, quoi. Fin. Un jour sans fin, voilà. Mais elle se fait tuer. Ouais, voilà. Un mélange de slasher et de. On va dire de films comme ça avec la timeline un peu brisée. Ça me. Ça a l'air marrant, ça me chauffe pas mal, quoi. Ça a l'air marrant. Ouais, j'ai envie de le voir aussi. Julien, de son côté, a choisi Marilyn. C'est le prochain film. Ouais, aussi, on en avait parlé, le film de Guillaume Gallienne. On avait parlé dans l'heure des trailers. Voilà, qui a l'air plutôt intéressant, moi, je trouve. À voir, en tout cas. C'est vrai qu'on pose des questions. Ouais, c'est surtout ça. Donc ça, c'est bien. Voilà. Juste ça à dire, puisqu'on en avait parlé longuement dans l'heure du trailer. Le Monde des Merveilles. Le Musée des Merveilles, je crois qu'il s'appelle. Ah, le Musée des Merveilles. T'as écrit Le Monde des Merveilles. Bah, ça doit être Le Monde des Merveilles. C'est quoi ce film? C'est le nouveau film de Todd Haynes. Donc Todd Haynes, c'est Loin du Paradis, Carole. Donc, film plutôt, et là, c'est assez intriguant. Il y a toujours des plans superbes, comme toujours chez Todd Haynes. Deux histoires. Il y a une histoire d'une petite fille qui est muette et un garçon qui est sourd. Et c'est dans deux univers différents. On ne sait pas trop s'ils se rencontrent. Il y a des passages en noir et blanc, des passages en couleur. Donc voilà, du Todd Haynes, ça m'intéresse toujours. C'est en général des belles images avec Todd Haynes, ça c'est sûr. Après, c'est le 22 novembre qu'il y a des sorties. Julien, tu n'en as pas noté. Bah si, si. Ah bah alors pas dans le document. Ah d'accord, donc, ok, merci. Désolé. Donc bah, je te le dirai pas. Non, tu dis rien. Bah, si, Tim, on a noté par contre, lui. Ah, ça n'a pas dû être pris en compte. Ça n'a pas enregistré. Bon, je le dirai après. Le podcast de la Discord entre les deux. Ah, c'est le torchon brûle. Chacun va monter son podcast, là. C'est mort, là. L'univers étendu est pièce. Ça y est. Non, mais on va faire un flashpoint, t'inquiète. Fuck upcast. Il a monté son Tipeee à côté. Fuckupcast.com. Non, le 15 prochain jour au ciné, le 22 novembre, c'est Dim qui a choisi des films, ma foi, de toute beauté. Je sais pas comment la traduire. Mazinger Z. Ça, je pense que ça pourrait te plaire, Yaro. J'en avais parlé en plus. Ouais, t'en avais parlé, ouais. Mais j'étais pas fan, toi, de l'univers un peu. Goldorak, je trouve ça pas terrible. Goldorak et tout. Ouais, pas trop Gonagai, mais bon. Voilà, donc c'est juste un parce film que c'est un film qui sort. Ouais, c'est pas un film sur Goldorak, ça se passe avant Goldorak, il y aura pas Goldorak dedans. Pardon, mais c'est l'univers Gonagai. Si on est fan de gros robots. J'ai l'impression d'avoir tapé dans une fourmilière. Non, mais c'est l'univers Gonagai au cinéma, c'est assez rare pour te souligner, donc c'est une bonne chose. Ah ouais, en Europe, ouais, quand même. C'est clair, au ciné, ça peut valoir le coup d'aller mais voir ça. Mais t'as pas été voir l'avant-première alors, du coup? Non. Hein? T'as pas été voir l'avant-première alors? Non, j'ai pas eu l'occasion d'y aller, non. Ok. L'expérience interdite, on en avait parlé dans l'heure des trailers il y a longtemps. Hein, c'est un remake avec Ellen Page, je crois. NPH, ouais, voilà. C'est ça, NPH, mais j'ai pas vu moi l'original, mais donc là je me suis dit pourquoi pas voir le nouveau, voir si ça vaut vraiment le coup, si l'histoire est vraiment intéressante au point d'avoir voulu en faire un remake, donc à voir. Ouais, ça a pas l'air terrible en termes de réalisation juste dans la bande-annonce, mais bon, on verra ça le 22 novembre. Thelma aussi, t'as choisi Dim? Ça, je vois ouais, alors c'est un film que je connaissais pas du tout, j'ai vu la bande-annonce il y a une semaine au ciné, et j'ai trouvé que la bande-annonce était vraiment terrible. C'est un thriller fantastique d'un pays du Nord, alors, je sais plus si c'est suédois ou norvégien ou autre, c'est norvégien il me semble, et ouais, j'ai trouvé que ça avait l'air d'être un univers assez froid, et super bien filmé et tout, et non, ça avait l'air d'être vraiment bien, donc... L'histoire un peu intrigante, j'ai pas trop compris exactement de quoi ça parlait, à part que c'était une fille qui avait des pouvoirs un peu psychiques, mais le film avait l'air d'être vraiment bien foutu, quoi. Ah oui, j'ai vu ce trailer aussi, c'est vrai qu'il est assez intrigant. Donc ça sort le 22 novembre, Thelma. Julien, du coup. Oui, moi j'avais choisi Madame, donc un film avec Hervé Kettel, on en parlait il y a quelques temps. Son grand retour. Et Rossi de Palma, donc actrice Almodóvar. Son grand retour. Voilà, aussi son retour. C'est quoi, c'est un film espagnol du coup? Non, c'est un film anglais. Il y a Tony Collette aussi qui joue dedans. Ah, sympa. Et non, en fait, ils organisent une espèce de soirée et je crois qu'ils sont 13, donc c'est dans une espèce de coupe de la haute société. Et donc ils sont 13, donc ils demandent à Rossi de Palma, qui est la bonne, de se joindre à eux, et elle va tomber amoureuse, enfin avoir une histoire avec un des types qui est invité dans ce dîner. Sympa. Voilà, c'est surtout pour les acteurs. Comment ça s'appelle, tu dis? Madame. Madame. Et c'est tout ce que tu as sélectionné? Non, j'ai choisi The Battle of the Sexes. Ah oui. Qui est le film sur le tennis avec Emma Stone et avec Steve Carell qui joue un misogyne. Donc c'est aussi une histoire vraie. Hein, c'est un peu la mode des histoires vraies. C'est les réalisateurs de Little Miss Sunshine. Et, ouais. Et j'ai trouvé la bande-annonce plutôt pas mal. On en avait parlé de ce film il y a longtemps, effectivement. Ça, ouais. C'est un film à suivre. Et vrai que Steve Carell a l'air très très bon dedans. Bon, Emma Stone est toujours aussi très très bon dans le registre de la comédie. Voilà. Steve Carell, on aime bien le voir, cet acteur, de toute façon, en général. Toujours excellent. Toujours assez au haut niveau. Merci pour ces choix du 22 novembre, même si tu ne l'es pas inscrit. Tu vois, je te les ai laissé les dire. Hein, tu vois, bon, je suis magnanime quand même. Et... quel grand prince. Exactement. C'est comme ça qu'on m'appelle. Et on va se retrouver tout de suite pour la partie jeux vidéo. Partie jeux vidéo, partie ludique, on l'appelait avant comme ça, bon, on va dire partie jeux vidéo, on va assumer. Ouais. Et on va commencer, pas vraiment avec un débat, mais un retour sur une expérience commune, alors plus ou moins commune selon certains. Oh, tout le monde y a joué. Tout le monde y a joué, mais effectivement, on va parler du grand jeu du moment, peut-être. Grand, c'est un point d'interrogation encore à ce moment du podcast. Non. C'est Super Mario Odyssey. Spoil ton avis tout de suite. Spoil ton avis. Super Mario Odyssey sur Switch. Et autour de la table, il y a donc Julien qui a joué, ouais. Pas mal je crois. Pas déjà. Mal, ouais, pas mal. Il y a Yao qui a joué pas mal du tout, je crois. Ouais, beaucoup, ouais. Aussi. Beaucoup. Moi, j'y ai joué très, très peu. Ouais. Et Dim, il a joué encore un peu moins que moi, je crois. Ouais, bah, un petit peu chez toi et chez un autre pote. J'ai dû jouer une heure en tout, encore. D'accord. Donc, ouais. On a un bon panel de voilà, différentes toi, tu as fait une heure. Moi, j'ai fait quoi, 5-6 heures. Avec ma fille, peut-être un peu plus. Peut-être une dizaine d'heures. Et puis toi, dis Julien, tu dois être à... Tout seul, une trentaine d'heures, et avec ma fille, une trentaine d'heures aussi, je pense qu'on doit être à 60 heures. Ah ouais, quand même. Bon, bah toi, Yao, est-ce qu'on... Ah ouais, non, pareil que Julien, ah ouais, d'accord. Une trentaine d'heures. J'avais peur que tu m'annonces 300 heures. Après, c'est surtout un nombre de lunes. Je pense que toi, t'es à un peu plus de 530. 500. Ouais, moi, je suis à peu près 480, un truc comme ça. Ouh. Donc un peu moins. Sachant, on va pas dire combien il y en a, mais il y en a beaucoup. Ouais. Il y en a beaucoup. Alors, comment... Déjà, première chose, c'est de peut-être un peu le catégoriser, puisque c'est Super Mario Odyssey, c'est un peu le retour du jeu de plateforme d'exploration après Mario 64 sur N64 et Sunshine, puisqu'on va dire que même Nintendo l'a fait lui-même, il y a une catégorisation des Mario. Il y a les Mario d'exploration, donc les Mario avec des grandes zones plus ouvertes, et des Mario, on va dire, avec des plus petites zones qui sont peut-être plus plateformeurs. Donc dans la catégorie des Mario monde ouvert ou zone d'exploration, il y aura 64, Sunshine et donc Mario Odyssey. Et dans les autres, il y aura donc les deux galaxies, 3D Land et 3D World. Donc là, il faut plutôt s'attendre à un Mario où on va essayer de plus de logique, un peu moins de plateforme et plutôt de l'exploration. Donc ça, c'est déjà la première catégorisation. C'est vrai. Après, peut-être qu'il y a des gens qui ne seront pas d'accord, qui pourront trouver que finalement, Galaxy, c'est aussi un Mario qui est peut-être un peu axé exploration, même s'il est quand même assez linéaire et assez ramassé. Mais Nintendo catégorisait plutôt en zone assez grande et en zone un peu plus petite, un peu plus ramassée. Donc je pense que ça se tient assez bien. Les principes du gameplay de Mario, c'est évidemment, ça vous avez vu un peu partout, c'est la chapimorphisation. Donc un terme scientifique. Un terme scientifique inventé par les gens de Nintendo, donc l'idée c'est toute simple, hein, c'est que maintenant avec la casquette tu peux prendre le contrôle des ennemis et donc avoir leur particularités, leurs caractéristiques. Tu as une cinquantaine de chapitres morphisation. Ouais, c'est ça. Idée toute simple, mais encore une fois, largement exploitée dans le jeu et sur lequel se base beaucoup le gameplay. Autre principe du gameplay, c'est les lunes. Alors avant, on avait des étoiles, voilà, ce genre de choses, des pièces violettes. Là, on en a encore des pièces, mais on a principalement les lunes qui permettent en fait de faire, qui servent de carburant pour l'Odyssée et qui permettent de voyager de pays en pays. Puisque cette fois, on n'a pas un univers cohérent, puisqu'on a divers mondes. Alors, on ne va pas dire combien, on va dire une quinzaine pour être très large. Et en fait, on va pouvoir voyager. Ah, ça n'a jamais été cohérent en même temps les Mario. Non, mais on va dire que par rapport à un Galaxy, on a un principe de planète. Vraiment où tu marchais la tête à l'envers, 64 qui avait quand même une géographie, Sunshine aussi qui était là. On passe vraiment à la fois en termes de DA, presque parfois en termes de gameplay, à des mondes très différents. C'est pas du, parce qu'on a parlé de monde ouvert, c'est pas du tout un monde ouvert, c'est des zones ouvertes, mais il y a pas de tu peux pas en fait. Ah. Tu peux parfois rentrer dans un monde d'un endroit à l'autre, mais si géographiquement tu te dis tiens, je suis dans le monde des chapeaux et je veux aller au monde de, je sais pas, de la cuisine, tu pourras pas le faire. C'est pas géographiquement cohérent. C'est il passe avec l'Odyssée, Mario et Capi, là ils vont aller d'un monde à l'autre. Donc ça c'est voilà, après bah on va parler peut-être du jeu. Ouais, parce que t'en as pensé, alors je sais pas par qui on commence. Bah vas-y Greg. Bah écoute, moi j'en suis quand même juste au tout début. Donc mon avis, il est pas encore complètement forgé, il est principalement basé sur la découverte et l'émerveillement de la jouabilité, j'ai envie de dire des premiers instants. Donc je le sais parce que je l'ai vu dans les pubs etc, que j'ai encore pas accès, on va dire, à peut-être tout ce que je voudrais, etc. Mais déjà, voilà, bah, la jouabilité, elle est marrante parce que c'est la découverte aussi avec ma fille d'une jouabilité qui est, comme d'habitude, assez hallucinante, assez, j'allais dire parfaite, c'est presque un mot facile. Mais c'est vrai que surtout, qui est étonnante, c'est rapidement la maîtrise et la liberté qu'apporte ce petit chapeau que tu peux lancer sur tes ennemis, etc. Sur lequel, finalement, tu le fais assez peu au début, tu penses même pas forcément à le faire. Alors au début c'est plus anecdotique, en plus on te demande de le faire sur un chien waf waf, là, les trucs, les boulets enchaînés là, pour permettre de casser des murs, des trucs comme ça. T'as le dinosaure au tout début, les grenouilles aussi, qui servent à faire la pub, tu casses les trucs, voilà, direct. C'est ça. Et puis après tu commences à avoir des petits boulets de canon, des trucs comme ça, et là tu commences à comprendre que mon dieu, ça va être en fait un truc qui va s'ouvrir à toi et qui va te permettre de résoudre un peu, effectivement comme tu le disais Julien, les énigmes qui sont placées autour de toi dans un monde où parfois t'en as pas conscience. Et ça c'est un autre truc qui m'a un peu étonné, c'est que moi j'avais rien lu, je voulais rien voir sur ce Mario, etc. C'est que je savais pas qu'il y avait des lunes en si grand nombre, en fait. Et du coup, c'est ça qui est dingue, parce que tu te dis, tiens, je vais péter machin avec tel truc, en prenant la casquette, je vais devenir à boulet, je vais péter tel mur, est-ce que ça marche, etc. Ah oui, tiens, boum, il y a une lune. Ah bah alors, tiens, je vais faire ça. Ah bah tiens, il y a encore une lune. Et ça, c'est un autre truc qui m'étonnait, c'est que moi je m'attendais à ce que ça soit comme les étoiles et que en gros, t'en aies une centaine, quoi. Point. Voilà, là, on est plus proche du nombre de les noix pour ceux qu'on fait Zelda, les noix de Korogu. Ouais, c'est ça. Trop même. Ouais, ça, c'est un débat. C'est un des débats, savoir est-ce qu'il y a trop de lunes. Bah, moi, j'en suis au tout début et j'ai déjà l'impression d'en avoir trouvé pas des dizaines, mais j'en ai trouvé beaucoup, quoi. J'étais là, genre, j'arrête pas d'en trouver, quoi. Des fois, je fais 5 mètres et je trouve une lune, tu vois, toutes les 5 mètres, quoi. Et du coup, c'est un peu bizarre parce que tu te dis, est-ce que vraiment je fais bien le truc, ou tu vois, genre, est-ce que c'est rare, ou est-ce que c'est ça le but du jeu? Il faut préciser une chose, c'est que la structure du jeu, c'est à la fois un jeu qui est ouvert, puisque tu peux faire un peu ce que tu veux dès le début, mais en même temps c'est un jeu qui est assez linéaire, c'est-à-dire c'est quand même qui est resserré. C'est-à-dire qu'on va prendre l'exemple du début sans spoiler, tu arrives dans le monde des chapeaux pour récupérer Capi, et c'est un monde où il y a très peu de choses à faire au début. C'est sûr. Très peu. Alors que parfois tu vas arriver dans d'autres mondes, je pense par exemple après tu as assez rapidement le monde du désert mexicain gelé, et là pour le coup monde qui est extrêmement ouvert. Donc il y a des mondes comme ça, tu vas passer, parce que l'idée c'est encore la princesse Peach a été enlevée et Bowser veut l'épouser, et donc il va aller chercher partout dans plein de pays différents des accessoires de mariage pour pouvoir l'épouser, et donc toi tu vas le suivre. Et en fait, pour passer d'un monde à l'autre, il faut un certain nombre de lunes pour alimenter le moteur de l'Odyssée, ce qui fait qu'en fait dès que tu as, je sais pas, acheté n'importe quoi, tu as 10 lunes dans un monde, tu peux passer au monde d'après, ou c'est alors ça. Rester dans et le explorer. Monde douté, explorer, sauf que parfois la construction du jeu fait qu'ils ont choisi quand même quelque chose de linéaire, c'est-à-dire t'as des endroits où t'as finalement très peu de choses à faire, je pense au niveau des chapeaux, à un moment le niveau des nuages, alors que d'autres, parfois tu peux avoir trouvé, je sais pas, 30-40 lunes avant de partir. Donc c'est une construction un peu bizarre, à la fois linéaire, à la fois ouverte. Mais ce qui est pas mal, c'est que t'y prends un peu ce que tu veux, parce que justement, voilà, moi je suis pas mal encore dans le monde du sable là, auquel tu fais allusion, du désert gelé. Ouais. Et c'est vrai que du coup tu te dis, je vais rester tant que je trouve des lunes, en fait, quoi. Donc tu continues à te prendre au jeu, à explorer, etc. Et si t'es un peu complétiste dans l'âme, même si t'es pas très bon, t'es quand même un peu au début du jeu, donc tu peux commencer à te prendre au jeu de compléter le plus possible déjà cette espèce de monde. Alors c'est vrai pour certains mondes. Pas mal de lunes en avance, entre guillemets, si j'ose dire, parce que tu as déjà les lunes pour aller au monde d'après, mais t'es pas forcément obligé d'y aller tout de suite, donc tu continues à explorer le monde, et il y a un côté assez agréable dans ce gameplay-là, mais voilà, ça c'est mon expérience assez réduite du haut de ma dizaine d'heures. Moi j'ai envie de vous demander à vous votre avis, peut-être un verdict. Peut-être pas global sur le jeu, mais un verdict avec plus d'heures derrière. Comment ça se passe après, quand on a allez, 30, 40, 60 heures dessus ? Est-ce que le jeu tient sur la durée ? Est-ce qu'il tient ses promesses sur cette durée-là ? Alors oui, il tient sur la durée, mais encore une fois, il a le cul entre deux chaises dans sa structure. C'est-à-dire que c'est un jeu qui est finalement, tu vas finir... Alors moi, j'aime pas ce truc, on lit dans les tests, cours en ligne droite, voilà, c'est les trucs... On fait un jeu de plateforme, le principe c'est de faire tous les niveaux où il y a de la plateforme, où il y a de la découverte. Donc après, cours en ligne droite, ça ne veut pas dire grand-chose. Simplement, là, le jeu, et ce que je disais, c'est ça, c'est comme il a des niveaux qui sont très petits et d'autres qui sont beaucoup plus grands, et qu'en fait, il y a des choses que tu peux pas découvrir ou débloquer dans la première partie du jeu, c'est-à-dire en premier run, il va y avoir des choses en post-game, comme on appelle en New Game Plus, qui vont apparaître. En fait, le jeu, il ne te dévoile pas tout dans le premier run. Donc le premier run... C'est inhérent au Mario en général, de toute façon. C'est inhérent Mario, mais là, la construction en monde ouvert fait que tu pouvais espérer, un peu comme dans Zelda, que finalement, ils rebalancent un peu, ils mettent à plat toutes les cartes sur la table, et ils se disent, bah, finalement, on va faire un jeu complètement ouvert, et tout le contenu du jeu, tu l'as dès le départ. Là, c'est pas du tout le cas. Là, tu vas faire ton truc linéaire avec plus ou moins de lunes. C'est un peu une sorte de liberté un peu contrôlée. C'est-à-dire, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Greg. C'est-à-dire que tu as à la fois dans le monde du désert gelé, tu peux t'amuser à chercher plein de lunes, ou alors tracer et trouver les 10 lunes. C'est ça. Moi, je trouve que c'est une construction un peu particulière parce que déjà, en fait, le principe, moi, que j'aime bien dans le jeu, c'est de découvrir les nouveaux mondes. C'est-à-dire que le monde, à chaque fois, tu as des gameplays différents puisque tu as des chapimorphisations différentes et en même temps c'est une DA différente. Alors on peut d'ailleurs en parler de la DA, elle est assez, on va dire, irrégulière. Il y a des mondes qui sont super, des trucs qui sont un peu moins, comme le monde de la cuisine par exemple. Ouais, moi je l'aime bien le monde de la cuisine, mais voilà, après c'est un peu le goût de chacun et les un peu raté. C'est très très hétérogène. Il y a pas du tout, j'en parlais tout à l'heure de Galaxy où c'était très homogène dans la façon dont fonctionnaient les planètes. Là, tu passes vraiment du. Tout le monde a vu le niveau de New Donk City. Le monde de la mer. Alors, il y a des récurrences, mais il y a des choses qui sont. Par exemple, l'espèce d'île perdue Toxil. On dirait une espèce de jeu Insomniac Game, quoi, avec des couleurs un peu bizarres. Voilà. En fait, le jeu, il est toujours traversé en même temps par des façons de jouer différentes, par des univers différents, par des DA différentes, par des approches différentes. En fait, c'est à chaque fois. Alors, c'est pas forcément un défaut, mais c'est le joueur. Si par exemple, si t'es un joueur qui aime bien juste finir ton jeu, bah, tu peux y trouver ton compte. Tu vas faire tes 10-12 heures, tu vas aller jusqu'à la fin, tu vas avoir le générique de fin. Ils vont te dire que ça commence juste maintenant et que tu peux continuer. Bah, à la limite, tu peux t'arrêter là. Si tu veux piocher les trucs comme ça. Ce serait dommage. Quand tu finis le jeu, tu fais à peu près, je sais pas, peut-être 20% du jeu. Tu sais que t'as plein d'étoiles encore derrière. Voilà, bah c'est ça. Quoi. Et surtout, tu sais que t'es passé à côté. Et surtout un monde à découvrir tout à la fin. Quoi. Mais tu vois, moi, ce truc-là, ça m'a un peu dérangé parce que, comme ce que je disais, moi, j'aimais bien découvrir les univers. Et en fait, après, tu reviens dans les mêmes mondes. Alors, ils sont différents parce qu'ils rajoutent des choses, mais t'as plus cette magie, en fait, de la découverte. Mmh. Et comme il y a énormément de lunes, t'as un peu un sentiment, alors, un peu de lassitude dans le sens où tu te dis, bah ouais, je suis encore dans ce monde-là. C'est encore les mêmes principes, il y a des lunes. Alors pourtant, ils arrivent à mettre des nouvelles mécaniques, des nouvelles chapimorphisations, alors que t'as déjà fini le jeu et tu reviens. En fait, quand t'as fini le jeu, le contenu est 3 ou 4 fois plus important que le premier run. Ouais. C'est souvent comme ça dans les Mario. Hein. Voilà. Jusqu'à l'écœur, bon, là. Enfin, tu vois, comme 3D World, en fait, quand tu finissais le jeu, tu continuais sur d'autres mondes. Oui, t'avais une progression un peu logique. Là, comme le jeu, il est à la fois en une construction circulaire, il est un peu de tous les endroits en même temps. Tu vois, finalement, faut pouvoir y jouer en nomade, faut pouvoir y jouer au motion gaming. Quand je t'entends d'écrire, ça a quand même l'air d'être un manque de cohérence, presque violent, quoi. Moi, ça m'a pas choqué. Toi, ça m'a choqué. Je trouve que c'était pareil dans Mario World sur Super NES, tu vois. Ouais. Tu passais d'un monde à un autre. Enfin, moi, ça m'a pas dérangé. Et moi, je trouve ça très bien imbriqué. Le fait de prendre son vaisseau et de se déplacer, ça me rappelle un peu Mario 3D World, dans le sens où. Pour choisir les niveaux, quand même, niveaux étaient très petits. Tu revenais pas sur les niveaux. En fait, tu les faisais une fois et. Alors que là, tu vas passer beaucoup de temps dans un niveau, parce que c'est des niveaux qui font appel à l'observation, il y a beaucoup de puzzle games, il y a plein de choses, tu as des courses, tu as beaucoup de mini-jeux, donc le niveau, tu vas y passer du temps, donc le fait d'y revenir... Et après, c'est subtil, il y a quand même les niveaux, ils s'imbriquent les uns entre les autres par certains mécanismes. En fait, je trouve pas que ça soit une mauvaise... Enfin, je trouve pas qu'il y ait un problème de construction, je trouve que c'est un choix de construction étonnant par rapport à un Zelda où, pour le coup, là, ils avaient complètement tout ouvert, et finalement, tu faisais ce que tu voulais dès le début, enfin, passer la période du prélude, du plateau du prélude. Ah, mais du coup, je pensais peut-être qu'ils allaient se caler sur Zelda aussi. C'est pas je pensais qu'ils allaient plus, et moi c'était pour ça que je pense qu'il est moins fondamental que Zelda dans l'histoire de Nintendo. C'est une sorte de relecture un peu de 64. Alors c'est un très très bon jeu dans les mécaniques, il fonctionne très bien, mais je trouve que de ne pas avoir été plus loin dans la structure, ça le met un peu à un carrefour où finalement c'est un jeu qui essaye de plaire un peu à tous les publics. Mmh. C'est un public un peu, le grand public qui va s'y retrouver, il va faire le jeu comme ça, un peu en picorant dedans, ou alors en faisant juste l'histoire. Les gens qui sont un peu plus gamers, parce qu'il faut dire que la difficulté elle est vraiment au rendez-vous quand t'es dans le post-game. Le jeu est assez facile au début, après je pense pas qu'il y ait des Mario qui aient été très difficiles dans l'histoire de Mario 3D, hein, je parle. Il y en a pas eu tellement. Corsé, bah, 3D World quand même vers la fin. 3D World vers la fin, mais pas du tout jusqu'à. Le Sunshine aussi, il était quand même balèze. À la fin, 3D World, c'est un cauchemar. Attends, ouais, mais de toute façon, t'en as toujours pour ton argent si tu veux. Tu passes 90% du temps sur, sur les 10% du dernier niveau. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans un temps du jeu vidéo où il y a des joueurs, plein de joueurs différents. Donc c'est normal qu'il y ait des approches de difficultés différentes. Alors soit tu as des jeux qui font des jeux de genre. Mais là, ça me choque pas que Mario, finalement, ça soit un jeu qui soit accessible au plus grand nombre. Parce que c'est un jeu qui est joué par le plus grand nombre. Et en même temps, du challenge, t'en auras dans le. Voilà, moi, ce qui me gêne juste, c'est vraiment cette construction où ils ont pas cassé tous les murs, en fait. Ouais. Tu vois, on sent qu'ils se sont dit, ouais, il y a plein de choses qu'on va refaire, mais ils font pas ce qu'a fait Zelda Breath of the Wild. Bah, tu peux pas demander à tous les jeux de faire un Zelda, parce que Zelda a quand même, pas révolutionné le jeu, mais en tout cas révolutionné sa propre façon d'aborder ce qu'il est, quoi. Et ça, c'était quand même courageux, quoi. À côté de ça, par contre, je suis super ébloui par, épaté par le jeu, le UI design, le game design, et encore le fait de trouver de nouvelles idées. Après une trentaine d'années à faire du Mario, quoi. Tu te dis, ouais, potentiellement, il y a peut-être, ça fait peut-être, je sais pas, dedans il y a 20 jeux qui feraient un jeu, tu vois, il y a 20 mécaniques qui feraient un jeu complet. Je sais que j'en parle toujours, mais Sonic à côté, c'est une rigolade, tu vois. Ouais, bah ouais, tu vois le traitement de la mascotte. Mais tu vois, je pense pas, alors je sais pas si t'es dans ce niveau, mais t'es à un niveau avec les mille pattes, la façon, c'est une chapimorphisation, et en fait, tu peux étendre ton corps et donc atteindre des zones que tu peux pas forcément atteindre. Il y a aussi les oiseaux dans le monde de Bowser qui permettent, en fait, tu piques un mur. Et tu te balances pour aller plus haut. Mmh. Et voilà, ça c'est une mécanique assez géniale. Après, tout ne se voit pas au niveau des. Ouais, il y en a qui sont un peu plus anecdotiques. Il y en a qui sont plus anecdotiques, mais on en parle aussi. Il y a un mix entre le Mario 2D. Je sais pas si tu as déjà vu, il y a des niveaux où tu es en 2D. Façon, ouais, il y a des passages. Pour l'instant, j'ai vu, mais pas des niveaux. Excellent, quoi. Ouais. Le pinacle pour moi, c'est le monde de New Donk City. Ouais, donc le monde de New York. C'est une référence à Donkey Kong. Ouais. Franchement, tu nous donneras ton avis, mais il est juste énorme ce niveau. En plus, c'est tout en verticalité. Et du coup, de la ville, ça marche très bien aussi avec Mario. J'étais assez sceptique au niveau des humains. Ça avait freiné beaucoup. Ouais, franchement, ça marche. Ouais, l'ADA, ça fait un peu Sonic Adventure. Bon, mes seuls bémols, j'en parlais avec Julien, c'est au niveau de la maniabilité, surtout sur tout ce qui est accessoires, genre mobilette, qu'on a vu dans le scooter. Le scooter, je trouve pas ça très, très maniable. Certaines transformations sont pas très maniables aussi. On en parlait au niveau de la grenouille. Donc vous jouez avec les deux manettes séparées. Détaché, on parle en termes de jeu. Moi, je joue avec les Joy-Con chacun dans la main. Ouais. J'adore les motions. C'est ce qu'ils recommandent. Alors surtout que tu peux, il y a des mouvements que tu peux pas faire avec la manette pro. Et même sur la tablette, en fait, j'y arrive pas du tout. Moi, j'adore ce confort d'avoir les Joy-Con dans la main. Ouais, ça fonctionne assez bien. Moi, j'étais un peu sceptique parce que les Joy-Con, ils ont une course de stick un peu légère. Ouais. Et finalement, le jeu est bien pensé pour les Joy-Con. Et je sais que la manette pro, ça fait toujours bizarre de bouger une manette pro pour, tu vois. Ouais. Autant, tu vois, quand t'as un Joy-Con dans une main, tu fais un mouvement comme si tu lançais un chapeau. Donc ça, il y a une cohérence en fait entre le mouvement. Je comprends que des gens n'aiment pas, mais il y a une cohérence et t'as la main assez libre en fait. Alors que quand t'as ta manette pro dans la main et que tu sais de la lever pour l'envoyer ton chapeau, on dirait t'as l'air un peu ridicule. Et en même temps, c'est un peu bizarre en fait. Donc non, le contrôle fonctionne très bien. Voilà. Après, moi, je suis assez d'accord. C'est un jeu qui est hyper intelligent. Attention, c'est un jeu qui a un niveau de finition. Moi, c'est plus. Je m'attendais plus à un jeu sur le fond, toi, en fait, presque. La structure, la réflexion vraiment, derrière le Mario, quoi. C'est la structure, la façon dont ils ont pensé le jeu. Et je me disais, voilà, ils vont tout casser, tu vas pouvoir faire un peu tout ce que tu veux au début. Si tu as envie d'aller dans ce monde-là, t'y vas, bah voilà. Alors que là, il y a quand même une linéarité qui est induite par l'histoire et par le fait que tu dois vraiment suivre des étapes. Je pense qu'ils avaient peut-être pas les mêmes ambitions que Zelda et ils avaient pas tout à déconstruire pour reconstruire. Peut-être, non, mais je suis d'accord avec toi. Mais moi, j'aurais bien voulu commencer comme si on était dans le New Game Plus. Ouais. Tu vois, directement dans le New Game Plus. J'ai envie d'aller dans le. Alors peut-être qu'il y aura eu des choses à pas faire. Zelda, ils ont réussi à bien compartimenter les choses. Mais tu vois, Zelda, tu peux aller directement Zelda, à Ganon. C'est du génie. Ganon, tu peux aller voir Ganon direct. Tu te fais massacrer. Mais peut-être que voilà, là c'était, moi j'appelle ça vraiment une déconstruction et une reconstruction d'un jeu. Là finalement c'est pas du tout un jeu paresseux parce qu'il y a des supers idées, mais c'est un jeu qui met pas à plat sa structure et qui va pas aller plus loin que ce que faisait par exemple un Mario Sunshine ou surtout un Mario 64. Alors après aussi... peut-être que c'était pas la révolution copernicienne que voulait Nintendo, mais Et puis dans les nouveautés, il y a aussi le fait de maintenant quand on ramasse des pièces, on peut acheter des vêtements. Ouais. Et tout ça. Bon, après, moi je trouve ça anecdotique, mais c'est vraiment de la cosmétique, quoi. Ça, ouais, c'est du fan service, en fait. Parce que t'as tous les costumes. résume un peu de l'histoire de Mario. Après, c'est, ouais, tu le fais quand même. Tu le fais quand même. Mais ça, c'est plutôt sympa parce que. Ouais, c'est du fan service. Parce qu'en même temps, ça te motive. C'est pas mal. Ouais, ça te motive à chercher les pièces de. Parce qu'il y a une pièce spécifique pour chaque monde, ouais. Une monnaie. Parce que là, il n'y a plus de vie, on en parlait la dernière fois. Quand t'as plus de vie, en fait, tu perds des pièces. Quoi. Ouais, tu perds des pièces. C'est l'univers capitaliste. Même si t'as plus de zéro, si t'as zéro pièce, pardon. Bah, après, c'est dur d'y aller. Moi, ça m'est jamais arrivé, mais. C'est compliqué. Hein, déjà, tu peux aller jusqu'à 10 000 pièces. Ah ouais, c'est ça. Moi, j'ai... au bout de 5 minutes, j'avais déjà 400 pièces. Là, non, ça peut t'arriver si t'as acheté un costume hyper cher et que tu vois, t'as presque plus rien. Parce qu'il y a des costumes vers dans les 10 000. Tu vois, il y a des costumes à 10 000, j'en voyais encore hier. Donc, si tu les achètes et que t'as plus de pièces, bon, après, tu crois que si tu meurs, en fait, tu recommences simplement. Ouais, je pense, ouais. Toi, tu disais un moment, Yao, juste, je reviens sur un tout petit détail que tu as murmuré entre deux phrases, c'était presque jusqu'à l'écœurement, je crois. Tu disais ah oui, pour les étoiles. Enfin, moi, je trouve, parce que, comme tu disais, il y a des étoiles qu'on trouve. Ah oui, c'était ça. On se casse le cul pour les avoir, et d'autres, comme tu dis, tu balades au bout de. Tu marches, t'en as une. Ouais, parce qu'en fait, toutes les... ça, c'est pas vraiment d'être arrivé là. Toutes les étoiles se valent. C'est-à-dire que ouais, si t'en chies 30 minutes, moi, ça m'est déjà arrivé, là, le samedi, je faisais un niveau dans le monde du lac en post-game. Putain, j'en ai chié, avec ces trucs avec une grenouille, il faut sauter sur des plateformes grandes comme ça qui bougent en même temps avec le poison là. Donc j'ai passé au moins 30 minutes là-dessus parce que la grenouille ça me saoulait trop là. Et par exemple, des fois tu marches au-dessus d'un arbre, il y a une lune. Et c'est la ça. Même chose, tu vois, t'as fait une lune quoi. Mais je disais clairement parce que c'est un peu le même principe sur les niveaux, t'as genre tu rentres dans un tuyau, tu sais que tu vas avoir tel nombre d'étoiles à récupérer, tu sais que tu vas tomber sur un Koopa ou un autre personnage, tu sais que ça va être la même épreuve dans chaque monde en fait, c'est un peu de la répétition je trouve. Ouais, ou des fois quand tu fais pousser tes espèces d'haricots et puis ça te fait une lune. C'est ça. Des trucs enfin, comme ça. En fait. Ah, comme il y en a tu beaucoup. Tu prends un costume, tu rentres dans une sorte de magasin et t'as un costume. Quoi. Ouais, ou des fois, tu vas voir un Captain Toad, il te donne une lune. Ouais, j'ai trouvé une lune qui traînait dans le coin, je te la donne. Après, il y a certains niveaux où quand même il est bien planqué, il faut le choper. Ouais. Et des fois, t'as des multilunes sur des événements un peu plus. Ou des boss. On en parlait des boss, moi j'adore le fight contre les boss. Ouais, c'est pas mal. Moi je trouve qu'ils sont super bien, notamment celui de fin Bowser, c'était une bonne surprise. C'est de spoiler, mais c'est excellent. Bon, tout difficile. Bowser à la fin. Voilà. Dim, toi, tu as joué un petit peu ? Ouais, bah, comme je disais, vraiment un petit peu. J'ai fait le premier niveau un peu. C'est un peu un tutoriel chez Greg pour un peu apprendre les touches. Et puis, j'ai essayé quelques niveaux chez un autre pote. Ouais, moi, ça m'a quand même bien emballé. Enfin, j'ai retrouvé vraiment le petit feeling Mario 64. Peut-être mon Mario préféré, hein, le Mario 64, donc ça m'a quand même bien motivé pour le faire à l'occasion. Quoi. Ouais. C'est vrai que je me prendrais quand même bien une Switch hein, pour ça et Zelda. Bah, y a des trucs qui ça vont fait plaire, déjà deux jeux maintenant. Il y a des trucs qui vont te plaire si t'aimes bien 64. Il y a des trucs aussi dedans, il y avait on peut prendre des photos dans le jeu. C'est pas mal au niveau des filtres, tu peux mettre plein de filtres, version 8 bits, 16 bits. Ouais, moi ça me fait toujours un peu chier les trucs où tu peux prendre des photos. Moi j'adore. Bon, en même temps je l'ai fait, hein, mais et je l'ai mis sur Twitter comme un gros con, comme un gros pigeon. Donc, tout le monde. Et comme ça tu spoil à tous les gens. Ouais. Voilà. C'est ça. Ah, regardez. Et donc, mais un très bon cru pour moi ce Mario. Et je le placerai dans les 3D. J'ai pas assez de recul, mais je le place, c'est sûr, devant Sunshine, il n'y a pas de souci. Bah après, ça dépend ce que tu recherches dans un Mario. C'est-à-dire que pour les gens qui vont plus chercher le côté exploration, te balader d'un monde à l'autre, retrouver un peu ce côté où tu fais un peu, t'es un peu perdu, t'es un peu dans une immensité, tu te balades et tu vas un peu au gré de l'aventure, ça peut vraiment plaire. Après, si tu recherches vraiment un côté très timé, plateforme. Oh, mais il y en a dedans. Il y en a, mais. L'exercice, franchement, il y a des trucs chauds. Ouais, mais c'est des trucs, c'est très compartimenté. Ouais, voilà. C'est très compartimenté. C'est-à-dire, tu vas rentrer dans un niveau et ça va être un niveau pur en plateforme. Mm. Alors après, je trouve que New Donk City est très plateforme parce qu'ils utilisent beaucoup la verticalité, les rebonds sur les murs. Mais t'as d'autres niveaux où finalement, ça va être un peu moins ça. Le niveau du désert, ça va vraiment être des îlots un peu de plateforme. Et autour, c'est du grand désert. Donc, comme le jeu est très compartimenté, très mis dans des petites boîtes, finalement, il reste quand même très exploration, très logique et un petit peu moins plateforme qu'un 3D World. C'est l'évolution de Mario, mais. Moi, comme je disais, c'est l'inventivité des gars. Quoi. Je remets pas en cause l'inventivité. Ouais, c'est ça qui m'impressionne, en fait. Ah, mais c'est sûr, mais après, peut-être aussi un Mario, on peut en attendre sur un Mario 3D. Tu vois, un peu comme Zelda, on peut en attendre peut-être qu'il aille encore plus loin. Mais je pense que Zelda, on avait plus besoin que Mario, tu vois. Possible, oui, c'est possible. Mais en même temps, 3D World, on l'a beaucoup critiqué. Je trouve que c'est un Mario qui... Très bon jeu. Ouais, mais tout le monde dit, ce débat, c'est pas un vrai Mario. Ah mais c'est le débat, il est sur les formes. Donc là, les gens reviennent en disant ah voilà, c'est le vrai Mario qu'on attendait, c'est le grand Mario qu'on attendait. Coup, 3D World, c'était excellent. C'était aussi une prise de risque entre guillemets, vu que c'était du multi. Mais le jeu était très très petit, très renfermé sur les petites mécaniques et sur du level design presque de 2,5D. Moi j'adore, je trouve que c'est un Mario. Et d'ailleurs là, le challenge est très présent. Et il est aussi dans ce Mario là, mais à un autre degré. Mais voilà, il y avait ce côté où c'était crescendo dans Mario 3D World. Tu vois, c'était très facile au début, ça montait, tu passais Bowser. Et après, t'avais des niveaux. C'était la folie là. C'était la folie, tu vois. Et tu revenais pas sur les mêmes niveaux, tu vois, tu passais vraiment d'un truc à l'autre. C'est encore de Stan qui était genre à dépenser 900 vies sur un niveau, tu vois, je genre pour passer un truc quoi. La route de l'ultime défi là. Alors là, quoi. Je sais qu'il y a aussi dans ce Mario Odyssey, il y a des niveaux très très très chauds. Moi j'en ai vu en vidéo des trucs où les mecs pétaient des plombs et balançaient. Peut-être que là tu vas plus avoir de pièces pour le coup. J'insiste, enfin surtout le mix 3D-2D, moi ça m'a rendu ouf. Ouais, le truc ça c'est très très bien foutu. Alors moi j'aime pas la 2D et là ça fonctionne vraiment très bien. Tu peux gérer la caméra autour, c'est magnifique. Non voilà, après s'ils avaient une Switch, j'imagine que vous l'avez. Moi j'ai acheté la Switch pour ça en tout cas. Venez nous dire sur upcast.fr dans les commentaires. Mais tu vois, moi j'ai quand même vu des gens sur les forums un peu déçus. Ouais. Des gens finalement, parce que tu sais, c'est toujours le rapport. Alors, il a eu des super notes métacritiques. Il est, je crois, le jeu le mieux noté de l'histoire devant Zelda. Ouais. Il est, je suis sûr, sur certains trucs, et sur métacritique, il doit être à 97. Et les gens disaient, parce que ça, après, c'est toujours le truc un peu l'ascenseur émotionnel. Les gens s'attendent à un truc exceptionnel, et puis finalement, des fois, la réalité, elle est un peu autre. Donc, je vois beaucoup de gens qui viennent dire, ouais, voilà, c'était un bon jeu, un très bon jeu, mais peut-être pas si révolutionnaire ou exceptionnel que ça. Tu vois, un peu ce qu'on a eu avec le Zelda, mais moi, je pense que le Zelda, que Zelda c'est mérité. C'est un des plus grands jeux qui ait jamais été créé. J'ai jamais dit qu'il allait être révolutionnaire. Non. Mais après, moi. Non, mais pour le coup, Zelda, on peut dire qu'il l'est. Quoi. Oui, on peut toujours demander l'impossible. Hein. Lui-même mais c'est vrai, après, on peut très bien dire pourquoi pas Mario aussi. Tu vois, voilà. Vous avez réussi à faire ça. On a prétendu à dire que Mario, ça va être de la révolution par rapport à. Anciens, non, quoi. Mais Zelda, c'est pas non plus la révolution des mondes ouverts, mais c'est la façon de remettre tout sur. On remet tout, on détruit tous les murs et puis on remet ça sur. Vous l'avez compris, voilà. On a quand même aimé. C'est un débat. On a quand même aimé, ah oui, mais voilà. Un genre de plateforme 3D, il n'y a pas mieux. Voilà, c'est le best de la plateforme 3D. Est-ce qu'on pouvait peut-être en attendre encore un peu plus ? Il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas de concurrence, c'est surtout pas Sonic. Venez nous dire si vous êtes d'accord plutôt avec Team Julien ou Team Yao. J'adore le jeu, je vais continuer, je vais faire mes je ne sais plus combien de lunes, je ne vais pas dire combien il y en a, mais je vais toutes les faire. Quelques. Il y en a beaucoup. Quelques centaines. Donc merci pour ça. Continuons encore dans la partie jeux vidéo dans l'actualité presque. Hey, ce serait pas de mon défi. Apparemment, oui. Allez, fais ton quiz. Oui, fais ton quiz qu'on n'arrivera pas à répondre. C'est lié avec Mario en plus. Ah bah voilà, faut le savoir. Voilà. Et comme ça, Dim, il va se réveiller aussi pour qu'il participe. Voilà. Merci de penser à moi. J'attends. C'est bon, je peux y aller. Vas-y, bien alors, sûr. C'est parti, aller, alors. Ça sert à boire, mais on peut. Première faire question, elle est super simple. Ouais, bien sûr. Quel est le nom de la princesse que doit délivrer Mario dans les épisodes canoniques? Ah bon, bah, non, je déconne, c'est une blague. Ouais, allez, je vous dis, j'allais laisser Dim répondre. C'est parti. Bah, quel est le nom de l'épisode Mario sorti sur le CDI de Philips? Oh, je sais pas le nom. Alors, quatre choix, hein, comme d'hab. Ah, ouais. Alors, le hasard. Alors, premier, Adventure Mario. Deuxième, Mario et Luigi Brothers. Troisième, Hotel Mario. Et quatrième, Super Mario's CDI. Enfin, CDI, CDI. CDI. Ah, Super Mario's CDI. CDI. J'aurais dit le premier, là. Adventure Mario. Adventure Mario. Et toi, Dim? Moi, je dirais le dernier. Super Mario CDI? Ouais. Et tout faux, c'était Hotel Mario. Et d'ailleurs, c'était un jeu de puzzle. Putain, ah ouais. Même pas Hotel Mario. Je suis consterné. Ouais, welcome to Hotel Mario. Au passage, il y a une question. Alors, quel célèbre comédien de doublage français a doublé Luigi dans ce jeu? Dans Hotel Mario? Ouais. Tu vois, c'est pas trop difficile comme quiz du tout, quoi. Alors, c'est même pas le nom du jeu, toi tu demandes le comédien, quoi. Alors, premier choix, Daniel Russo. What the fuck? Ah ouais, Daniel Russo. Ouais. Deuxième choix, Roger Carrel. Troisième choix, Francis Lax. Et quatrième, Jacques Balutin. Ah, c'est des connus. J'aurais dit Daniel Russo. Moi, je dirais Francis Lax. Et toi? Bah, j'ai Balutin. Tout faux, c'était Roger Carrel. Oh putain, merde. Il faut qu'on ait un quatrième membre pour gagner. Ouais, c'est clair. Allez, on enchaîne. Plage. Troisième question. En quelle année est sortie l'adaptation hollywoodienne du film? Donc en France. Alors, en France. Ouais, en France. J'ai pas été vache quand même. Alors, premier choix, 23 juin 93. Deuxième choix, 10 décembre 93. Troisième, 3 juillet 93. Et le dernier, 21 juin 94. J'aurais dit 10 décembre pour Noël, tu vois. Moi, je dirais juillet 93. Ouais, moi, je dirais l'été aussi, là. Mais quelle date? Parce qu'il y a des dates. Il y avait juin. Ah, bah, je prends juin pour pas avoir la même que Dim. Allez, t'as gagné, Greg. Allez. Facile, ce quiz. 93, c'est la date de Jurassic Park. C'est pour ça qu'il a bidé, ils ne sont pas sortis à Noël. Bah, sachant que moi, je dis que c'est le précurseur parce que Yoshi, c'est un dinosaure. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, il a rien inventé, Spielberg. Et donc, juste pour info, en fait, les dates, c'est pas des fausses dates. Hein. Le 10 décembre, c'est la date de sortie au Brésil. Putain, le mec. 3 juillet, c'est la date de sortie au Japon. Le ouf. Et le 21 juillet 94, c'est au Portugal. Putain, le ouf. Donc, dernière question. Allez, on va enchaîner sur ce superbe film. J'espère que vous l'avez vu ou pas. Moi, je l'ai vu au cinéma. Ah, je l'ai vu, mais je m'en souviens plus très bien. Tellement longtemps. Ouais, je l'ai vu. Ouais. Donc, alors, donnez-moi le nom du groupe dont est sorti le single officiel issu de l'OST du film. Le groupe, un groupe musical, quoi. On passe. On passe la question. Quelle proposition. Il y a un single très connu sur Mario, quand même. Il y avait le clip sur MTV et tout ça. Alors, je commence avec Ace of Base. Deuxième choix, Sheryl Crow. Troisième choix, Marky Mark and the Funky Bunch. Et le dernier choix, Roxette. Moi, j'aime bien Marky Mark and the Funky Bunch. Ouais, moi, je dirais le dernier. Roxette, ouais. Allez, deux Roxette. C'est Roxette. Voilà, bien joué, les gars. Almost Unwin, c'était excellent. C'est Marky Mark and the Funky Bunch. Je te file le lien, tu me mettras le lien du clip. C'était magnifique parce qu'il y avait je veux bien. Les petits bombes dedans. C'était le délire de la 3D. Je me souviens pas du tout avoir vu un truc comme ça, quoi. Mais ouais. Oh mon dieu. Et donc dans le film il y avait Dennis Hooper et John Leguizamo et Bob Hopkins quand même. Donc, quiz un peu facile hein, Yao. Hein. Bob Hopkins savait même pas que c'était l'adaptation d'un jeu vidéo. Ça. Voilà. Les mecs au courant. Merci pour ce c'était quiz. Pas trop dur. Quand non, même. Non, c'était assez facile. Franchement assez facile. Tu nous feras un peu plus dur la prochaine. Ah, s'il te plaît. La question tendance, Julien, t'as inventé une rubrique pour parler de news en fait un petit peu. Non. Je t'ai vu là, je t'ai vu. Oh les saligots. La question de Julien, est-ce que je la pose ou est-ce que tu veux la poser, c'est le téléchargement prend le pouvoir, point d'interrogation. Ou le téléchargement prend-il le pouvoir, hein, si on parlait en bon français. Merci Julien. Oui, parce qu'en fait, c'est un peu la question tendance du moment. C'est le poids que représente aujourd'hui le dématérialisé dans c'est-à-dire les ventes de jeux vidéo en téléchargement dans l'industrie du jeu vidéo. C'est une question qu'on s'est déjà posée, puisqu'on parle souvent, tu sais, de triple apocalypse, puisqu'on a l'impression que les triple A marchent de moins en moins. Parce que justement, on a souvent que les ventes physiques. La plupart des instituts qui mesurent les ventes ne peuvent mesurer que les ventes physiques. Ouais. Sauf quand c'est les éditeurs qui donnent les ventes des maths. Et en fait, cette semaine, on a eu quelques infos assez surprenantes, voire presque une redistribution des cartes en seulement un an. Donc en fait, c'est le site anglais qui s'appelle Game Industry qui a révélé les chiffres du dématérialisé pour l'Angleterre. Pour l'année en cours, en fait, les jeux récents ont réalisé entre 30 et 45% de leurs ventes en téléchargement, contre 15 et 25% un an plus tôt. Donc on est sur une augmentation entre 15 et 20% pour le dématérialisé. Donc en une seule année, c'est assez énorme. Donc en fait, ça pourrait expliquer la baisse de ventes physiques de certains AAA. Et en fait, pour corroborer tout ça, on a aussi les chiffres éditeurs. Donc voilà, si les éditeurs communiquent, c'est aussi que c'est important. Et voilà, sinon, généralement, ils se taisent. Donc EA, eux, ils ont déclaré que 36% des ventes se font désormais en dématérialisé sur PS4 et sur One. Donc c'est 6% de plus que l'année précédente. Par exemple, FIFA 18, c'est 25% des ventes en téléchargement après 3 semaines de commercialisation contre 16%. Donc c'est une augmentation de 9%. Sur la même période, Activision, c'est encore mieux. 50% des ventes de Destiny 2 sur PS4 et One ont eu lieu en téléchargement. Putain. Donc un jeu sur deux est vendu en téléchargement. Là, c'est le côté parité. C'est la première fois qu'un jeu atteint ça. Ah ouais ? Voilà. Okay. C'est pour ça que les gens disaient « Ah, c'est peut-être pas un si bon démarrage pour Destiny 2 », parce d'accord. qu'en fait, ils comptaient pas le... Il y a la moitié des ventes qui n'étaient pas comptées, quoi, ouais. En gros. Or, c'est un super démarrage. Faut que je tourne ma petite feuille. Vas-y, on t'en prie. Hein. C'est des chiffres. Alors voilà, je n'ai pas non plus la mémoire des chiffres. Alors voilà, après, est-ce qu'on peut expliquer les raisons ? Est-ce qu'il y a eu aussi une mutation sociétale ? C'est-à-dire que les gens aujourd'hui sont de moins en moins attachés à l'objet, au physique. Et ils sont de plus en plus maintenant dans une société qui fait de la dématérialisation en musique, on regarde des séries en streaming. Donc peut-être maintenant les jeux, en plus maintenant on a la possibilité de pré-télécharger directement son jeu et tu l'as directement chez toi, la date de sortie à minuit. Ouais. Ouais. Donc ça peut être aussi important. C'est aussi très simple, le démat, t'as pas besoin de changer ton CD, chez Kiao il est assez sensible à ça. Bah non, regarde Mario, je l'ai acheté en physique. Tu l'as acheté en physique, mais par exemple je sais que t'aimes bien que le jeu soit directement dedans. Oui, après c'est vrai que c'est un gain, je trouve ça, c'est un gain de place. Quoi. Ouais, c'est un gain de place. Par exemple, tu vois, moi je me dis finalement, j'aurais bien aimé avoir tous mes jeux Switch en démat. Pourquoi ? Parce que ça me fait chier de changer la cartouche, de sortir. C'est chiant, hein. Ça c'est très chiant. Tu vois, quand t'allais sur le socle, c'est un tout petit truc à sortir. Tu vois, le moindre petit confort, on devient exigeant maintenant. Ouais, c'est vrai, hein. C'est mieux d'avoir tous tes jeux stockés. Et puis aujourd'hui, on est dans une habitude de consommation en dématérialisé. Tout le monde a. C'est installé pour la musique, comme tu disais. Au niveau du prix, par contre, c'est plein pot les téléchargements. Ouais, mais l'autre fois, je suis passé à la Fnac, j'ai vu comment ils se gaffent sur la Switch. Ah bah ouais. 65€ le Zelda et le Mario Odyssey. La honte. Après, sur Amazon, il est moins cher. Après, tu les trouves moins cher. Je veux dire, si tu prends. C'est la Fnac. Si tu payes en ligne et tu prends en téléchargement, c'est pas les mêmes tarifs. Non, c'est pas les mêmes tarifs. Gens, ça peut baisser assez vite. Alors oui, après c'est vrai que si tu achètes des One, les jeux Nintendo ça baisse jamais. Ils sont. Mais tu vois peut-être que le futur ça va être du démat et peut-être des collectors. Peut-être qu'il y aura encore des gens qui un peu comme en musique. Ça se fait déjà un peu finalement. Le démat et les vinyles. Mais il y a toujours le problème après du stockage. Enfin, ton jeu, est-ce que tu le gardes pas Comment ça se passe? Est-ce qu'il est toujours à toi ou est-ce qu'il est pérenne? Après un support physique, ça peut se détériorer aussi quoi, mais. Mais en tout cas, ça, c'est vrai qu'un sur deux, un jeu sur deux vendu, c'est énorme. Après, pour prendre le modèle de la PS4, un jeu qu'on achète en dématérialisé, on peut l'effacer du disque dur, on peut le recharger quand on veut, quoi. Ouais. Et pour reparler du prix, sur PS4, je sais que au niveau des jeux, allez, peut-être un mois ou deux après la sortie, des fois, ils te font quand même des grosses promos. Hein. Ouais. Donc moi aussi je me suis venu quand même aussi un peu à aussi acheter des jeux en dématérialisé parce que ça vaut quand même le coup. Hein. Du coup, PS Plus c'est autre chose. Regarde PS Plus, si t'as ton abonnement, ton jeu n'est plus à toi. Oui, oui. Tu vois, ah mais là tu payes un abonnement, ils ont bien compris. Ouais. Oui, là le PS Plus c'est plus un prêt que. Mais dès que tu reprends, achat, hein. Dès que tu te réabonnes, tu peux récupérer tous les jeux. Ah mais après tu vois il y a aussi un caissier genre c'est moins casse-couille, tu te déplaces pas en magasin quoi, juste tu vois, enfin le côté à l'achat tout simple, tu vois Steam ils l'ont bien compris hein. Mm-hmm. Bon en plus de ça ils cassent les prix monstrueusement sur plein de jeux. Tu vois par exemple moi je joue pas sur PC mais personne achète des jeux en boîte. C'est vrai ouais. Bah non sur PC je sais pas si ça existe encore à la FNAC. T'en as encore dans les FNAC hein. Ah ouais. T'as un petit ou même Micromania t'as un petit rayon PC quoi. Ouais. Ah ouais, ça et doit tu pas, vois, ça en plus, tu fou. Vois, maintenant, je me dis, quand t'achètes un jeu, il n'y a plus de petites notices de bouclettes de valeur ajoutée à la boîte. Ça. T'as juste la boîte avec juste ta cartouche. Tu vois, les boîtes Switch, elles sont moches. Les cartouches, elles sont moches. Ah justement, c'est pour ça que j'ai acheté mon. Moi, j'ai l'air d'être petit côté mini. Ouais, mais t'as rien dedans, par exemple. Après, oui, ça, ça, ça elles sont vides. Moi, j'aurais bien aimé un petit manuel quand même, tu vois. Mais bon, après, pour le Zelda. Tu vois, à part quand t'achètes. Faire des études et personne ne les lit. Non, personne ne les lit, sauf les fans, quoi. À part quand t'achètes des collectors. Où t'as, par exemple, là, je voyais, Fire Emblem Warrior, il y a eu un collector. Tu vois les trucs Assassin's Creed, bon, t'as des figurines. Ouais, c'est en train de se dessiner d'autres publics, quoi. Les fans, etc. Mais c'est vrai que maintenant, moi, jusqu'à où va les chiffres, en fait. C'est ça que je me pose comme question. Parce que là, on est à 50%, mais. Est-ce que tu crois que ça va être destiné à 100%? Du coup, t'as des chiffres pour Nintendo ou pas encore? Non. On a vu Nintendo, à mon avis, eux, ils se portent mieux en physique qu'en des matériaux. Après, Nintendo, ils ont toujours le poids quand même de tout ce qui est retailer. Hein. Ils sont quand même très proches de tout ce qui est grande conso, tout ce qui est revendeur. Et voilà, ils ont aussi ceci dit, parce que pour vendre une console, il faut aussi que tu passes par les revendeurs. Ouais. Encore. Un éditeur, lui, il peut se permettre, il a finalement deux physiques à vendre, ça l'intéresserait de plus faire du tout de physique. Mais Sony, Microsoft, Nintendo, ils sont toujours obligés de vendre des consoles. Et ouais. Donc ils ont quand même besoin, on l'avait vu à l'époque de la PSP Go, qui était totalement en démat, où il y a eu un bloc de la part de tous les retailers pour dire, bah non, nous on ne veut pas la vendre parce qu'on ne vend plus de jeux avec. Bah ouais. C'est comme tu fais pas de marche sur une console. Ouais, forcément, ça c'est compliqué. C'est peut-être ça qui va arrêter finalement cette baisse du chiffre des ventes physiques au bout d'un moment. Et puis peut-être le grand public qui voudra pas passer par ça. Le grand public, j'entends. Après, ça va vite. Hein. Tu vois, là, quand même, quand tu dis 50%, ça commence à être le grand public. Tu vois, tous les éditeurs, c'est 15, voire entre 10 et 20% d'augmentation du dématérialisé. Tout le monde donne les chiffres du dématérialisé. C'est énorme. Enchaînons, on reste toujours dans l'actualité, un petit peu avec la séquence qui est en train de devenir culte, hein, Julien, on peut le dire maintenant. Hein, Les trois gros. 4, j'aime bien ce titre, Les trois gros. Épisode 4, comment tu l'as appelé? Je l'ai appelé l'épisode chiant. Parce que, tu vois, un peu comme ma semaine de boulot, c'est un épisode un peu chiant, avec pas mal de chiffres bien pénibles. Ouais, donc, finalement, ça a été. Ouais, c'est beaucoup de chiffres hein, pour toi. Alors, tu voulais commencer par quoi? Parce que je sais qu'il y a. Alors, je sais que. Bah, écoute, on peut commencer par Sony, par exemple. Ouais, parce que Sony, en fait, est très content de ses chiffres hein, et a revu ses prévisions de vente de PS4 à la hausse, puisqu'en fait, il prévoit d'écouler 19 millions de PS4 sur l'année fiscale contre 18 prévus initialement. Ça porterait, en fait, le total de machines vendues à 79 millions. Est-ce que ça englobe. La pro, ça englobe les deux quoi. Ils disent qu'il y a une machine sur 5 qui est vendue, c'est une pro. C'est une pro. Ils ont donné cette information. Ils sont contents des résultats ou tu sais pas par rapport à la pro. Pour l'instant, ils sont toujours contents. C'est pas mal. Ouais, ils sont contents. Après, faut voir qu'ils en avaient pas mis tant que ça à disposition. C'est un peu comme le PSVR. Ils font quand même, un peu de rétention au niveau du stock. Ce qui est pas bête. Ce qui est pas plus mal. Hein. Pour le coup, donc 79 millions de machines vendues s'ils atteignent ces objectifs-là. Hein. Pour l'instant, ils sont à 60 millions. En fait, il faut savoir que ça, c'est en 4 ans et demi. Et en fait, c'est un chiffre que la PS3 avait mis 7 ans à atteindre. Oh la vache, à la claque. Donc on est quand même plus proche des chiffres de la PS2 et de la PS1, mais peut-être presque de la PS2, qui était quand même la machine Sony la plus vendue. Ouais. Voilà, ils sont sûrs. C'est pour ça que moi, beaucoup parlent d'une nouvelle génération qui arriverait bientôt. Ouais, tu crois pas trop, toi, j'ai un peu du mal à y croire, dans le sens où... S'ils prévoient en plus encore d'en vendre 19 millions... Tu vois, il n'y a pas eu de GTA encore, tu peux te dire, est-ce qu'il y a un GTA 6 qui sort en fin de génération? Est-ce qu'ils ne peuvent pas refaire le coup du GTA 5 où il sort d'abord sur une génération et t'attends un peu et tu ressors en remaster sur une autre? Et t'en écoules, là ils sont à 85 millions de GTA vendus. Voilà, ça c'est pour Sony. Côté Microsoft, on n'a pas vraiment encore beaucoup de chiffres de vente très crédibles. On sait que ça marche pas mal, notamment en Angleterre. Ouais. Par exemple, là en Angleterre, la X, donc je parle de la One X, a mieux marché que la PS4 Pro. Après, on ne sait pas s'il y avait le même nombre de stocks. On sait aussi qu'ils préparent ça depuis un an. L'Angleterre, c'est toujours un marché un peu particulier en plus. Hein. Alors, c'est un marché qui était traditionnellement très Microsoft, mais qui était un peu passé Sony avec la PS4. Mm. pour attendre le chiffre des États-Unis. Et le Japon. Ouais, ça sera demain, je crois, ou après-demain. Il y en a quatre. Ouais. Quatre de vendus, je crois. Je ne sais même pas si elles sont l'AX au Japon. En plus. Donc voilà, les chiffres, on ne va pas encore s'y intéresser sur la Xbox One X. On va attendre d'avoir des chiffres un peu plus précis. Par contre, il y a eu des déclarations de Phil Spencer à Bloomberg. Et en fait, ce bon vieux Phil, hein, patron du jeu vidéo chez Microsoft, a déclaré qu'il était temps que Microsoft investisse dans de nouveaux studios de développement ou en acquiert directement certains qui existent déjà sans en créer. Il dit nous devons grandir et j'ai hâte de mettre en œuvre tout ça. Notre capacité à créer du contenu doit devenir l'une de nos forces. Nous n'avons pas toujours eu le même niveau d'investissement. Il y a des hauts et des bas. Alors, c'est un peu ce qu'on reproche à Microsoft en ce moment. Vous avez entendu le trio Halo Ouais, voilà, Forza, sortir un peu de Gears, Forza, Halo. Ouais, c'est chiant ça. Hein. Et c'est vrai que là, tu vois sur 2018. Bah, ils sortent que ça, quoi. Façon, tu vois. Ils n'ont pas forcément des gros jeux. Bah, il y a plus Scalebound, quoi. Ouais. Voilà. Je sais pas si c'était leur plus gros jeu, mais c'était une annonce. Pour non, non. Moi, c'était le gros jeu. Mais en plus, comme sur les premières années, ils ont lancé le Gears, le Halo, le Forza. Ouais, voilà, ils ont grillé toutes leurs cartouches d'un coup. Ils ont grillé direct les cartouches. Ouais. Ah, mais c'est vrai qu'en plus, le Halo, je sais pas s'il a déçu ou pas au niveau des ventes. Mais c'est trop rapproché. T'as l'impression qu'ils en sortent deux par. Enfin, deux, trois. Le Halo, il n'y en a pas eu tant que ça, mais c'est surtout qu'ils sont toujours sur le même cycle. Ouais. Tu vois, là, c'est par exemple. Bah, donc, à chaque fois qu'il y a une nouvelle console, il y a un Forza, déjà. Ouais, pareil. Donc, mais tu vois, le truc, c'est que, est-ce que c'est pas finalement un vœu pieux ou finalement une espèce de déclaration un peu pour rassurer les fans à quelques jours de la sortie de la Xbox One X ? Parce que tu te dis, acheter des nouveaux studios, ok, tu l'achètes, mais après, le jeu, il se fait pas tout de suite. C'est pour faire des Nike. Tu vois, non, mais tu sais. Concrètement, il y a rien. Là, concrètement, il y a Sea of Thieves, il y a Crackdown 3, il y a Ori. La console, quand elle est sortie, là, il n'y a rien. Enfin, ouais, mais là, c'est un peu différent. C'est une console mid-generation. Ouais. Quand la PS4 Pro est sortie, ils n'ont pas sorti de jeu spécifique à la Pro. Là, on est dans un. Peut-être mieux qu'ils rachètent des studios directement plutôt qu'ils se lancent dans la création, tu vois, des trucs, des valeurs un peu sûres. Ils ont de l'argent quand même, hein, Microsoft. Hein, ouais, mais on sait qu'en ce moment, bah, un studio, il y a beaucoup de studios qui ferment. Hein, on l'a vu ces derniers temps. Donc, c'est pas forcément un truc. Tu vois, finalement, ils préfèrent investir dans des exclus comme PUBG pour finalement se dire on va prendre une exclu comme il a fait avec Raider. Qui marche déjà, en fait. Qui marche déjà, qui est un truc un peu plus facile, mais est-ce que c'est pérenne sur le long terme ? Bon, rien qu'avec Minecraft, tu sais, ils doivent gagner pas mal d'argent. Je me fais pas trop de soucis quand oui, même. Oui, bon, ils l'ont payé cher aussi quand même. Ouais, ils l'ont payé cher, c'est sûr. C'est sûr. Alors, d'un coup, Nintendo, le dernier Nintendo, 3 gros, évidemment, il y a chiffres aussi. Super Mario Odyssey qui réalise le meilleur départ côté vente de toute la franchise avec plus de 2 millions de ventes au lancement. Par le lancement, là on doit être beaucoup plus loin maintenant. On parle d'1,1 million aux USA, de près de 500 000 au Japon en 3 jours. Et on ne doit pas être loin du million en Europe. Et voilà, ça a dû augmenter. Ça fait 2 semaines que le jeu est sorti. Voilà, donc je pense qu'il se vend très bien. Tout ça, bah, forcément, ça grise un peu Nintendo qui a revu, comme Sony, ses objectifs de vente de Switch à la hausse. Et en fait, il tape désormais sur 14 millions de machines distribuées pour l'année fiscale close le 31 mars. 2018, donc ça ferait 17 millions de ventes depuis le lancement, un score que la Wii U n'atteindra jamais. La Wii U n'aura jamais. Il doit être à 14 millions, je crois, sur les 4-5 ans. On était comme ça vers la fin. Vers la fin 13 millions, 14 millions. Et là, sur la première année, on pourrait déjà être au-dessus. On sait que Noël, c'est vraiment la période la plus propice, sachant que maintenant, bah, ils ont beaucoup moins la 2DS, 3DS. Puis ils peuvent parler de Mario maintenant, quoi. Ils peuvent parler de Mario. Bon, ils ont quand même le Pokémon Lune et Soleil qui va arriver dessus. Je parle sur la 2DS, hein, ouais. DS, 3DS. C'est quoi la grosse cartouche qui arrive là pour après Mario C'est pour Noël. Hein. Là, c'est après Xenoblade, mais c'est pas une grosse cartouche. De toute façon, Mario, ça va durer. Ouais, Mario, ça va durer sur le long terme. Pour rebondir sur Mario, j'étais étonné de voir les charts japonais pour la deuxième semaine de commercialisation du jeu. Call of Duty est passé devant Mario au Japon. Ah ouais. C'est ça qui est étonnant avec 170 000 ventes. Dès la deuxième semaine. Enfin, la première semaine du coup de Call of Duty. Deuxième semaine de Mario. Il avait fait 500 000 en première semaine. Ce qui est un très bon chiffre pour un. Ce qui est quand même pas dégueulasse. Ouais, mais je veux dire quand même que Call of Duty au Japon, voilà, qui passe devant, moi ça m'a. Ouais, mais un peu comme Mario Kart, il remontera à la période de Noël. Quand les gens iront faire. Explique que, tu vois, enfin, comme on disait. Bah, Call of Duty, ça marche très bien. Protectionniste et tout ça, mais que. Non, les. Un jeu étranger qui passe devant Mario, quoi. GTA, ça se vend bien là-bas. Call of, ça s'est toujours bien vendu. Pas une sortie de. Comme un jeu comme Mario sur Switch. Ouais, mais beaucoup de gens, il n'y a pas non plus pour l'instant, il n'y a pas un parc de Switch. Je crois que, enfin, Greg, que quand tu l'entends dans Gaijin Dash, la Switch, elle est sold out, tu vois. Elle est sold out, mais il y en a combien de Switch au Japon ? Il y en a quoi ? Ils ont un peu plus d'un million. Donc déjà, ils sont à 50% du. Ah, bref, ça m'étonne, quoi. Que... C'est un symbole. Non, mais là, tu m'as dit combien ? 170 000 ? Ouais, pour la première semaine. Et Mario, bah, ça veut dire que là, ils en sont déjà à 60% de la base installée. Bah, c'est énorme. C'est pas enfin, bref, ça veut dire, je pense qu'ils sont. Combien ils ont mis en vente ? Peut-être 700, 800 000. Donc ils sont déjà à 80-90% du. C'est surtout du le stock style de jeu, moi. C'est un FPS comme ça qui passe. C'est ça, c'est le symbole. Donc, ouais, c'est ça. Aussi, oui, c'est le côté. C'est ce que tu veux dire, mais bon. Le jeu américain, on va dire, de grosses séries basiques, FPS, qui passe devant Mario dès la deuxième semaine. Par exemple, tu vois, Splatoon 2, c'est mieux vendu que Mario. Ouais, après, c'est pas étonnant. Ouais. Ouais, mais... Au lancement, je crois que Splatoon, c'est 600, 670 000 en première semaine. Splatoon, ça a été très fort. Et ouais, par contre, du coup, Super Mario est plus haut dans les chiffres qu'un Zelda. Un Zelda, il est à 559 000. Là. Ouais, il a déjà dépassé Zelda, mais Zelda, c'est pas une licence ça, qui... Ça se vend toujours moins, Zelda qu'un notamment Mario. Au Japon. Après, dans les autres symboles dont on peut parler avec Nintendo, c'est le Miiverse, dont tu voulais parler aussi un petit peu, Yao, bah avec ouais, regret. Parce que ça s'est fini le 8 novembre, le Miiverse a disparu de la 3DS et de la Wii U, enfin des réseaux. T'as moi, versé une larme. Bah ouais, parce que moi j'aimais bien utiliser cette plateforme communautaire... Ouais, surtout sur laquelle tu pouvais dessiner, ça, tu pouvais etc. Dessiner, toi, je sais que tu dessinais pas mal. Tu pouvais communauté, tu pouvais demander des tips et tout ça. Et je trouve que c'est ce qui manque, sauf si j'ai mal cherché, mais il me semble pas. T'as un peu raison, je suis assez d'accord avec la Switch, c'est un peu froid finalement. Juste pour envoyer un message privé, je crois. Il n'y a même pas cette fonctionnalité. Ouais, c'est presque un peu dommage qu'ils aient pas fait un peu une fonctionnalité sociale. Moi, j'aime bien ça. Mais je pense qu'ils vont le faire en 2018 quand ils vont faire le online payant. Il serait temps, parce que ça fait vraiment froid la Switch quand même. Quand t'arrives dessus, c'est glacial. C'était ma première impression quand j'ai. Ah oui, après, découvert c'est la plateforme. Il y a des gens qui aiment bien. Moi, je trouve ça trop froid. Mais... Moi, je pensais que ça allait bouger en plus assez vite. Je m'étais dit, ah bah dès la deuxième ou troisième semaine, ils vont nous proposer des trucs et tout. Non, YouTube, c'est toujours aussi glacial, il se passe rien. Toi, Netflix, ça serait pas mal si t'es abonné, tu l'as sur ta. Ouais, ça serait un petit détail. Mais sur Wii U. Je préfère... Au moins, le Miiverse, t'avais l'impression que se passait un truc. Oui, en fait, toi, t'avais vraiment des communautés comme sur la PS4, il y a des communautés, tu vois. Et je trouve ça dommage qu'ils aient pas intégré ça. C'est la fin d'une époque. C'était le seul réseau social un peu étrange comme ça. C'est sympa, vraiment la Nintendo. En plus, t'avais le compte sur Twitter, les tréfonds du Miiverse. Là où tu voyais des trucs hallucinants. Camilla qui était passée sur la communauté. Oui, il y avait aussi les développeurs qui mettaient les messages. Ouais. Enfin bref, voilà. C'était... Bah, je vais te laisser la parole aussi, Yao, pour des projets pourris et qui hype un petit peu comme tout à l'heure. Ah, des projets pourris. Projets pourris rapidement. Hein, C'était juste pour être dans la tendance du podcast pour dire des futurs Sonic à venir vu. Ce que nous a sorti Sega avec Sony's Heroes, c'est Forces ou Heroes? Forces. Forces, ouais, voilà. Nouveau jeu 3D de... Futur Sonic en 3D. De Sonic, quand on le compare à Mario, mais bon, c'est pas les mêmes styles de jeu, c'est normal. Mais difficile quand même, de comparer, ouais. Ça fait bizarre, tu vois, comment ils traitent leur mascotte, une société et une autre société, tu vois. Donc, Si vous pourriez enterrer Sonic à tout jamais. Et les gens étaient contents avec Sonic Mania, apparemment, les fans. Je te parle en 3D. Ah, ouais, mais là, 3D, Sonic ouais. Mania, c'est vraiment pour moi la fainéantise. C'est un fan. Ouais, voilà, c'est tu vois, c'est même pas la pour un fan, c'est pas de la fainéantise. Pour la société derrière, oui. C'est même pas la maison mère qui ouais, est réalisée, tu vois. C'est ça. Parce que Force 6, c'est le retour de la Sonic Team. Bah, ça fait peur, alors. Ça fait très, très peur. Est-ce qu'ils avaient vraiment besoin de revenir? Peut-être, ouais. Je sais pas. Quand même. On verra. Du côté du projet qui hype, t'avais mis un truc sur. Un DLC. Comment un DLC peut te hyper? Parce qu'il y a les Tortues Ninja et je suis sûr qu'il dit, mais d'accord. Donc on parle de quoi? Oui, c'est trop cool. En fait, c'est pour le jeu Injustice 2, je crois qu'il sort cette semaine, la semaine prochaine. Ils ont annoncé un DLC Fighter Pack avec les Tortues Ninja qui arrivent, du coup, et c'est tout. Mais je sais que j'achèterai jamais le jeu, hein, mais c'est juste de revoir le DLC. Non, juste de revoir les Tortues Ninja arrivant en jeu vidéo. Non, je ne veux pas le jeu, s'il vous plaît. Ça me laisse un maigre espoir. J'espère qu'il y aura des spéciales avec des pizzas, c'est tout ce que je demande. T'avais le jeu, Dim, Injustice? J'ai fait le premier, j'ai joué un petit peu aux deux. C'est très con, mais c'est très fun aussi, donc ça me plaît. Tu vois, ils arrivent dans l'univers d'ici, mais bon, ça me laisse un mince espoir. Je me dis peut-être qu'ils auront leur jeu à eux, tu vois, dans un futur toujours. Tu vois. En plus, c'est pas la version Michael Bay, c'est plus la version entre guillemets comics, etc. Donc c'est voilà. Injustice 2 et ça te hype. Écoute, ça c'est bien, c'est très particulier au moins comme projet. Je t'achèterai pas, hein, c'est juste symbolique de voir les Tortues Ninja qui arrivent. Il y a Hellboy aussi qui doit être aussi mais bientôt déjà, présenté c'était en le premier, DLC. C'était le premier pack. Celui-là, c'est le troisième d'accord. Pack. Ouais, tu vois. Bah dis donc, vous êtes bien au courant sur ce jeu Injustice 2, je trouve. C'est incroyable. Passons à l'heure des trailers, peut-être pour s'approcher de la fin de la partie jeux vidéo. Julien, tu nous en as soumis pas mal. Je crois que c'est quasiment toi qui as tout mis. Évidemment, il y avait la PGW, Game Week, et il y avait la conférence de Sony. On avait de quoi se mettre sous la dent avec tous ces trailers. Et tu as commencé par The Last of Us Part 2, un trailer qui a fait pas mal parler de lui. Oui, je voulais avoir un peu votre avis, puisque beaucoup l'ont trouvé beaucoup trop violent. Oh. Alors, qu'est-ce qu'on y voit? On y voit des gens qui se font buriner au marteau. On voit des flèches qui transpercent des gens, on voit de la torture jeu vidéo, en quoi. Gros plan. Voilà. Non, mais ça a fait quand même beaucoup parler. C'est vrai que j'étais étonné, moi, presque. Aussi par rapport à l'horaire où c'est passé. Enfin, j'ai entendu ça. Alors, il y a ça aussi. Qu'ils n'aient pas forcément prévenu. Je ne sais pas si la conférence était 18+. Parce qu'en soi, finalement, dans un jeu vidéo, c'est la base un peu de ce qu'on a vu. Ça m'a laissé de marbre, en fait. Le premier, il n'était peut-être pas aussi violent. Je ne sais pas, je n'ai pas fait le premier. Tu l'as fait? Moi, je l'ai fait. Il y avait des trucs violents dedans. Ils avaient notamment utilisé un, à l'époque un headshot presque en gros plan pour parler du pour faire la promo du jeu. Là, moi, j'ai pas trop. C'est pas que c'est violent. Après, c'est un univers quand même post-apocalyptique. En fait, je crois que ça a choqué parce que c'est réaliste. C'est tout. Enfin, c'est ouais, réaliste, c'est assez réaliste. Après, je trouve que c'est quand même c'est un univers quand même assez désespéré, assez sombre. C'est un univers post-endémique. C'est voilà, c'est tu te dis bon, tu vas pas t'amuser quand même. Alors après, c'est vrai que là, c'était vraiment des trucs très en gros plan. Mais le truc, c'est moi qui pouvait peut-être gêner, c'est que c'était décontextualisé. Ouais, tu savais pas qui étaient ces gens, pourquoi ils faisaient ça, qu'est-ce qui les avait amenés à réagir comme ça. Donc c'est ça. Finalement, quand t'as une violence qui est un peu justifiée par la psychologie des personnages, tu peux l'intégrer. Là, c'est un peu direct. Après, c'est ce qu'ils recherchaient aussi, peut-être pour. Alors beaucoup disaient pour faire le buzz. Je sais pas si Naughty Dog ils ont tellement besoin de faire le buzz, mais peut-être qu'ils recherchaient un truc un peu frontal pour poser l'univers en disant bah voilà. Ça va être très dur, très violent, très viscéral. Le premier était un peu comme ça, mais après, voilà, là, on savait les motivations des personnages. Donc après, c'était techniquement un trailer quand même assez impressionnant. Ouais. Bon, à titre perso, moi, c'est juste que ça me saoule les trailers CGI. Ah bah, c'est pas un trailer CGI, c'est un trailer avec le moteur du jeu. Ouais, toujours. Comme c'est pas du gameplay, je suis d'accord. Mais, c'est un trailer avec le moteur du jeu. Le truc, c'est que c'est pratiquement le rendu tourné comme ça, quoi. C'est toujours pareil. Hein. Enfin, maintenant, je vois pas le jeu. Moteur du jeu, in-game, c'est quand même pas tout à fait pareil, hein, quand même. Oui, mais ça veut dire que c'est pas de la CGI, c'est ça pas veut dire que c'est pas un truc qui a été créé à côté. Voilà. C'est un truc créé avec le jeu. Mais effectivement, tu l'auras pas quand tu joues non plus. Ouais. C'est un peu ça aussi la vérité. Moi, c'est juste ça, j'en ai un peu marre de genre des trailers. Après, c'est un trailer effectivement. Bon, après Naughty Dog, dans l'industrie, c'est non plus des manchots au niveau technique. C'est pas des manchots, mais ce que effectivement, c'est pas non plus. Tu vois, ils vont pas se passer d'un peu de buzz. Il y a quand même un peu ça derrière, je trouve. Tu vois, je suis David. Tu disais ils n'ont pas besoin de ça. Moi, je pense qu'ils n'en ont pas besoin, mais ils le prennent quand même. Tu vois. C'est un peu ça. Ils savent très bien qu'ils allaient faire parler d'eux avec un trailer comme ça. Enfin, moi, ça, c'est mon avis. Contrairement à Détroit, Become Humans, où là, ils savaient bien qu'ils allaient nous endormir. Donc, le trailer. Ah, le troll. Le nouveau jeu du Jean-Luc Godard du jeu vidéo. C'est la presse française qui l'a appelé. Ils vont loin. Le Godard du jeu vidéo. On avait eu le Orson Welles pour Last of Us. Maintenant le Walt Disney pour Nintendo. Ouais. Là, on a le Godard. Donc, qu'est-ce qu'on y voit dans Detroit Become Human? Ça ressemble plutôt à une espèce de Alex Proyas du pauvre, on va dire. on va quand même plus mesurer sur. Gods of Egypt du jeu vidéo. Non, alors déjà, c'est impressionnant visuellement. On peut pas enlever ça à Quantic Dream. C'est un studio qui bosse vraiment très bien techniquement. On est dans une ambiance un peu à la Heavy Rain. Et là, en fait, le trailer, on voyait donc Kara, qui est un androïde, que tu vas apparemment incarner et faire des tâches ménagères qui vont rendre le jeu un peu chiant. Voilà. Donc, pourtant, je suis fan de Shenmue et c'est très bien rendu là. C'est très bien rendu. Ça fait vraiment chier. On fait le ménager, le vieux gars. On a l'impression de se faire chier. Alors, sans troller, la particularité, c'est d'illustrer en fait les choix que tu vas pouvoir mener et de montrer en fait comment une situation donnée va pouvoir se décomposer selon un arme, des conséquences selon ce que tu vas faire. Voilà. Donc là, en fait, on voit un père alcoolique et violent qui va violenter sa petite fille, peut-être abuser d'elle, et toi tu vas voir, l'idée c'est comment toi tu vas réagir et quelles conséquences ça va avoir. Hein. C'est toujours le principe des jeux de David Cage et des arbres. C'est très dur de montrer tout ça dans un. Alors là c'était pas trop mal montré parce que tu voyais plein de petites images qui montraient un peu tous les choix que tu pouvais faire, et ça c'était assez bien fait, ça illustrait bien. Et faut dire que voilà, moi je suis pas un gros fan des jeux de David Cage, mais techniquement ça tient la route, il pose quand même une ambiance, il a quand même un sens du cadrage, il y a quand même quelque chose. Après, moi c'est plus la place qu'il donne aux joueurs dans ces jeux qui me dérange et la façon dont il utilise le joueur, mais voilà, après plus trop dans le jeu parfois, on a l'impression, mais bon, je crois que Dim, toi t'es assez fan. Encore une fois, je suis pas d'accord avec vous, parce que moi je suis très fan. Mais tant mieux, vas-y, dis-nous pourquoi. Tu l'as vu ce trailer déjà? Ouais, je l'ai vu, ouais. Moi ça me hype pas mal. Enfin, je suis assez fan déjà de tout ce qui est un peu SF et tout. Donc déjà l'univers m'intéresse avec ces espèces d'androïdes. J'aime beaucoup le système de jeu, Heavy Rain ou Walking Dead ou des choses comme ça, des narrations interactives. Comment? Beyond, t'avais bien aimé là, le dernier sur PS3. Beyond Two Souls. Ouais. Le Beyond Two Souls, c'est ouais, ça? Ouais, avec Ellen Page. Avec Ellen Page, William Dafoe. Ouais, je l'avais bien aimé, mais j'ai préféré Heavy Rain par exemple. Mais c'est vraiment ce genre de jeu, j'adore quoi. Enfin, un peu film interactif comme ça me parle beaucoup quoi. Donc, moi je le ferai celui-là, ça c'est sûr. Ah, je le ferai aussi pour en dire du mal. Non, je plaisante. Quel salaud. Non, je suis. Tu prends vert, tu es sûr, il n'est pas compatible VR? Non, je crois. Non, il n'est pas compatible VR. Après, qu'est-ce qu'on avait mis God of War que tu avais remis. Est-ce que, bon... C'est pareil que 2-3 là, il y a rien de nouveau là. Non, il y a quelque chose. Tu parles du trailer. Ouais. Non, pour le coup, là, on a vu à peu près une ou deux minutes de gameplay. Bon, voilà, c'est du. Non, moi, ce qui me fait un peu peur dans le jeu, c'est le gamin qui va vite me faire chier. J'ai envie de lui mettre un coup de hache dans le dos. Je pense qu'on peut, si on peut le tuer assez vite, ça serait cool. ça serait vraiment génial. Ou alors l'éloigner, c'est voilà, qui reste à la maison. Ça surveille la maison. Moi, le côté enfant des frères Dardenne dans God of War, j'ai pas trop envie de voir ça. Après le Godard, les Dardenne du jeu vidéo. Pour le coup, c'est là, il me hype. Là. Non, moi, ce qui me fait peur, c'est la caméra vue de derrière. Alors qu'avant, on avait ce côté très caméra fixe qui fonctionnait bien dans God of War. On a vu des jeux comme Castlevania, Lost of Lord of Shadow qui est passé en caméra derrière l'épaule. Le troisième, ouais, c'est toujours compliqué plutôt qu'une caméra fixe. Donc, on va voir ce que ça va donner. Après, c'est Santa Monica. Donc, après, comme tu disais pour Naughty Dog. Oui, techniquement, ils vont envoyer du gros. Après, ils savent pas faire des armes et leur système de combat, il est pas terrible quand même. Non, mais voilà, moi j'aime bien God of War. J'attends de voir, en tout cas, celui-là. Ouais, mais bon, après, on n'a pas vu vraiment grand chose de plus. Alors, moi, j'ai pas vu le prochain, je le dis tout de suite, c'est Ghost of Tsushima. Qu'est-ce que c'est? C'est le dernier samouraï. C'est un peu comme disaient les autres. C'est brochette, sushi, fromage. C'est un peu le jeu des gaijin qui vont au Japon. Okay. En fait, c'est le nouveau jeu de Sucker Punch. Donc, Sucker Punch, c'est ceux qui font Infamous. C'est plutôt une série assez honnête. Plutôt pas mal. Et c'est pas eux qui font Spider? Non, c'est Insomniac Games. Mais voilà, et donc là, c'est, on va dire, un peu comme Dernier Samouraï, c'est tu vas incarner un samouraï, donc à l'époque, je sais pas quel siècle c'est. Je n'ai pas regardé parce que du Japon. C'est trop brochette. Non, c'est vraiment très bien fait, très impressionnant visuellement. Pour le coup, c'était un trailer. Ouais, mais on sait qu'aussi, les mecs de Sucker Punch aussi, c'est un peu des brutes au niveau technique. Infamous, notamment le dernier, là, c'était quand même assez impressionnant. Voilà, moi je trouve que c'est bien, ça fait encore une nouvelle licence chez Sony. Ils envoient quand même beaucoup de jeux, plutôt 2019, mais on sait que déjà sur 2018, ils ont beaucoup de jeux. Contrairement à Microsoft, ils envoient quand même beaucoup d'exclus. Voilà, là c'est quand même un gros studio, un jeu nouveau. C'est vrai. Et honnêtement, ça a l'air quand même pas mal. Bon, après, c'est réchauffé. Non, mais moi j'espère un truc entre Onimusha et Nioh, tu vois. Ouais, ils vont prendre des inspirations de Dark Souls et Nioh, comme tu dis. Peut-être qu'ils vont faire un truc comme ça. Mais, en tout cas, on va encore entendre parler de Sony à ce moment-là. En tout cas, ça avait l'air cool. Moi, jusqu'à temps, justement, qu'à la fin du trailer, j'ai vu que c'était Sucker Punch, vu que j'aime pas du tout Infamous. Ah, t'aimes pas? Ah non, pas du tout, mais alors vraiment, je l'avais acheté parce que... Qu'est-ce que t'aimes pas, en fait? C'était au début de la PS4, et je sais pas, je trouvais que vu que c'était un jeu de super-héros, bah le fait d'être un super-héros, c'était super mal utilisé. Les pouvoirs, je les trouvais vraiment pas intéressants, il y en avait qu'un que j'utilisais en boucle, et je trouvais que le monde ouvert était pas super non plus pertinent, il y avait toujours un peu les mêmes choses à faire, enfin... Ça m'avait pas trop plu, on va dire. T'avais fait celui sur PS4, c'est Gunson? Je rejoins Dim, les épisodes PS3. Moi j'ai fait le premier PS3. Moi je trouvais ça. Je trouvais dégueulasse du coup pour le coup. Ouais, c'est un peu le Jens de le Jens dans la ville. L'environnement, tout ça, les couleurs, donc du coup je suis méfiant aussi. Non, c'est pas un grand jeu, mais c'est plutôt honnête là. Peut-être qu'il, tu vois, on a vu par exemple que Guerrilla Games, ils ont fait apparemment un bon jeu avec Horizon, alors qu'ils venaient de faire des Killzone, qui n'est pas une grande série, donc on peut aussi avoir le bénéfice du doute pour ces studios. Bien sûr. Quand tu compares à Zelda, c'est du caca. Oui, bah. Laissez seul. La beauté ne fait pas tout. Spider-Man. Je suis hypé là. Là, ouais. Ça t'a vendu ça? Pourtant, je suis pas un Dim lover. Tu es pas un Dim. Mais j'aime bien Spider-Man, Nikon, le personnage. Et... Après, pareil. Le gameplay, ouais. Ah, tu vois du gameplay dedans. C'est mélangé entre des scènes cinématiques et du gameplay. Uncharted. Faut voir comment ça va être utilisé. Après l'univers, c'est moins couloir peut-être quand même. Toi, sous le fait d'utiliser ces toiles et de se balader des buildings. Toi, Dim, forcément, t'es hypé par. Moi déjà, non, pas encore, mais disons que j'adore déjà le personnage et ouais, le gameplay, le côté vraiment un blockbuster popcorn. Et, c'est beau, ouais, là, moi, hein, ça me. Ça bute pas mal, quoi. Ouais, ça a l'air bien. Ils vont en vendre de ça. Ils l'avaient pas déjà montré à l'E3 en mode un peu genre, c'est un de leurs gros titres. Si. On en avait même parlé dans notre numéro 3. Là on voyait un petit peu plus de gameplay, ils ont moins montré ce côté très scripté qu'il y avait à l'E3 qui avait fait peur à certaines personnes. Là on a vu un petit peu plus de gameplay, on voyait notamment dans une banque. C'est du monde ouvert. Je pense que pas du tout simili, je pense que ça va être du total monde ouvert. Après je sais pas trop comment ils vont organiser les missions. C'est une exclu PS4, c'est ça? Ouais. Encore. Comme l'année prochaine, t'auras Détroit, t'auras God of War, t'auras Last of Us. Ça devient compliqué pour Microsoft. Ils ont intérêt à acheter des trucs. Hein. Effectivement, comme tu le disais, on va conclure la partie jeux vidéo. Mm-hmm. On va conclure la partie jeux vidéo et ensuite le podcast. La partie jeux vidéo, pour la finir, on va faire comme pour le divertissement, les 15 prochains jours dans le jeu vidéo. Alors, le 14 novembre, pense que c'est Dim qui a marqué ça, si je vois non, bien. Non, c'est pas c'est moi. C'est pas toi, mais t'as pas changé le nom, Julien. C'est un jeu que j'ai déjà fait, donc je vais pas le racheter. Donc moi, je me fie au conducteur, hein, bêtement, hein, tu vois, comme... Ah, j'ai pas fait gaffe qu'il y avait comme un mouton qui va à l'abattoir, un petit peu. Et c'est Elle est Noire que tu ouais, as mis, donc bah, Julien, oui, le 14 que c'est novembre. La ressortie de Elle est Noire, donc à la fois sur Switch, et à la fois, je crois, en 4K, et à la fois en VR. Ah, il sort sur les autres plateformes. Ah, oui, il sort sur toutes d'accord. les plateformes. Donc, Elle est Noire, moi, j'ai trouvé que c'était un jeu... Alors, mésestimé. Alors non, pas mésestimé, mais à moitié réussi ou à moitié raté selon où tu vois le verre plein. Il ouais. Faut savoir que c'était un projet, c'était la, les frères à l'époque, c'était la Team Bondi. Après, ça avait été repris par Rockstar, donc il y avait une greffe entre le jeu de la Team Bondi qui était plutôt un jeu d'interrogatoire où tu devais faire des choix qui n'étaient pas toujours très très cohérents et compris par le joueur. Et bah forcément Rockstar qui avait amené ça un peu avec du monde tu ouvert. Avec, ouais, moi je l'avais acheté, je l'avais fait. L'ambiance était vraiment géniale. Maintenant, c'était un monde ouvert vide, hein. C'est-à-dire que tu te baladais, il y avait rien à faire dans la ville et tu passais d'une histoire à l'autre. Mais il y avait vraiment un souci du détail ouais, sur. Techniquement, c'était impressionnant. Techniquement, sur les visages, il y avait le mec qui jouait dans Mad Men, la Cosgrove. Non. Mais ça marchait vraiment ce côté ? Tu pouvais vraiment, genre, comme il disait, voir le mensonge dans les yeux des gens Moi, c'est ce que j'allais dire ouais. pour rigoler. dommage qu'on soit pas un podcast vidéo, sinon je serais fait une imitation des suspects parce qu'ils faisaient toujours un peu la même tête. Ouais, quoi, ça me faisait trop rire. Déjà, ils avaient un peu un visage chimique. Chimique ? Bah, putain, je sais pas, quoi, génial comme expression, putain. On reconnaissait, on va dire, leur visage, mais je sais pas, ça faisait trop bizarre. Et puis, ouais, ils faisaient des vieilles moues, quoi. Ils étaient suspects. Ça me faisait vraiment marrer. Non, et puis surtout, tu sais, t'avais le choix en fait de soit lui mettre la pression, soit un peu tempérer. Et à chaque fois que tu voulais tempérer et la jouer un peu cool, ton mec il s'énervait. Et il lui mettait genre une grosse pression. Et t'étais là, non, mais c'est bon, on voulait juste un peu, tu vois. C'était pas toujours très très clair dans les choix que t'avais. Maintenant, je trouve que la reconstitution de l'univers des années 50-60 fonctionnait super bien. Les thématiques étaient traitées sur la ségrégation, sur le rapport aux femmes. Est-ce que ça suffit pour en faire un jeu plus que moyen, comme tu dis ? Non, moi j'en garde pas. Est-ce que tu vas les racheter ? Non, je le rachèterai pas, je le referai pas, mais j'en garde pas un mauvais souvenir. Il y a notamment tout un passage où tu te bats dans des décors de cinéma que j'avais trouvé très très sympa. Maintenant, c'est pas du tout un jeu en monde ouvert. Hein. Faut pas se dire je vais me balader et faire des trucs. Hein. Tu vas dans un dos, c'est juste un décor. Ouais, disons que c'était un peu vendu comme un jeu monde ouvert, alors que le monde ouvert, ouais, comme tu disais, c'était complètement inutile. C'était vraiment un jeu à enquête. Et moi, ce que je trouve aussi, moi qui m'avait vraiment sorti du jeu à l'époque, c'est vers, on va dire, les derniers trois quarts du jeu, où il me semble que tu passes d'un personnage à un autre. Et enfin, moi, ça m'avait complètement sorti du jeu au niveau de la narration. Je trouvais que ça avait pas trop de sens, quoi. Ouais, je sais plus, je me souviens pas, j'ai pas une très bonne mémoire, donc. Pourtant, je l'ai fini hein, pour le coup. Bon, mais... En tout cas, ça ressort sur Switch. 14 sur Switch novembre, et sur toutes les machines en 4K. Et sur toutes les machines en 4K. Voilà. Le 17 novembre, quelqu'un a écrit Battlefront 2. Ouais, bah là, pour le coup, c'est moi. Ah bah oui, je voulais pas présupposer, mais je me doutais bien, Dim, hein, t'inquiète pas. Bon, ça, bon, c'est sûr que tu l'attends comme le Messi, hein, à peu près. Oh, comme le Messi, je dis pas, mais bon, vu que je suis fan et que c'est quand même vraiment un jeu qui retranscrit l'univers comme jamais, enfin dans les moindres détails, c'est quand même super bien foutu. Et on va dire, c'est un petit jeu apéro, quoi. On se fait une petite partie d'une demi-heure de temps en temps, ça passe super bien. Donc voilà, moi ça me chauffe quand même pour ce côté-là et aussi pour le mode solo avec l'histoire inédite que j'espère tiendra à peu près la route. Et aussi le contenu qui arrivera, on va dire, en continu. Dès le mois de décembre, on aura un pack Last Jedi avec deux personnages du film, Finn et Phasma. Et on aura aussi une mission supplémentaire du solo, ce qui est plutôt appréciable. Donc voilà quoi. Et j'invite aussi tous nos auditeurs qui veulent y jouer sur PS4 à me contacter pour qu'on puisse faire une petite team et botter des culs quoi. Alors, moi j'ai lu qu'il y avait déjà des joueurs qui se plaignaient que Dark Vador ne pouvait être débloqué qu'après 40 heures de jeu. Ouais, bah sauf que là j'ai vu une update aujourd'hui de la news comme quoi ils allaient vraiment raccourcir parce qu'en fait ouais il va falloir récupérer des points et l'acheter par rapport avec ces points là. Ou l'acheter avec de l'argent, j'allais dire. Ouais, voilà, style c'était avec 40 000 crédits et ils l'ont descendu à 10 000 crédits pour qu'on les ait plus tôt ces personnages là. Bonne nouvelle, c'est chouette. Après je trouvais ça pas mal de l'avoir au bout de 40 heures, moi ça me dérangeait pas. Ouais, il y a un côté c'est bien, c'est un accomplissement. Bah c'est Dark Vador quand même, c'est pas non plus. Ouais, c'est pas, ouais. Bah, c'est ce qu'ils avaient dit, ouais, on va ça. Dire. C'est comme ça, ils s'étaient justifiés par rapport à ça. Comme non, quoi. Mais les gars, ils croient que c'est un Wookiee, quoi. C'est Boba Fett, quoi, c'est ça que tu veux dire. Ouais, ou Boba Fett, quoi. Vois, voilà, comme quoi, il fallait vraiment que c'était la récompense ultime de pouvoir jouer avec les gros personnages phares. Mais les fans, ils ont gueulé, ils les voulaient plus tôt, donc bon, bah, ils ont écouté les fans. Ils sont chiants, ces fans. Oh là là. C'est les gens comme toi, Dim, là, ils gueulent. Ah, non, moi, je suis d'accord avec vous, les gars. Et un jeu qu'on n'avait pas mis, qui sort d'ailleurs sur Switch, c'est Skyrim. Ah, ça sort aussi, là. Oui, ça sort là, oui, bientôt, là. Oh là là, enfin. Il est temps. Ah bah, ça a été présenté début ça sort le 17 aussi. Ouais, nouveauté de première fraîcheur. Hein, nouveauté de 2017. 2017. Voilà. Bon, en même temps, c'est un Skyrim que tu peux emmener partout avec toi. Ouais, ouais, non, après, pourquoi pas. Tu vas le prendre ? Non. Moi non plus, mais bon. Par contre, 17 novembre, même jour que Battlefront 2, Yao a rajouté Rime sur Switch. Ouais, le Last Guardian espagnol. Last Guardian. Je le fais. Non, mais il avait l'air sympa. Il est tard. Je sais pas si je me laisserais. Mais tu l'as pas pris sur PS4. Si, c'est vrai que là, ça avait l'air sympa la DA, c'est vrai. Mais il est déjà sorti sur PS4 ouais, et One. Il est sorti sur PS4 et One. Et certaines personnes n'ont aucune des deux, excuse-nous. C'est vrai. C'est vrai. T'as un PC, il est sorti sur PC. J'ai un PC, mais j'ai. Je suis curieux de voir aussi si ça. Ça a pas baissé au niveau de la conversion. Ouais. Enfin, c'est comme Doom. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc voilà, non, c'est juste à surveiller parce que je crois que ça avait mis du temps déjà à être réalisé le titre et le temps entre la PS4 et de sortir entre la PS4 et la après, Switch. Après, moi, ayant fait un jeu de Tequila Works, je m'y risque. C'était quoi pas. C'était comment s'appelle ce jeu Deadlight. Ah oui, en noir et blanc. Là, ouais, la super DA, mais alors c'était chiant comme la mort. Pourtant, ça a duré que 3 heures. Hein. Oh putain, merde. Tequila Works, là, les Espagnols. Donc je sais pas si Rime est mieux. C'est mais... mauvais pour Rime, ça. Bon, c'est mauvais pour Rime. Enfin, la DA est sympa. Mais après, ouais, bon, s'ils ont piqué la DA tirs, à Wind Waker et à comment à Last Guardian. Last Guardian. Ouais, c'est enfin, pas Ico. Faux. C'est pas faux. Non, c'est plutôt Ico d'ailleurs. Mais... Oui, mais Last Guardian, ouais. Enfin, les deux. Il y avait du Last Guardian aussi pour. Voilà, c'est tout. Bah ouais, on a fait un peu le tour. Avant que tu nous dises la musique de fin, je rappelle aux gens d'aller sur webcast.fr, de nous mettre des étoiles sur iTunes, sur tout ça. Et dites si vous voulez plus de quiz, hein, j'en ai en stock. Tu peux nous faire des quiz plus simples, si tu veux, sans problème. Merci Yao d'être venu. On se retrouve sur Twitter. Je remettrai ton compte Twitter, si tu veux, sur le site Upcast. Et puis, bah, vous pouvez donc aller vous écouter un petit peu la musique dont on a parlé. On a parlé de Baxter Dury tout à l'heure. On va remettre tout ça. On va remettre toutes les bandes annonces, tous les trailers, tous les trucs comme ça dont on a parlé. On les remet également sur webcast.fr, venez nous dire un petit coucou, venez mettre des commentaires, venez nous dire ce que vous avez pensé de Mario aussi, pourquoi pas si ouais, vous y avez je joué. Crois que c'est maintenant qu'on enregistre le bonus sur Club Dorothée, non on va y aller, on va y aller en musique, on va y aller en musique avec Julien qui avec nous a Corbier. Choisi. Corbier, non certainement pas. Attends, il y a deux films. Ouais, allez, Yao, si tu veux, on le fait tous les deux. Ah, ça marche, merci. Alors Julien, est-ce que tu avais déjà pré-choisi un morceau pour finir en musique Oui, j'ai choisi donc Zombie. Pour faire plaisir à Dim, donc Zombie, c'est un groupe français que j'adore moi depuis Land for Renegades, voilà, qui est un album génial. Ils ont fait aussi pas mal de reprises de John Carpenter. Mmh. Et là, ils reviennent avec un nouvel album qui s'appelle Live E.T. C'est trois gars qui virent un peu à l'électro et un peu aussi au jazz et au free jazz. Mais par contre, c'est un groupe qui joue vraiment. Tu vois, ils jouent tous les instruments. Il y a un côté très physique dans leur musique. Je ne sais pas du tout quel morceau on va trouver en fait sur YouTube. C'est un peu le truc. Donc, moi, je voulais mettre le morceau Lose, qui est le morceau peut-être le plus rythmé de l'album. Mais peut-être que ce sera Live E.T. si on trouve que celui-là, parce que je crois que c'était leur single. Il y a aussi Hippocampe qui est très bon. Ils existent aussi, le morceau. Voilà, c'est 7 morceaux, 8 morceaux avec le. Peut-être il y a un bonus et je trouve que c'est peut-être leur meilleur album depuis le premier. Il est assez vraiment excellent avec un retour au percu qu'ils avaient un peu perdu sur le Rituel pour un nouveau monde. Et je sais pas si tu l'as écouté, Dim. Non, pas encore. Je savais même pas que c'était sorti, mais du coup, je vais écouter ça bientôt. Je te le conseille vraiment. Voilà, c'est un super groupe. Moi, je les ai vus en concert. Est-ce que t'as déjà vu en live? Parce qu'en live, c'est vraiment bien. Je les ai vus pour Land for Renegade et c'était très copié-collé de l'album et c'était vraiment pas mal. Et je trouve que c'était vraiment un super disque. Assez dur à trouver maintenant. Ils étaient chez Versatile, le label versaillais. Et d'ailleurs, je crois que c'est Tien Jomek qui est dans Herman Dune. Donc voilà, d'accord. C'est quand même des musiciens qui tournent beaucoup dans la scène française et c'est vraiment un super groupe. Moi, faut vraiment soutenir ce groupe en France. Leur pochette, c'est souvent assez génial. En plus, ils sont souvent un peu à la fois dans l'univers des jeux de rôle, dans l'univers de la science-fiction, l'univers de la fantasy, l'univers aussi des films d'horreur. Voilà, il y a tout un truc autour de ça. Ils ont vraiment leur propre identité et surtout leur propre son. Et voilà, donc peut-être qu'on essaiera de passer Lou si on le trouve ou alors Live E.T. En tout cas, un morceau de Zombie du dernier album. Je vous conseille d'aller l'écouter vraiment. Eh ben merci Julien pour ce morceau. On finit donc avec les zombies et on vous dit à dans 15 jours. Salut à tous. Salut à tous. Ouais, salut tout le monde. Vous allez voir Justice? Non. Ah, c'est vrai qu'on devrait peut-être se dire ce qu'on va voir. Merci pour l'idée, Yao. Ouais, mais t'inquiète pas, j'allais vous le proposer, les gars. Bah, écoute, pourquoi pas? Moi, ça fait longtemps que j'ai pas vu un Marvel. Ça se trouve, tu l'avais aimé en plus. Attends, il y a peut-être autre chose. DC, on a mis quoi dans les trucs à voir là? Bah, DC, tu veux dire. Il y a Happy Birds Dead aussi, qu'on avait mis. Ok. Bah, donc, ça peut être Marilyn. Ou le Totem, ouais, ou le monde des merveilles. Non, moi je suis assez d'accord pour aller voir Justice League. On va voir Justice League. Oh, tu vas passer un bon moment, ça se trouve. Ouais. Mais alors ça veut dire qu'on en fait une vraie critique. Hein. Si c'est de la merde, on le dit, Dim. Hein. Ouais, bah, tu te retiens pas. Hein. Tu fais pas. Oh, c'était nul, mais ça allait quand même. Ce que tu dis à chaque fois, toi. Ah non, mais surtout, tu vas avoir des critiques de quelqu'un qui a pas dû voir un Marvel depuis. Enfin, un DC depuis des lustres. Hein. Ouais, en plus, moi je suis complètement paumé dans leur univers. Alors c'est ça qui veut dire la confrontation entre vous trois. C'est qui ce mec là? Non, c'est, bien, ça, c'est pourquoi il fait ça dans la flotte. Ça fera différents niveaux de. Qui le cadjo là avec son. C'est exactement son trident, ça. Déjà, l'affiche est moche. Hein. Ouais. Le film aussi, je crois. La bande-annonce est moche aussi. L'affiche, la bande-annonce de Justice League. Non, l'affiche, elle est moche, non? L'affiche est moche, la bande-annonce est ratée. Et t'as la dernière affiche là où tu vois les portraits, je trouve qu'elle est plutôt pas mal. Et t'as vu qu'ils autorisent les critiques qu'à 8h50? Ah, mais ils savent que 10 minutes avant à 9h les premières séances. Non, mais ça, c'est quand ils savent vraiment que c'est mauvais. Moi, j'ai vu les reviews Twitter des Américains et ils disent tous que, en fait, c'est fun, les personnages sont bien travaillés, sont marrants et tout. Il a sélectionné que le niveau de l'histoire. C'est les critiques Twitter sur les affiches, tu sais. C'est fun, c'est frais. Ouais, c'est ça, c'est. La dîme l'impartial, quoi. Bon, bah, ok, on fait ça alors. On fait ça. Allez, Justice League pendant 15 jours. Oh.